La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Bon, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, que vous avez passé une bonne journée. Les grandes marches un petit peu partout en France, on vous a mis plein de photos. On a fait une grosse émission cet après-midi en direct avec Difool. Il y avait Fred, il y avait toute l'équipe de Skyrock, la Marie, il y avait Pierre le Big Boss, Laurent, il y avait tout le monde dans les studios de Skyrock. On vous a mis plein de photos, de vos photos déjà, hein. Puis vous toutes et vous tous qui êtes dans toute la France, bien évidemment, vous avez bombardé de messages tout au long de la journée. Donc voilà, il y a plein de photos à se mater, des rassemblements, des marches dans toute la France. Allez faire un petit tour sur les réseaux sociaux, hein, la page Facebook officielle de Skyrock, le difool.skyrock.com, le compte Twitter. Bref, la totale, nous on est ensemble comme tous les dimanches pour faire les cons. Voilà, on va s'amuser, on va rigoler avec les meilleurs moments de la radio libre de Difool, Difool Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric Lebel. Samy qu'on va retrouver dans l'émission, hein, vous allez savoir pourquoi un jour il a cassé une voiture, il va tout vous raconter. On aura Gibbs qui a un passé comme dans les clubs échangistes, on aura Amélie qui va vous raconter comment qu'elle a appris qu'elle est cocu, Nadir qui a fait un délit de fuite, on aura un fail également du répondeur de Pamela, c'est un fail mais franchement il a mourir de rire. On sera également le classement des pays qui regardent le plus les sites porno, les films de cul. On aura Thomas Njigel qui va arriver dans l'émission, on avait bien rigolé avec Thomas Njigel, Ralette de Lyon qui commente des matchs, il va vous expliquer comment gagner votre vie en commentant des matchs de foot. Et puis Jeanne de Grenoble qui fait des rêves érotiques, elle a rêvé de l'un des membres de l'équipe. Si vous avez envie d'écouter un son, vous nous dites, hein, l'émission on l'a fait tous ensemble bien évidemment. Bienvenue à Océane, à Fly, à Clem de Skyrock, Baptiste, Jules du 02, Bébert du 13. Voilà, soyez tous les bienvenus et on attaque la spéciale fort avec une grosse embrouille. Allez, à se pisser dessus, hein. Cédric Lambrouille maintenant sur Skyrock. C'est l'heure de faire entrer Cédric Lambrouille sur Skyrock. Et ouais, donc t'as récupéré les numéros que vous nous avez laissés. Il y a plein de messages que vous nous avez envoyés. Je vois Vic là qui nous dit embrouiller mon père, il dort, il s'appelle Jean, il va péter un câble. Ouais, Jeannot. Salut à ton papa, on dira qu'on appelle de ta part. David du 77 qui nous dit ah, encore un père. Il y a mon père, il démarre au quart de tour. Tu lui dis qu'il fait un boulot de merde. Tiens, dis-nous juste, donne plus de précision, quel est le boulot qu'il fait, tout ça. David du 77, j'ai dit ça pour toi. Il nous a envoyé un message il y a quoi, il y a une petite demi-heure. Et puis il y a tous les autres. Et donc là, tu as sélectionné le message de qui, Cédric? Appelle mon mari, il s'énerve vite quand il apprend. En fait, faut appeler son mec là et lui dire que Sarah se fait draguer par les collègues. Ah, et ça va énerver son mec. Voilà. Ah bon, général. Donc là, si tu dragues, c'est normal. Non, je drague pas. Ah, tu dragues pas, très bien. Il comprend rien, lui. Tu trouves que Romano, il comprend rien ce soir, le pauvre. Allô? Ouais, Abdelaziz? Oui. Ouais, ça va ou quoi? C'est qui? Bah, c'est Cédric, je t'appelais par rapport à ta femme là, parce qu'il y a un petit problème là. C'est qui là? Bah, je te connais pas très bien, mais moi je t'aime bien, tu vois. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait tes collègues là qui arrêtaient pas de draguer ta femme. Elle s'appelle bien Sarah. Mes collègues? Ouais, bah ouais, des mecs avec qui tu bosses. En fait, ils draguent ta meuf et franchement, ça me fait mal au cœur pour toi, quoi. Parce que t'es un peu le cocu de service dans l'histoire. Oula. De quoi? Bah, t'es cocu, ta femme elle te fait cocu. Comment ça, elle me fait cocu? Bah, moi j'ai vu se faire draguer par des mecs et puis bah, ça m'a fait mal au cœur pour toi, quoi. Bah, elle se fait draguer par qui en fait? Bah, par des mecs, je vais pas te donner les noms parce que ça se fait pas, je suis pas une balance, hein, tu sais. Limite, moi, elle m'a demandé mon numéro de téléphone l'autre jour. Mais t'es qui, toi? Bah, moi je m'appelle Cédric. Cédric comment? Bah, Cédric le beau gosse. Elle m'avait donc... Bah moi j'étais à l'hôtel, au Novotel la dernière fois avec elle. Et puis quand j'ai appris que c'était ta meuf, je dis ouais j'hésite un petit peu quoi. Tu peux me dire quand t'étais avec elle? Bah je me souviens plus, c'était la semaine dernière. Mais là peut-être demain ou après-demain je vais la revoir, hein. Ou peut-être ce soir même d'ailleurs. Je vais lui envoyer quand? Bah je vais lui envoyer un petit message là. Là tout de suite. Je vais lui envoyer un petit message et je vais voir ce qu'elle fait ce soir de beau quoi. C'est quoi son numéro? Bah déjà je te préviens, je suis pas un mec, je suis pas un salopard. Ouais, non, mais c'est quoi son numéro? Bah, je veux pas te le dire, tu l'as déjà, c'est rien que je redonne son numéro. Non, mais vas-y, je rigole pas là, c'est en train de me casser les couilles. Là. Bah, si tu veux, à la limite, je pourrais venir te voir et puis bah, on pourra parler en face à face. Allô, Abdel? T'es en panique? Ouais. T'es en panique ou quoi? Comment? T'es en panique? En panique de quoi? Bah, que je vienne te voir. J'ai envie de buter tout le monde là et tu me dis que je suis en panique. Bah, c'est pas très grave, t'es cocu, y'a pire dans la vie, hein. Comment ça, c'est pas très grave, t'es en train de me dire n'importe quoi, là. Bah, c'est une meuf, elle est plutôt mignonne, ça va, quoi. Tu devrais être content qu'il y ait d'autres mecs qui la draguent. Mais t'es de où, toi? Bah, je suis pas très loin de chez toi. Et c'est où, chez moi? Bah, à la limite, je pourrais... Bah, je sais pas exactement où t'habites, j'ai jamais squatté chez toi, on se voit à chaque fois à l'hôtel, elle et moi. D'accord, bah, mais... je vais l'appeler, là, tout de suite. Mais si tu veux, on pourrait se voir, toi et moi, là, tout de suite. Tout de suite, je suis pas là, moi, je travaille, moi. Bah, je peux venir te voir au boulot, puis je te montre qui je suis, quoi. Si t'as pas peur. Vas-y, y'a pas de soucis, viens tout de suite. Non, parce que là, j'ai l'impression que t'es en panique, mec. Vas-y, bah viens tout de suite. La vie de ma mère, je vais te montrer c'est quoi la panique. Viens. Ouais, t'es en panique, ça va. Eh, des mecs comme toi, j'en ai croisé plein. T'es où et t'es qui? Bah, moi, je t'ai dit, c'est Cédric. Tu demanderas à ta meuf, c'est qui Cédric, et elle va te dire, tu verras, mec. Au bout d'un moment. Eh, c'est pas de ma faute si t'es cocu, hein. Le Coran dit encore une fois, je suis cocu. Vas-y, ben viens là, tu suis, t'es où? Bah, t'es cocu, mon pote, j'y peux rien, moi. Eh, le coquin, arrête de me dire n'importe quoi, que le cocu, va. Bah, mais t'es fou, toi, je viens de me marier, tu me dis, moi, je suis cocu. Bah, si je couche avec une meuf et qu'elle a un mec, c'est que le mec, il est cocu. Mais il est malade, ce donc mec. T'es cocu. T'es marié, t'es cocu. Je suis cocu, moi, je te dis, je lui fais confiance, elle me fait confiance. Non, mais après, peut-être que toi, tu lui fais confiance, mais juste avant de se marier, elle a voulu te faire cocu, tu vois. Ou peut-être au début du mariage, histoire de dire que voilà, après, elle arrête. Et toi, genre, toi, tu me fais cocu avec ma femme. Bah, enfin, c'est ta femme. Elle me fait cocu avec toi. Voilà, c'est ça, ouais. Et je peux te dire qu'elle est chaude, hein. Oh putain, mon pote. Eh ben, viens tout de suite, je vais te montrer ce que c'est. Oh, je lui fais l'amour et je. Bam, bam, bim, boum, quoi. Je peux te dire oui, que arrête, c'est. Arrête tes fantasmes, c'est très bien. Et toi, tu me dis que Zahma, t'es un gars bien. Bah, je suis un mec bien, je te préviens. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ma faute. Moi, je me fais plaisir avec ta femme, excuse-moi, mec. Déjà, je suis au travail, là. Bah, je viens te voir alors. Vas-y, vas-y, tout de suite, y'a pas de problème. Eh, mets-toi pas en panique, hein. Même, je ferai une bonne sortie, je sors tout de suite, là. Bah, vas-y, pas de problème, eh ben écoute, j'arrive, là. Bon. Eh, tu sais quoi, je monte dans la voiture et je te rappelle. Garde-le quand même, Cédric. Tu sais même pas où je suis, tu sais même pas qui je suis, en fait. Bah, je t'ai dit, eh, je monte dans la voiture et je te rappelle. Comme ça, tu me dis où t'es. Ben, vas-y. À tout de suite, appelle-moi, mon pote. Vas-y. À tout de suite, le cocu. Reprends-le quand même avant qu'il raccroche. Non, je vais m'énerver. Cédric prend sa voiture. A tout de suite, cocu. Voilà. Oh, petit bâtard. Bien joué, belle terre. Très bien, la femme. Moi, je suis d'accord avec la femme. Reprends-le, reprends-le, Samy, qu'on évite de briser un couple. T'es fier de toi, Cédric. Ouais, je suis fier de toi. Il est quand même. Ouais, Sarah, ça va être chaud pour moi ce soir. Et en plus, c'est Sarah qui nous a envoyé le numéro. Ouais, c'est Sarah, ouais. Bien joué, Sarah. Tu vas passer une super soirée, mais on est en train de le prévenir. Appelle mon mari, il s'énerve vite. Ouais, il est mort de rire. Quand il apprend que les collègues. C'est Sarah qui nous a donné le numéro. Passe-le nous. Non, mais à lui. Et lui il balance sa copine, Samy, vous entendez? Ah, sa copine nous a donné le numéro pour dire que t'étais cocu. Et voilà, hein, trop drôle. Et ça c'est trop drôle là. Et voilà, Cédric le briseur de couple. Oh non. Si si on nous dit, regarde, Cédric va se faire défoncer. Message de mousse chocolat là. Non, tu es le meilleur. Mon champion est-elle baisse, nous dit fan de Cédric. Ouais, bah, Maëlle, même chose. Maëlle qui nous fait Cédric, hein, écoute pas le chauve, c'est toi le meilleur. C'est un ouf dans sa teuté. Alors, t'as une nouvelle? Ouais, tiens, il veut te parler. Je l'ai rassuré quand même, le pauvre Abdel. Abdel. C'est pas bien de faire des trucs comme ça. Hein. Ah, on est là. On est d'accord. Travail, je pète les plombs. T'imagines, moi, je t'appelle, t'es au boulot, je te dis, ouais, ta femme, elle est en train de se faire. Ah, mais on n'imagine pas. Non. Mais Cédric, il en a pas de femme, donc tout va bien. T'inquiète. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de soucis. Non, pas de femme. Non, Cédric, il a pas de femme, ça risque pas de lui arriver, c'est pour ça qu'il fait ça aux autres. Ouais, en tout cas, pas mal, hein. Ah, pas mal, t'as vu un peu. C'est une bonne blague. Ouais, t'inquiète, t'es pas cocu. Elle sait que je suis jaloux, moi. Ben oui, c'est ce qu'elle nous a dit dans le mariage. Même si t'es pas jaloux, t'es un espèce de type qui t'appelle en te faisant, voilà. Tu pètes un câble, obligé. Je fais l'amour avec ta femme. Ça peut t'énerver, même si t'es pas jaloux. Au moins, tu gueules, tu réagis, quoi. Ouais. Bah, ça prouve que tu l'aimes, au moins. Je réagis comme un mec normal. Ouais, c'est ça. Un mec qui aime sa femme. C'est ça, c'est faire. Pour l'instant, t'es pas cocu. Voilà, en tout cas. C'est Eric. Et remercie d'ailleurs Sarah, ta copine. Ouais, on lui fait un gros bisou. Qui nous a filé. Ouais, je pense qu'elle va lui faire un bisou, parce moi. Elle a dû t'entendre là. Elle doit être morte de rire. Oui, je pense qu'elle est morte de rire derrière Sarah. Ouais, je pense qu'elle est morte de rire. C'est bien, t'as bien fait. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bien joué. Bon, tu quittes bien pas. Bien joué, à charge de revanche. Ouais, ouais. N'hésite pas à te venger. Si tu veux te venger, je te donne le numéro personnel de Romano. Jour de clash, il est capable de t'appeler pour déstabiliser Cédric. Ouais, ouais, pourquoi pas. Je vais lui faire un coup, elle. T'inquiète pas. Bon, on t'embrasse, Adèle. Raccroche pas et on t'envoie un cadeau, ouais, tu touches pas. Cadeau à la maison, tu quittes pas. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Amélie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous appelles, toi? Alors, bah, moi, je vous appelle parce que j'ai gaulé mon mec en flag avec des choses qu'il ne devrait pas avoir et avec une personne qu'il ne devrait pas voir. Donc, en gros, ton mec t'a fait cocu, c'est ça? En gros, et j'ai appris aussi qu'il se défonçait la gueule aussi. Qu'il se défonçait la gueule à quoi? À tout. À tout ce qui passe. L'alcool, tout y passe. Vraiment. Et alors, c'est normal? Il se planquait. Et alors, où est le problème? Mais c'est toi, t'es complètement coincé, ma chérie. Mais non, mais, rien à voir, mais en fait. Ça donnait ça, la discussion, voilà, exactement. Et mais quand tu dis qu'il se défonce à tout, c'est quoi? C'est il fume, il... Drogue, tout, vraiment tout, alcohol, cachet, tout. Mais tu savais pas, toi, parce que bon, quand tu sors avec quelqu'un, tu sais à peu près ce qu'elle fait. Non, je ne savais pas, non. Et c'est combien de temps, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 2 ans. Mais il prend quoi? Il prend de la coke, de l'héro, de, voilà, de, tout, des amphètes, des... Subutex. Ah ouais. Ah putain, c'est chiant. C'est une pharmacie ambulante, quoi. Mais t'avais jamais remarqué qu'il était un peu bizarre? J'ai remarqué parce que, bah, par exemple, une anecdote comme ça, au hasard, il y a quoi, une semaine, il me dit, j'étais en train de changer des boutons de tiroir, bref, peu importe, et il me dit, les boutons, tu vas les coudre. Des boutons de tiroir qui se cousent. Oui, mais tu sais, moi, j'y connais rien du tout en bricolage, c'est le genre de choses que je peux sortir, et pourtant, je ne prends ni le coke, ni l'héro, ni l'amphétamine. Non, mais là, soit t'es drogué, soit t'es débile. Ouais, soit c'est une blague de merde. Voilà. Bon, c'est possible. Il faut. Même si tu connais rien en bricolage, tu dis bien que tu vas pas coudre un bouton sur le meuble. Ouais. Ah bon? Voilà. T'as pas coudre du poignet à la porte? Ah ouais? Non. C'est combien de temps t'as vécu, tu nous as dit, excuse-moi, 2 ans? 2 ans. Et en 2 ans, jamais tu t'es rendu compte qu'il se droguait? Non, vraiment pas. Ça se voit, quand tu... maintenant, avec le recul, évidemment, je me dis... Mais vous vivez ensemble? Ouais, vous vivez ensemble? Non. Ah ouais, donc ouais, si je défonce la gueule quand t'es pas là, en même temps. C'est marrant. Exactement. Enfin, c'est marrant, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est marrant parce que l'autre matin, on parlait des trucs qu'on se cachait dans le couple. Genre, dans le couple, on se dit pas tout, c'est ça. C'est ce jour-là que ça a commencé à partir en couille et que je me suis rendu compte, je vous écoutais et je me suis dit, en fait, effectivement, on a chacun notre jardin secret et lui doit en avoir un sacré. Ah bah il a un gros jardin secret. Ouais. Bah apparemment, oui. C'est le jardin de Versailles qu'il a. Mais c'est surtout inquiétant pour lui. Parce non mais physiquement, tu vois, il est pas marqué. Ouais, c'est ça, ouais. Se voit, non? Il a pas... Non, rien du tout. Non, vraiment rien. Donc, moi, les mecs coqués, je les repère, hein, ça se voit au bout d'un moment. Enfin, si tu passes 2 minutes avec eux, tu t'en rends pas compte. Non mais surtout, toi, si ton mec, il prend du Subutex, de l'héro et compagnie... Non mais ça se voit, c'est direct. Ça fait... Ouais, t'as une gueule de tox, quoi. Mais t'es sûr qu'il prend tout ça, toi, Amélie? Bah, je l'ai gaulé en flag avec tout ça à la main, voilà, et c'est pas juste pour se promener, quoi. Non, j'imagine que si tu as de la... T'es sûr que c'était pas de la farine, nous dit Jason, non, là, sur SMS. Non, vraiment pas. Non, c'était pas de la farine. Ça change beaucoup de choses pour toi, c'est... Mais t'es cocu. Mais ça change que je suis cocu, voilà, déjà, exactement. Ensuite, ça change beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. Il me fait culpabiliser, quoi, en fait. Il me dit, c'est parce que tu m'interdis tout, etc., quoi. Ah, comme si t'étais sa mère, en fait. Voilà. Exactement. Est-ce que vous avez déjà caché un truc en couple, vous? Dites-nous, si vous avez un petit jardin secret, genre vous dites pas tout à votre meuf, vous dites pas tout à votre gars. Personne ne dit tout. Bah, je pense comme toi, Marie, moi. Bah, il faut garder un petit jardin secret, après, pas des trucs Oui, pour cultiver des pommes de terre. Pour faire une raclette. C'est bon, c'est ça. Normal, parce que si tu dis tout, tu te donnes totalement. Ça va vite, le truc. Hein. Oui, et puis il y a des trucs, elle a pas forcément. Enfin, tu vois, ça sert à rien qu'elle sache que t'as fait avant. Ouais, voilà. Avec qui tu l'as fait. Ouais, après, c'est pas des trucs qui partent. Ouais, mais là, toi, c'est différent. C'est que là, t'es avec lui. Et puis le mec, au final, il est malade, quoi. Tu sais, il a un problème, quoi. Là, c'est pas de son passé. Il est toxicomane. Tu vois, il t'aurait pas fait cocu, Amélie. Limite, ce serait. Ça pourrait, à la limite, t'aurais peut-être supporté plus facilement le fait qu'ils prennent tout ça. T'aurais peut-être eu envie de l'aider plus que de le. Ouais. Parce que là, non, j'ai vraiment pas envie de faire. Et cocu, c'est avec qui? Avec une fille que je connais bien, une amie à nous. En plus, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Exactement. Méfiez-vous des amis. Les boules. Ouais, Cédric, tu caches des trucs à tes copines? Non, moi, je cache. Genre, par exemple, tu leur dis que t'es pétomane? Je suis pas pétomane, mais t'es sérieux. Ah si, t'es pétomane, Cédric. Alors, arrache-toi de là, toi. Est-ce que Cédric est pétomane? Je suis jamais pétomane. Ah, j'ai envie que tu me dises connard, moi. Oh, connard! Arrache-toi de là, espèce de salope. Ah non, un connard, c'est mérité. Mais t'es pétomane, tu t'en rends pas compte. T'es gueudin, toi, gros. Tu passes ta journée à péter. Mais je passe pas ma journée à péter. Le mec pète 24 heures sur 24, tu rentres dans sa voiture. Non, mais c'est même pas pétomane, c'est chiasseman, quoi. Oui. Tu leur dis que tu vas chier 6 fois par jour? Ah ben non. Elle le voit. Mais comment tu fais, par exemple, quand tu emmènes une meuf chez toi, tu pars en vacances avec. Ouais, voilà, et que tu vas défoncer les chiottes 6 fois par jour. Ah, je suis malade. Non, je suis pas un peu, on est dehors, je dis, ah tiens, je vais au resto, j'ai envie d'aller aux toilettes vite fait, je vais pisser. Enfin, dis pas que je vais chier à chaque fois. Entre pisser et chier, il y a quand même une différence de temps, quoi. Ah ouais, il y avait du monde. Au niveau du timing, ah, il y a du monde. Et toi, tu non, mais par exemple, mec, non, mais admettons, la nuit, je sais pas, t'es dans la chambre d'hôtel, vous êtes en train de mater la télé ou quoi, et t'as envie d'aller chier. Là, c'est problématique, là. c'est problématique. Comment tu fais? Parce que tu sais que tu vas démonter les chiottes. Ah, j'essaie de me retenir jusqu'à ce qu'elle dorme. Dès qu'elle dort, j'y vais, je déglingue les chiottes, quoi. Oh, mais là, tu la réveilles, Cédric. Non, mais t'es déjà, sorti de la chambre pour aller chier ailleurs? Genre dans le couloir? À la réception dans l'hôtel, ouais. Dans la réception. Voilà, bonjour. Il y a des chiottes dans la réception. Chier derrière le comptoir. L'hôtel a un contrôle d'hygiène. Oh, messieurs, dames. Il est déclaré insalubre après, là. Non, mais je vois, ma copine, elle prend sa douche, j'ai envie d'aller aux toilettes. je peux utiliser les toilettes de l'accueil, pas de problème. En deux ans, tu t'en es pas rendu compte. C'est bizarre quand même. T'es sûr qu'il en prend régulièrement ou qu'il en prenait pas que occasionnellement? Sinon, ça détruit la gueule. Ça se voit sur la gueule, c'est non, vrai. Non, mais de toute façon, coke, héros. L'héros, c'est, tu deviens vite accro, hein. Ouais, ouais, bah tiens, clair. Ça beau slogan, ça tiens, je vais le vendre. L'héros, tu deviens vite accro, c'est bon ça. Non, mais c'est-à-dire que l'héros, c'est pas un truc que tu vas prendre une fois de temps en temps, quoi. C'est, non, quand non, tu non. commences à en prendre, c'est un truc, c'est, tu tombes accro super rapidement. C'est pas comme le shit ou la coke, qui ça peut être occasionnel. Quand j'en sais rien, je suis pas un professionnel des drogues non plus, mais je crois que l'héros, tu deviens. Non, puis ça se voit sur la gueule. Tu deviens accro, ouais, tu deviens accro en 2-2. Ouais. Tu deviens légume un peu. Ouais. Ça te marche. Bah ouais, c'est comme le crack, tu vois, le crack en 2-2, ah, t'es accro. Le crack, et c'est une dérive de. Ouais, c'est de ça, la de l'héros. Le crack? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Il s'est fait avec les poubelles de la cocaïne. Exactement. Oh. Ouais, c'est sympa. Bon, on va lancer un appel à vous tous et vous toutes. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi d'ailleurs, Amélie? Eh ben, savoir. Que faire? Qu'est-ce bah que déjà, les auditeurs, voilà, qu'est-ce que les auditeurs me conseillent, ouais. Bon, résume, la majorité larguerait, laisserait tomber. Je suis sûr qu'il y a plein de filles qui essaieraient de le prendre sous leur aile parce qu'elles se diraient, ouais, il a des problèmes, ouais, s'il m'a fait cocu, c'est parce qu'il se drogue, etc. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne bon, idée. Bon, qu'est-ce que vous en pensez puisque vous avez déjà caché des trucs à vos meufs ou à vos gars au 41759 sur l'appli Skyrock, sur le skyrock.fm, oui, sur le 01 53 40 30 20 et sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez même. La spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Avec vos réactions dans quelques minutes, on va se mettre du son aussi dans la spéciale de Difool. Je garde le sourire. Avec Black M. Site d'actualité Black M, Black Mainstream, section d'assaut, je garde le sourire, ce sera aussi. Un jour de paix, Sopra, avec Cosmo, le gros son de Soprano qui arrive pour la spéciale de Difool, les meilleurs moments de la radio libre, tous les dimanches soirs sur Skyrock entre 21h et minuit. Pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même, je vous rappelle qu'un petit peu partout sur les réseaux sociaux de Skyrock, on a mis plein d'images, vos images d'ailleurs, toutes les images que vous nous avez envoyées de toutes les manifs un petit peu partout en France, à retrouver sur le difool.skyrock.com, la page Facebook de Skyrock, d'Etoff également. On a fait une grosse émission en direct cet après-midi avec Fred, Difool, toute la team et puis vous toutes et vous tous de toute la France. Donc la spéciale, on continue de faire les cons, on va garder le sourire, comme dirait Black M, avec en prépa un super clash de la drague. Le super clash de la drague, je rappelle le principe à tous les nouveaux auditeurs, c'est en exclusivité tous les dimanches. On a mélangé les clashs de Cédric contre les clashs de Romano. Voilà, on a pris plusieurs appels au hasard, à droite, à gauche, et ça nous donne un clash totalement inédit qu'on va se faire dans moins d'une demi-heure et pour lequel vous pourrez voter. On aura Océane de Grenoble, elle a fait un rêve érotique, elle a rêvé de l'un des membres de l'équipe, elle va tout vous raconter. Et puis Nadir aussi, qui a fait un délit de fuite, voilà, il va vous raconter comment il s'est fait choper. Tout ça, c'est pour la suite de la spéciale de Difool sur Skyrock. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Petite question que je voulais vous poser, tiens, parce qu'on en parlait l'autre matin dans l'émission et il y a une réaction que j'ai eue par rapport à ça. C'est qui? C'est Margot qui nous a envoyé un message qui dit: je vous ai écouté lundi. Ah oui, parce que lundi on était là en direct. Ouais. Vous avez parlé des rêves qu'on faisait la nuit, entre parenthèses, érotiques. En effet, lundi matin, on a parlé des rêves érotiques. On est tombé sur un gars qui était sur le net et qui avait un petit souci parce que lui, il rêvait à côté de sa femme. Il est marié depuis 8 ans avec sa femme. Ouais. Il s'appelle Fabrice, il a 28 ans. Et il n'arrête pas de faire des rêves érotiques alors qu'elle dort à côté de lui et qu'ils vivent ensemble depuis 8 ans. Il rêve qu'il couche avec une collègue de bureau qui s'attrape la buraliste en allant acheter des clopes. Donc ça, c'est les rêves qu'il fait ah la oui, nuit. Il est chaud. Avec sa femme à côté, hein. Et il a également rêvé, c'est ce qui l'inquiète le plus, à sa belle-mère. Ouais. Voilà. Il a donc rêvé qu'il se tapait sa belle-mère, ce qui peut aussi poser quelques petits soucis, ouais, si sa copine est au courant. T'imagines si pendant qu'il dort la nuit, il donne le nom de la belle-mère. Oh, Germaine. Ah oh. Oh, oui. Oh oui, Germaine. Je te prends, Germaine. Germaine, comme tu es bonne. Oui, ça peut faire un petit problème dans je le couple. Je te prends, je te retourne, Germaine. Je voulais vous demander, donc, parce qu'il arrive la même chose à Margot, qui elle aussi rêve à des mecs de sa classe. Et elle se demande pourquoi, parce qu'en fait, dans la vie réelle, elle nous dit, il ne m'excite pas du tout. Ouais, elle n'est pas attirée. Voilà, elle n'est pas du tout attirée par eux. Ouais, elle nous dit carrément, il ne m'excite pas du tout, les mecs auxquels elle rêve. Est-ce que vous avez déjà fait des rêves érotiques et vous avez rêvé à des gens qui vous excitaient pas du tout? Ah non, pas moi. Romano, est-ce que tu as déjà rêvé, je ne sais pas, à Cédric dans un rêve érotique? Ah non, mais c'était pas. Non, mais il n'y avait jamais eu de sexuel avec Cédric, moi. Dans un rêve. Hein. Ah non, mais jamais rien de sexuel. Non, mais dans un rêve, je sais pas, tu. Ouais, allez, tu es avec lui, tu. Bah, pareil, regarde, Fabrice, lui, il a jamais baisé sa belle-mère, j'espère. Ah ouais, imagine, t'as. Non, non, mais moi, j'ai jamais imaginé faire un rêve sexuel avec Cédric, quoi. Je sais pas, tu lui caresses les fesses. Oui, tu lui caresses ses fesses. Non, non, non, non. Tu perds ta main dans ses fesses. Non, non, non. Tu mets ta main dedans. Non, non, mais j'ai déjà quoi rêvé, si on peut appeler ça un rêve. Oh ouais. Cédric était déjà kiffé dans les scénarios. Mais alors, il était quoi dans un scénario dans tes rêves? Je sais pas, il devait y avoir une embrouille ou un truc dans ce genre-là, mais jamais rien de sexuel entre nous, quoi. Pour toi, je rêve. Ton rêve, c'est sur moi, c'est les embrouilles, c'est ça? Bah, c'est un peu. Bah, en même temps, c'est un peu ta vie. C'est ça. Un peu ta vie de merde. J'avais oublié la fin. VDM, c'est un peu logique, Cédric. Mais t'as vu la tienne, toi? Bah, écoute, hier, tu nous as fait deux belles embrouilles, c'est magnifique. Ouais, ouais, bah ouais. Enfin, une surtout qui était très très belle. Oui, c'est vrai. Donc c'est normal qu'on rêve à toi dans les embrouilles. Bah, y a pas que des embrouilles dans ma life. T'aimerais bien que Romano il rêve sexuellement de toi. Ouais, non, ça va aller. Oh ouais, enculé. Oh, bah ouais, parle bien, toi. Mathieu, dites-nous quel est le dernier rêve que vous avez fait. Pour nous envoyer. Tiens, j'ai rêvé deux mecs de ma classe. Mais c'est parce qu'en cours, ils me parlent beaucoup. Du coup, ça m'a travaillé dans ma tête et s'en est rêvé. Mais c'était magnifique. Ah, tu vois, il y a Anna de Vitry qui vient de nous laisser un message. Ça a dû te faire bizarre le lendemain en les voyant. 17 ans dans le Val-de-Marne. Salut à toi, Anna de Vitry. Vous avez fait des rêves érotiques ou porno dégueulasses? Ouais. On attend vos témoignages. Ah, moi j'en ai déjà fait, moi. Des rêves érotiques porno dégueulasses? Ah ouais, porno, tout, mais pas avec des membres de l'équipe, tu vois. Eh bien, écoute, tant mieux, ça Karim. Ça me rassure. Ah, merci. Tu vois, tout le monde est soulagé, regarde. Ah, donc, ah, ouais, ça c'est clair. Mais je me suis jeté dessus, moi, la nuit. Hein. Ah là. Non, mais c'est vrai. Mais tu dormais pas avec une nana? Non, non, non, tout ça. Bon, c'est déjà ça. Non, mais ça arrive, tu fais un rêve érotique ou un rêve. Moi, ça m'est jamais arrivé de me jeter dessus pendant la nuit. Bah, c'est comme quand tu rêves que tu pisses. Ça veut dire que t'arrives à gicler sans te toucher. Ah ouais, ouais. Vous venez d'entendre, Karim s'est déjà pissé dessus. Non, je me suis pas pissé Karim, dessus. C'est ouais, déjà ouais, dessus. Ouais, je me suis chié dessus aussi. Et il s'est chié dessus, bien sûr. Ah, carrément. Oh là, moi aussi. Oh, bah ça, c'est habituel. Tiens, j'ai rêvé d'être riche comme Romano. C'est le dernier rêve de Toto. Ah, bah, je suis pas riche, moi. Moi, j'ai déjà rêvé fantasmé sur des cougars, mais j'ai jamais testé. C'est Jules qui nous laisse un message. Jules du 02, big up à toi, Jules. Marie, tu es mon fantasme. Ah, oh, c'est gentil. Ça, c'est bien. Vous avez fait des rêves avec Marie, racontez-nous. Ah non, immonde, arrête. T'as jamais rêvé à Marie, Cédric? Ah non, non. Mais tu t'es déjà branlé sur elle. Ouais, déjà branlé, ouais. Ah. Ouais, mais j'étais bien réveillé. Ah, je peux te dire que Marie, t'as fait des taches dans mes draps. Arrête, mais... immonde. Ah. T'imagines même pas, quoi. Tiens, j'ai cru que je rêvais que je baisais Nicki Minaj dans un rêve. Mais ça, je sens Goku, là. Bon, alors. Bah, le peu excité, c'est un joueur du PSG. T'as jamais rêvé à ça, Samy? Non, j'étais en train de me demander, tu vois. Tu faisais l'amour avec un joueur du PSG. Cul, ouais. Non, même pas. J'ai déjà rêvé que je niquais dans un stade. Il te mettait sa queue de cheval dans le cul. T'as certainement pas, gros. Il me dégoûte. Hein. Il est moche. Oh, qu'il est moche, Zlatan. Il y en a qui sont beaux garçons, tu vois. Mais lui, il est vraiment moche, quoi. Ah, ouais, mais ils sont beaux gosses. Non, même à Paris, tu vois. Mais lui, il se tient mal, en plus. Tu sais, je sais pas, il est cabossé, le mec. Ah, il est bancal. Tu sais, comment il court, on dirait qu'il a un balai dans le fion. Il a le dos tout droit, tu sais, il est pas esthétique, tu vois. Donc, t'as pas rêvé. Non, ça m'est jamais arrivé, gros, tu vois. Bah, allez, vos rêves érotiques, allez-y. La spéciale Dédifoul. 21h minuit sur Skyrock. Oui. Et on vous a demandé aussi, autre sujet, c'était pour Amélie tout à l'heure, si vous. T'es toujours là, Amélie, hein? Oui, oui. Si vous aviez déjà caché des trucs à votre mec ou à votre meuf. Eh bien, on a Raja au téléphone. Salut, Raja. Salut. C'est toi qui étais avec un mec qui t'a caché des trucs, t'as tout découvert parce que tu as fait une filature. Oui. Imaginez. Raja, détective. Bah ouais, en même temps, si t'as fait une filature, c'est déjà que t'avais des doutes, donc t'as confirmé les doutes. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, au bout d'un an, il commençait à être violent, il parlait mal et tout, il s'énervait pour rien. Parle mal, donc, parle pas mal. Et oui, c'est vrai qu'il parlait mal. il a carrément changé. Et en fait, moi, je lui avais bien demandé, j'avais dit est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois. Il me dit non. Et en fait, un jour, un soir, j'ai attendu qu'il rentre au quartier. Et en fait, je l'ai suivi et il allait au garage. Bah, j'ai bien attendu 15 minutes avant de descendre au garage, de temps qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et en fait, je suis descendue et je l'ai attrapé en flag en train de fumer avec une bouteille de Sky derrière lui. Ah ouais, donc il se cachait, mais c'est peut-être parce qu'il avait honte ou qu'il savait que t'allais mal le prendre, qu'il te l'a pas dit. Ouais, mais là, ça fait quand même droguer, quoi. Ouais, dans une cave, ouais, quelque chose. Ouais, et puis il se cachait comme ça. Ouais, ça fait, il en a besoin, je me cache. Ouais, ça fait ça tout seul. Il me faut ma dose, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est horrible. Non, mais tu sais, je connaissais un mec, moi, puis il se cachait pour fumer, il se cachait toujours dans un local poubelle, gros. Et ça puait sa mère à l'intérieur, mais il fumait que là-dedans. Il voulait pas que les gens le voient, rien. Et Raja, quelle gueule il a fait quand il a vu que t'arrivais? Il t'a vu un moment? Ouais, bah en fait quand je suis descendue, en fait il voulait faire comme s'il m'avait pas vu, donc j'ai crié, je l'ai appelé, après il est venu, après il me dit ah, tu fais quoi là et tout, donc je lui dis bah c'est bon, je t'ai cramé et tout. T'aurais pu dire mais toi tu fais quoi là aussi? Ouais mais moi je lui aurais dit c'est pour tuer, c'est parce que tu mens, parce que moi en fait j'aurais pas mal pris s'il m'aurait dit la vérité, en fait dès le départ j'aurais pas mal caché, pris. Ouais. Ouais, c'est le fait qu'il me l'ait caché. Mais bon, il te l'a peut-être caché aussi parce qu'il savait que ça te ferait peut-être du mal ou qu'il a honte de faire ça peut-être aussi. Non, je vois pas pourquoi ça me ferait du mal. Après, c'est sa santé qui, c'est pas la mienne. Alors, c'est peut-être qu'il a oui, mais peut-être ça. Que, ouais, ou alors il aime pas. Mais toi, t'es contre ça ou pas? Parce que après, si au début tu lui as pris la tête en disant, ouais, moi, un mec qui fume et qui boit, j'en veux pas. Ouais, c'est peut-être. Eh ouais. Bah, après, moi, c'est l'alcool. L'alcool, enfin, j'étais pas pour. Il sait, il le savait. Ah, mais c'est peut-être pour ça aussi. Il s'est caché, ouais. Ouais. Ouais, donc, bah, après ce que j'ai fait, moi, j'ai appelé sa grande sœur parce que je la connaissais. Hein? Ah, mais t'es une balance, toi. Pourquoi t'as appelé sa grande sœur? C'est normal. Comme je l'ai dit à toute la famille. Non, je l'ai dit qu'à sa grande sœur. J'ai appelé sa grande sœur, je lui ai dit, bah, écoute, voilà. Ton frère, je l'ai attrapé en train de fumer et boire en bas. Je fais, bah, en fait, moi, j'ai direct arrêté avec lui. Ah ouais, tu as arrêté le... Putain, ouais, toi, ça t'a... Ah ouais, toi, c'est, oui. Ah bah, tu m'étonnes qu'il se cachait, ouais. Vu la réaction que t'as eue. Non, mais vu aussi sa réaction, il s'est énervé et tout. Limite, il était violent. Donc après, j'ai dit, bah, tu sais quoi, si c'est pour de l'alcool et fumer que tu deviens violent comme ça, c'est pas la peine de continuer. Donc aujourd'hui, t'es plus avec lui? Non, ça fait longtemps que je suis plus avec lui. Et ça s'est fini comme ça, terminé. Ouais, bah non, mais après, je l'ai aidé. Enfin, après, je suis restée en contact avec lui. Ouais, mais t'étais plus sa meuf, donc lui, à la limite, ils s'en foutaient. Peut-être s'il était amoureux, il voulait rester avec toi. Tiens, regardez Yo-Yo le Romano qui nous dit, moi, mon ex, elle m'a caché qu'elle était enceinte, qu'elle était tombée enceinte avant qu'on soit vraiment ensemble, et elle m'a annoncé que c'était pas mon fils quand il est arrivé il y a un mois. Oh, horrible. Oh, putain, c'est chaud, ça. Bon courage à toi, Yo-Yo le... Mais horrible. Non, mais c'est horrible, ça, ouais. Et il y en a plein qui, regardez, Ludo qui cache qui fume à sa meuf parce qu'elle aime pas ça. Zikmu aussi, même chose, sur SMS. Salut à tous les deux. Donc c'est pas le seul à cacher ce genre de truc. Oula, il y en a un, là, qui faisait un truc marrant, c'est en fait, il est propriétaire d'un appart à Tignes. Mm-hmm. Tous les hivers, il va là-bas et en fait, il dit à sa meuf, ouais, je le loue, en fait. Voilà. Je veux pas lui dire que c'est à lui, quoi. Que c'est à lui, ouais. Ah, il cache l'argent, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a plein aussi qui nous ont laissé des messages là-dessus. Ouais, j'ai un pote, il a fait pareil, ouais. Il a acheté son appart, mais il a pas dit qu'il l'avait acheté, quoi. Amélie, bon. Et elle paye le loyer. Ouais. Elle paye 50-50 tous les deux. Un petit tour de l'équipe. Vous feriez quoi pour Amélie? Toi, tu veux faire quoi, Amélie, en fait? Eh ben, je sais pas, parce que vu comme il s'est énervé et comme il m'a mis le doute, en fait, c'est pratiquement si c'est pas moi qui suis la coupable. Non, mais peut-être. Ah, moi, je me tire, moi. Toi, tu tires, Marie. Ah ouais, je me tire. Au bout d'un moment. Ouais, c'est un plan foireux, ça, moi aussi. Non, mais déjà, moi, c'est même pas la question qu'il se drogue ou quoi. Déjà, même sans enlever ça, c'est que t'es cocu, déjà, à la base. Ouais, c'est peut-être. Bah, ça passe pas, quoi. Discute un petit peu avec lui avant. Parce que bon, faut pas avoir de regrets. Et puis, peut-être que le mec, il a peut-être compris que. Ouais, qu'il merdouille un peu, je sais pas. T'es cocu quand même, quoi. Oui, t'es cocu quand même, c'est vrai, ouais. Et c'est peut-être à cause de la drogue, Romano. Ouais. C'est pas une excuse pour toi. Ouais, c'est facile. Bon, merci, Raja, du coup de fil. On te fait un gros bisou. Merci, bisous à vous. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à Chambéry. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de D-Fool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de D-Fool sur Skyrock. What the fuck? Salut Florian. Bonsoir l'équipe. Salut Florian. Bonsoir Florian. Salut les filles. Salut Florian. Oui. Florian, donc toi tu fais des rêves érotiques, tu nous as dit, tu nous as appelé pour ça. Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'en fais deux sortes. Soit je rêve de ma prof d'anglais, que je trouve assez belle, ou soit c'est un vagin et avec un beau corps. Et en fait, je me réveille et puis j'ai du sperme dans le caleçon. Ah, tu te gigues dessus. Ah merde, ouais. Vraiment. Mais tu rêves, ton deuxième rêve, il est marrant, mais tu ne rêves qu'à un vagin. Ouais, non, mais en fait, c'est un beau corps. Mais tu vois pas la tête de la meuf. Elle a pas de tête, quoi. Non. Mais ça arrive souvent, ça, de rêver aux gens, tu sais pas trop qui c'est, en fait. Tu sais, la tête est pas trop qui c'est. Ouais, putain, mais moi, je me rappelle jamais de mes rêves, c'est un truc de ouf. Bah, parce que tu dors pas assez. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je me rappelle jamais de mes rêves. Moi, je me souviens que les vacances. Pendant les vacances. Parce que tu fais une vraie nuit. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais avec le matin et le soir, vous dormez pas longtemps d'affilée, quoi. Ah, on dort pas normal et donc on a pas de rêve. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on gigue pas dessus comme Florian, par exemple. Voilà. Quel dommage. C'est dommage, tiens, ouais. On loupe quelque chose quand même. Donc, et le vagin, t'as jamais vu la tête du vagin? La tête du vagin. Non, mais en fait, c'est le corps que je trouve qui est excitant, en fait. Et c'est ça qui m'excite à moi. Ouais, t'as pas de tête, ça te dérange pas dans ton rêve? Non. Bon, bah écoute, tant mieux. Et sinon, la prof d'anglais, quand tu la revois le lendemain matin, par exemple, si t'as fait un petit rêve érotique sur elle. Je suis un peu gêné quand même. Mais est-ce que tu rebondes en cours? Non, ça peut aller. Non, mais c'est marrant parce qu'on a eu des messages, on avait eu des messages là-dessus. Moi, j'ai déjà fait un rêve érotique auprès de ma femme. J'ai éjaculé, elle m'a cru que je m'étais branlé sur elle pendant la nuit. Ça, c'est le message. Que vient nous envoyer Lucas, qui a 22 ans et qui est dans le 92. Salut à toi, Lucas. Donc, c'est parti tout seul, ma chérie. Ah, bah, désolé. Donc, elle a cru que tu te branlais. En fait, tu faisais un rêve érotique. Moi, j'ai rêvé que je faisais un rêve érotique avec ma prof. Ah, tiens, une autre prof là. Pas prof d'anglais, prof d'histoire géo. Qui est trop bonne. tu lui fais quoi, ta prof, alors? Absolument, ouais. Ah, vas-y. Hein, Florian? C'est bon, ça. Allez, vas-y. Dans tes rêves, tu lui fais quoi, ta prof de... Des fois, je rêve que je lui enfonce mon sgeg dans sa chatte, ou des fois, elle a la chatte à l'air, et elle me fait du charme. D'accord. Elle a quoi, la chatte à l'air, eh? Elle me fait du charme. C'est quoi, c'est la chatte qui chauffe sur ta bite, quoi. Elle drague. Ah, ok. Elle drague avec sa chatte à l'air. C'est bien, parce que dans les rêves, on peut... Pourquoi pas? Dans les rêves, on peut tout faire, c'est pas interdit. Ouais, après, c'est vrai, quand tu te retrouves avec la prof d'anglais en face de toi le lendemain matin, alors que tu t'es giclé dessus dans la nuit, c'est en pensant à elle, ça peut être un peu bizarre. Oui, ça peut te mettre un peu mal à l'aise. Ouais, c'est sûr. JP, lui, il a fait un rêve aussi par rapport à un prof d'anglais, JP Evans, qui dit, j'ai rêvé que j'étais dans mon lit avec mon prof d'anglais et que je révisais avec lui. C'est pas super érotique, mais à la limite, comme c'était ton prof, tant mieux. En plus, tu nous as pas donné la gueule de ton prof d'anglais, mais tant mieux à la limite. C'est cette nuit que j'ai fait le premier rêve érotique de ma vie. C'est marrant que vous en parliez maintenant. Je pense que c'est un signe. Alors un signe de quoi? J'en sais rien. C'est Alex qui nous envoie le message. Ouais. Attention, message de Pablo Escobar. J'ai une prof de religion trop bonne. J'ai rêvé que je la niquais sur son bureau en regardant le crucifix. Mais c'est horrible. Ah, horrible. Pablo Escobar qui fait partie de la team Romano. Il rajoute à la fin de son message. Salut Pablo. Il y a Jeanne aussi qui fait des rêves. Allez, on prend Jeanne. T'es là Jeanne? Oui, hein, c'est Jeanne. Jeanne, d'accord. Oui. Bonjour Jeanne. Je suis contente. Salut. C'est la première fois que je passe à l'antenne. Je suis trop contente de vous parler et tout. Mais c'est gentil Jeanne. T'as 16 ans et t'es à Grenoble, toi. Ouais, j'habite à Grenoble. Alors moi, j'ai rêvé. C'était dans une cuisine. Il y avait Romano. Il était sur une chaise, genre normal, assis. Alors attends, je vais prendre une petite ambiance pour mettre tout le monde dans la condition du rêve. Alors Romano était dans la cuisine. Voilà. Ouais, bah ouais, j'étais assis dans ma cuisine. Il était assis. Il était assis sur une chaise. Une chaise à tétière ou pas? Une chaise à tétière ou pas? Une chaise normale, quoi. Une chaise normale, sans tétière, Romano, donc, dans la cuisine. Voilà. Oui. Et il y avait une meuf dessus, sur lui, dans la même position. Oui. C'était qui? C'était Marie? Et non, je ne sais plus du tout qui c'était. Bah, c'était une meuf, mais je ne sais pas du tout qui c'était. Oh, elle était bonne ou pas? Je ne sais plus du tout, franchement. Je voyais pas juste ta tête, au fait. Est-ce que j'étais habillée ou nue sur la chaise? Non, t'étais nue parce que je voyais que tu enfilais, en fait. Mais t'as dû être terriblement excitée dans ta culotte, non? Ah bah, ça c'est... Moi, j'étais... Certainement. Et moi, j'étais devant, et bah, je vous regardais, et après, voilà. C'était... Ouais, mais dans ta culotte, c'était mouillé. Ah bah, c'était grave. Non, pas du tout. Romano était nu. Il était nu sur sa chaise. Avec une meuf assise sur moi. Oui. Vous pouvez également. Ouais, c'est pas désagréable de baiser comme ça en plus. Racontez-nous vos cauchemars comme Jeanne, allez-y. Hein. Mais arrête, cauchemardesque. Tu préférais que ce soit le belge, vautrer sur une chaise? Ben, pourquoi pas? Oh là, j'ai cassé. C'est toi, Romano. Ah voilà, merci. Voilà. Ah, finalement. J'ai cassé la chaise. Je vote Cédric au clash, hein, à chaque fois. Ah, c'est gentil, ouais. Merci. On a eu un vote Cédric pour Romano. Ah, mais tu vois, tu commences déjà à te rapprocher de moi, tu rêves de moi, c'est un signe. Tu crois? Est-ce que la meuf qui était sur Romano était maquillée en noir avec un crucifix autour du cou? Très bonne question. Oulala. Très bonne question de navigateur. Non, mais c'était pas l'autre horreur, là. Navigateur. C'était quand même propre. C'était pas la gothique. C'était quand même propre. C'était pas la gothique. C'était propre. Ça fait plaisir. Quel compliment. C'est sympa. Bon, c'est important de faire des rêves érotiques, on nous dit, là. Tiens, bon, écoute. Ouais. Merci, ouais. Jeanne, pour ce témoignage. Est-ce que je peux faire une petite dédicace ou pas? Et une blague après aussi. Alors, tu veux une dédicace et une blague? On accepte les deux? Allez, oui. Une dédicace du coup à tous mes potes du 3-8 et spéciale dédicace à Alizé. Une blague, qu'est-ce qu'une pomme de terre enceinte? Alors, Karim. Une patate sautée. Oh, bah, Karim, ouais, il est venu de plus. Voilà, bon, elle est brillante de deux. Il est trop fort ce Karim. Merci voilà. Jeanne. Et on t'envoie un cadeau. T-shirt Skyrock, tu reviens quand tu veux. C'était la première fois, ce sera pas la dernière, Jeanne. Okay. Allez, quand tu merci veux, tu débarques avec nous. Merci à Florian aussi pour le coup de fil. Et puis donc pour les rêves érotiques. D'où est-ce que ça vient les rêves, nous demande Run là. La tête. Ouais, c'est un de la tête, souvent tu débriefes ta journée ou un truc que t'as vu à la télé. Il paraît que c'est le cerveau qui se purge en fait. Ouais. Le cerveau qui se remet en place, qui fait comme un disque dur. Quoi. Ouais, c'est ça. Il défragmente. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Bonjour Jax. Salut Jax. Allô? Allô? Ouais, tu arrives, mec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ouais, c'est plus un appel à témoins pour avoir quelques solutions parce que vendredi soir, on va dire à 7h-20, je me suis fait cartonner un carrefour par un mec qui a grillé un feu. Voilà, bonjour. Bon, c'est toi, Cédric? Mais oui. Ben oui, c'était Cédric, ouais. Non, et puis elle m'a cartonné, et puis ben, en fait, le mec, il a tracé direct, donc impossible de relever la plaque, parce que déjà, pendant cette période de l'année, il fait nuit. Ah oui, ben ça, ouais, les journées sont pas très longues, ouais. Tout ce que j'ai vu, c'est deux feux. Après, je me suis fait percuter, un gros boom. Puis après, je suis parti à la Mario Kart, quoi, en 360. Donc, ouais. le temps que je redémarre la caisse, que je repars pour aller choper le mec, il s'était barré. Quoi. Et le mec s'est barré. T'as pas eu le temps de noter son numéro de plaque. Bah, il l'a pas vu. Non, que dalle. Parce que moi, ça m'arrive. Il y a un mois, quand on m'a défoncé ma voiture, heureusement, il y avait des gens qui étaient juste devant, qui avaient le numéro de la plaque du gars. Le gars qui se fait, c'est le gars dont je vous avais parlé, qui avait écrasé d'abord un scooter, tenté de réécraser le scooter. Après, il avait reculé. Là, il était rentré dans ma voiture qui était à l'arrêt. Et après, il s'était barré. Bon, alors, que faire quand vous avez un gars qui vous tamponne et qui se barre? C'était quoi? C'était en ville ou en pleine campagne? En pleine ville, en heure de pointe, en plein milieu d'un carrefour. Tu sais s'il y a des caméras, parce que souvent il y a des caméras. Ouais, il y a Sirocco qui dit au carrefour, il s'est fait rentrer dedans, il a qu'à voir s'il n'y a pas des magasins qui ont des caméras de surveillance ou des distributeurs avec des caméras, ou alors même une caméra au plein milieu du rond-point ou du carrefour. Mais de toute façon, t'es allé porter plainte, parce que c'est pas à toi de faire ça, c'est aux flics. Ouais, bah on est allé au commissariat. Ah bah ça oui, c'est pas toi qui vas regarder les bandes vidéo. Non. Ça... Tu n'auras pas accès, de toute façon. Faire parce que, en plus, c'est limite si on se faisait engueuler par la flic. Bon, là, connard, il y a eu un accident, l'autre. Okay, il va nous faire chier à l'heure de l'apéro. Ouais, il n'y a pas de caméra à cet endroit-là, parce que c'est un petit bled juste à côté de Meaux, donc dans Meaux. Ah, t'as regardé? Ouais, mais. Ouais, on a. Ouais, puis des fois, les caméras, elles marchent pas. Hein. Et visiblement, apparemment, pour tout ce qui est caméra, les magasins, ils n'ont pas le droit de filmer la voie publique. Juste. C'est vrai. Leur propriété, le parking. Filmer devant, ouais. Donc, je suis en train de regarder quand même d'exploiter là-dessus. On sait jamais. Sur non, mais on sait jamais. Tu vois une caméra un peu décalée. Des fois, ça arrive, quoi. Il n'y avait aucune autre voiture, évidemment. Caméra des commerces. Il y avait plein de voitures, mais aucune qui s'est arrêtée. De toute façon, les gens, quand c'est comme ça, ils rentrent chez eux, ils sortent. Trompe-toi, mais il y a des gens qui étaient devant chez moi, parce que moi, j'étais chez moi quand je me suis fait rentrer dedans. Donc la voiture était garée en bas. Il y a des gens qui ont noté le numéro de la voiture. Comme quoi, rare, mais j'aurais bien voulu avoir cette chance. Moi, j'ai récupéré et je vais me faire faire ma voiture toute neuve. C'est et gratuit, pas cher. Gratuit, pas cher. Gratuit, pas cher. Mais c'est vrai, quand on te pète, regarde, moi, on a roulé sur mon scooter, mais heureusement, j'étais pas dessus, il était à l'arrêt. À toi, il y a un mec qui a roulé sur ton scooter alors que tu l'avais garé juste en bas de chez toi, t'imagines? Ah ouais, d'accord, tout va bien, quoi. Eh ben, écoute, merci pour le message. Ouais. Encore heureux que t'étais pas dessus, ouais. C'est Dantos qui nous envoie un message. Salut, a priori, Dantos. Le mec est un sacré pilote. Pour un peu, le mec qui était blindé, et puis voilà. Non, mais ça, t'es dégoûté. Tu redescends, tu vas prendre ton scooter, il est complètement écrasé. Bon, ah bah, excusez-moi, j'ai roulé dessus. Je suis désolé. T'es content du voyage, quoi. Il y a Coresma, lui, qui s'est fait péter. Il me dit, je me suis fait péter dedans en vélo, j'ai fait du capot jusqu'à la malle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une expression du Tarn. Bah non, le capot jusqu'au coffre. Ah, d'accord. Ah oui, donc tu t'es. Bien joué, Marie. Donc t'as passé toute la voiture, en fait. Il nous dit, j'ai rien eu, heureusement. C'est bien. Ouais, heureusement, Ben, ouais. Lui, c'est un vieux qui est sorti d'un parking et qui m'est rentré sur la gauche. Il s'est barré au moment de faire le constat. 200 € de franchise. Bien cher. Il y a plein de messages que vous nous avez laissés. Il y a un message de plutôt de bonnes nouvelles pour Jax. On a eu, il est où mon fuyard là? Il est là devant toi. Ah, Nadir. Bonjour Nadir. Bonjour. Salut, bonjour Nadir. Tu nous appelais par rapport à Jax et à tous ceux qui ont eu des problèmes avec un mec qui se barre et qui vous a pété votre caisse, ou votre scooter, ou votre vélo, ou vous-même. C'est un peu plus con. Mec qui vous rentre dedans et qui se barre. Moi je dis pas, franchement, je me suis déjà barré quand j'ai cartonné un mec. Eh bien, ça tombe bien, Nadir aussi. Ouais. Et donc toi, t'as eu un accident. Il va tomber. Nadir, comment ça s'est passé ton histoire? Bah moi en fait, j'étais sur la route. Sur une route droite, à côté de Brest, route du Gouesnou. Tu étais donc à 80. Sur la route, de Gouesnou. Sur la route de Gouesnou. De Gouesnou. C'était 80, déjà, j'avais pas de permis. Il y en a à dire, ouais. 80, c'est à côté du quartier. À 80. J'ai vu à ce moment-là. J'ai freiné, la voiture l'a glissé, elle a tapé celle d'en face. Ah ouais, mais ça, ouais, genre aquaplaning. J'ai tapé, ouais, mais j'ai tapé vraiment. J'ai mis le frein à main, je vais faire un demi-tour où je suis rentré dans le quartier. Et trois mois après, ils sont venus me péter chez moi. Ah, ils t'ont donc retrouvé. Tu t'es fait monter avec les caméras du restaurant qui étaient à côté. Ah ouais, donc c'est ça la bonne nouvelle pour Jax, tu vois. Dans 3 mois, tu peux peut-être avoir des nouvelles et on peut te retrouver ton gars. Enfin, lui, il n'y avait rien autour. J'ai pris la voiture, elle est KO, quoi. Ah ouais, ta voiture est KO. Ah, moi, elle était pas KO, forcément. Pas KO. Mais la meuf, elle a bien abusé. Et t'as eu quoi au bout de 3 mois quand ils sont revenus te voir? Alors, j'ai eu 62 heures de tige. D'intérêt généraux. C'est le permis. Général. Ouais. Putain. Ah, le permis, ils te l'ont sucré complet. Ouais, voilà. Annulé, après, quoi. Après, j'ai eu 4 000 € d'amende. Ah ouais, mais ils t'ont signé, quoi. Et 3 500 pour la meuf. Ah ouais, donc ça fait 7 dommages à intérêt. Ouais, plus les tirs, plus les frais d'avocat, plus le permis à repasser. Ah ouais, c'est plus la voiture qu'ils ont saisi. Donc il vaut mieux pas se barrer quand on a un accident, ça c'est le conseil qu'on peut donner. Vaut mieux pas, tu prends. Ah tu prends pire. Ah non mais t'as pris un bloc. C'est ce qu'il m'a dit le mec. Il a dit même si on t'aurait chopé, tu serais resté, on t'aurait eu 10 fois moins. Ah, on a quelqu'un qui a joué. Elle a joué, elle a dit qu'elle avait mal, j'ai cassé toute sa voiture derrière et tout. On dirait que j'avais un semi-remorque. Non mais faut pas se. Oui. Un gros 4x4, j'avais qu'une 307. Et là t'as récupéré ton permis? Là ouais, j'ai récupéré mon permis. Bon bah fais attention la prochaine fois alors Nadir. Bon merci Nadir. Donc pour Yax, Yax c'est l'appli Skyrock. Pour Jax, t'auras peut-être des bonnes nouvelles et tu retrouveras peut-être Nadir sur ton chemin ces prochains jours. Donc fais gaffe aux voitures Nadir. Ah oui, t'inquiète. Oui, parce que nous on veut vous garder vivant et on a un seul morceau, c'est quand même mieux, faites attention les voitures. Ah c'est non, ils m'ont mis un coup de pression, c'est bon, moi j'ai plus. Hein. Bah maintenant ça a calmé, 20 ans est déjà calmé, c'est bien. La spéciale de Tifoul, 21h minuit sur Skyrock. Ouais, j'espère que tout va bien, que vous êtes tous en pleine forme. Gros dimanche hein, dans toute la France avec les grandes marches un petit peu partout. En soutien à la liberté d'expression, on vous a mis plein de photos, hein. On continue d'arroser tout ça, vous retrouvez toutes les photos sur les réseaux sociaux de Skyrock, la page Facebook officielle, le compte Twitter et le Tifoul. .skyrock.com. La spéciale de Difool, c'est tous les dimanches avec les meilleurs moments de la radio libre. On est en train de préparer le super clash de la drague. C'est on exclut tous les dimanches dans la spéciale. On mélange les appels de Romano contre les appels de Cédric. On fait tout ça et ça nous donne un clash totalement inédit. On met ça dans une machine, le super clash de la drague. Ça va partir en couille dans tous les sens. Donc qui va gagner, qui va l'emporter, vous pourrez voter bien évidemment. Super clash de la drague entre Cédric et Romano en prépa. C'est dans même pas 5 minutes maintenant. Pour le son, on se mettra Guetta également, David Guetta et Sam Martin avec Dangerous, et puis du foot aussi à suivre en direct ce soir. C'est pratiquement la mi-temps et il y a 0-0 entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Yeah, bienvenue à vous tous, j'espère que tout va bien. La spéciale de Difool avec le meilleur de la radio libre tous les dimanches soirs avec une exclue, le super clash de la drague. On a mélangé les pires appels de Cédric contre les pires appels de Romano. Je rappelle qu'il y aura une coupe d'ailleurs hein, à la fin de la saison pour celui qui aura remporté le plus de clash le dimanche soir dans la spéciale. Le premier clash de 2015 a été remporté de justesse la semaine dernière par Romano. Alors ce soir, qui va gagner, qui va l'emporter? Team le Belge, team Romano. Préparez-vous à voter, on y va pour un gros super clash maintenant sur Skyrock. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Eh ben votez Romano. C'est parti. Vous votez Cédric, attends, pourquoi vous tournez? Deux méthodes qu'on attend avec impatience, enfin on attend la démonstration maintenant, puisqu'on connaît les méthodes. La méthode de Cédric, c'est Jackie et Michel. C'est ça. La méthode de Romano, c'est quoi alors? Ah bah ça y est, j'ai trouvé ma méthode. C'est quoi? C'est Monsieur Tartampion qui me l'a envoyé. En fait, ce soir, je viens installer des chaînes de cul chez les familles. Et après, des chaînes de cul bien sûr gratuites. Bah évidemment. Et pour fêter la bonne nouvelle, bon, on va baiser devant. C'est un clash de la un clash de la drague hot. C'est very hot. Very hot ce soir. Jackie et Michel, représentés par Cédric. Ouais, ouais. Est-ce que tu es le gros bedonnant qu'on voit régulièrement dans Jackie et Michel? Non. C'est non. Toi? Non. Non, parce que dans Jackie et Michel, il y a des meufs, elles sont dangereuses, mais les mecs aussi. Hein, oh bon putain, tu m'étonnes. Je trouve que tu représentes bien Jackie et Michel. Est-ce que mon titre est prêt? Ah bah, tu représentes tellement bien que Jackie et Michel. Je pense que le clash va être très disputé ce soir. Non mais ton titre, du coup, t'as pas le titre, puisque c'est moi qui l'ai le titre du clash. La musique. Ton titre. Oui, la musique. La musique de Jackie et Michel. La super musique, là. Ah ouais, mais c'est... Bon alors, Cédric, c'est pour quoi, toi, j'ai ça. On dit merci, qui? Merci, Jackie et Michel. Voilà. Putain, wow. Ça c'est bon ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah écoute, on va voir. Tu vas le mettre en fond Michel. Pour cacher la misère de ta prestation. Non, bon c'est parti, on y va. Allez vas-y. On commence par on appelle Cédric. Chez Christophe. N'oublie pas de mettre la musique monsieur l'arbitre. Christophe pour Cédric. Allô. Allô. Ouais Christophe. Oui. Ouais bonsoir, comment ça va? C'est qui là? Bah c'est Jackie là au téléphone. Ouais, de Jackie et Michel. Tu connais Jackie et Michel? Non, pas du tout, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur, c'est bien Christophe. Allô? Ouais, quel Christophe tu cherches, là? Bah, toi, justement, je t'appelle, là, parce que je fais une tournée, là, pour mes films X. Ouais, dégage, connard. Bah, attends, je voulais passer à la maison. Oh, putain, je dois... Attends, je vais mettre ta musique, Cédric. Merci, Jackie et Michel. Ah, Bah merci, bah dis donc, ça commence fort. Ah, mais fallait mettre les titres avant. Bah il faut faire signe au DJ. Tu fais signe, c'est moi le DJ. Bon, bah voilà, pour le premier coup de fil de Cédric, c'est fait. On passe à Romano maintenant. Romain. Romain. Ah, oui. Robin. Romain. Romain. Robin. Robin. Robin. Eh, hey, mais tu parles ou pas? Bon, dis moi, je t'appelle là, je t'explique, je m'appelle Jean-Louis là. Tu m'entends toujours? Oui. Oui, je m'appelle Jean-Louis et je vais venir installer des chaînes porno sur la télé là. Et pour fêter ça, on fera l'amour tous ensemble avec ta femme et toi. Donc j'arrive. D'accord, dans... déjà, je m'appelle pas Robin. Ouais. Putain. Mais je me parle quand même chez toi. Les deux. Des films porno, je m'en tape complètement. Mais on va en faire en live. Je suis gay, alors tes films porno, j'en ai rien à foutre. Ah bah on fera un film. Je laisse parce que la chaîne gay, comment ça s'appelle? Eh, on va faire un film de cul ensemble. Allô? Allô? C'est quoi, c'est Pink TV? Enfin, c'est ça, voilà. Ça existe encore, ça? Je sais pas. Alors, bah, chez qui? C'est mon cheval. Ah, allô, Mathieu? Bah, allô? Ouais, Mathieu? Ouais. Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est qui? Bah, je me présente, je m'appelle Michel. Et je tapais parce que là, je réalisais un film là pour le prochain festival de Cannes là, l'année prochaine. Mmh. Et il manquait une petite actrice là. Je pensais à ta femme. Ouais, tu te fous de ma gueule, non? Bah non, du tout, du tout. Là, il reste une dernière scène à filmer. Là, c'est un plan à trois. Là, genre, on est deux mecs sur ta femme. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler soir histoire de voir si on peut passer à la baraque. Ouais, ouais. Et si moi, je te casse ta gueule? Bah, plus le cul là, parce qu'on est plus dans le milieu du X là. Hein? Non, non, mais. T'es où? Je l'entends derrière. Bah, je suis à 5 minutes là. Je l'entends derrière, je sens qu'elle est excitée. Oui, elle a dit raccroche. Je demande un rappel. Raccroche. Ah, c'est dingue là. T'as la meuf, elle parle au ralenti, tu sais, raccroche. Comme si elle était bourrée en fait. Bon, je demande un rappel. J'autorise un rappel. Allez, merci, monsieur l'arbitre. Et l'autre, il commence son cirque là. Un rappel. En gros, t'en as fait la semaine dernière, t'en as fait à toute patate. Ça va. Ouais, Romano, un rappel aussi. Hein. Allez, vas-y. C'est la règle maintenant. Et ouais, c'est la règle. C'est moi l'arbitre du Clash de la Drague et je vais... Allô? Ah. Oui, allô, bonjour, j'étais en ligne avec Mathieu, là, ça a coupé. Oui. Allô? Ouais, j'appelais pour le film de cul, là, que je voulais tourner ce soir. Non, non, j'arrête. Allô? J'arrête, non, j'arrête. Non, allô, j'arrête. Ma belle? Non, non. Bah, prends le téléphone, parle, mec. Mais non, bah, je te pose à 2 heures. Hein. Eh ben. Je te pourrais raccrocher ton merdier, l'autant. Allô? Ouais, vas-y, dis-le, comment? Bah, prends le téléphone. Allô? Non, mais... Allô. Si, allô, hey, comment ça va? Hein? Ça va? Ça va et toi? Ouais, bah je voulais. Ok, passer... tout le temps. Bah nickel, nickel. Ah, dis-moi, je voulais passer avec la caméra là pour tourner le film de cul à la maison. Attends. Montez le son là, j'entends rien. Ah, il entend rien. Eh, hey, je voulais passer à la maison pour tourner le film de cul. Quoi? Je voulais passer à ta maison pour tourner un film de cul. Et t'es où par hasard? Bah là, je suis là dans 5 minutes là, je suis au centre-ville. Hein? Je suis au centre-ville, je suis parti acheter des capotes. Ouais, tu veux passer un mauvais quart d'heure, non? Bah écoute, non, on pourrait s'amuser, se relaxer un petit peu. Ouais, tu vas voir. Eh, genre, ce qu'on va faire, c'est que je viens, tu me suces pour me chauffer, après on filme, et après je m'occupe de tes fesses. Attends, mais j'arrive pas à raccrocher parce que... Allô? Attends. Bon, je viens. Allô? Ouais, j'arrive. Hein? J'arrive, hein. T'arrives où? Bah, chez toi. C'est où, chez toi? Bah dans ton cul, tiens. Et ton cul, c'est quoi? Bah écoute, on verra ensemble. Bah vas-y, viens. Bah vous êtes prêts pour la scène de partouze? Eh, t'as une lampe torche au moins. Bah bien sûr, attends, je suis équipé avec la caméra, il y a la totale, il y a l'éclairage, tout ça. Bah vous c'est êtes cool. Là, on se fait un petit truc à trois. On fait un truc à trois? Bah oui. Ça va faire mal à trois quand même. Bah écoute, on verra, d'accord. Bah écoute, ouais, j'arrive dans 5 minutes, là, j'achète les capotes et je débarque. Bah vas-y, débarque dans ton suite. Cul alors. Bah y'a pas de soucis, si tu veux tu me feras le cul. C'est la radio. Bah tout de suite. Je veux pas aller chercher dans ton cul, attends. Vos gueules. Ah merde. Mais taisez-vous. Eh, tu veux pas mettre un peu de vaseline? Bah si, avec un peu de vaseline. Bon j'arrive, à tout de suite, bisous. Attends, bah passe à la pharmacie alors. Bah j'arrive, j'y vais. Puis par la pharmacie de garde, comme ça sera un peu plus cher pour ta gueule. Bah pas de galère. T'inquiète, c'est pas un souci. J'arrive, à tout de suite, bisous. Ouais, salut handicapé. Allez, bisous, à tout de suite, tu vois l'handicapé. T'as envie de me faire des bisous? Je vais te la montrer, moi, là, l'handicapé. Ouais, tu vas la monter. Je vais te la montrer, moi, tu vas voir. T'as intérêt à prendre la parachute, hein, parce que pour la monter, après, pour la descente, ça va être dur. Pas de soucis, attends. Ah, ouais. Allez, j'arrive, à tout de suite, bisous, ciao. Alors, t'as jamais dit que tu ressemblais à Maïté? Non, mais écoute, tu me le diras en face à face. Si on t'a jamais dit, Cédric, que tu sembles la vie. Non. Bah vas-y, viens me le dire alors. Je crois que vraiment ils t'ont reconnu. À tout de suite, bisous. J'habite à l'étage, t'as pas peur de tomber en bas? Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Parce que si tu viens, moi je te jette en bas de ma fenêtre. Bon, ben j'arrive, allez, bisous. Ouais, bah ouais. Trop d'humour. Le temps que t'arrives, vas-y, c'est bon, si tu veux, je dérame. Trop d'humour, tout l'humour. Qu'est-ce que t'as dit, Cédric? Trop d'humour, tout l'humour. Attends, je te passe un homosexuel spécialement pour toi. Tout l'humour, tout l'humour. Allez, salut, à pédale. Allez, bisous, à tout de suite. Ah, quel beau coup de fil. T'as vu un peu? Mais oui, c'était super, Cédric, dis donc. Le mec finissait en comique et elle a pas compris que c'était un La meuf, elle nous avait reconnu derrière, mais lui, il a pas percuté. Ouais. C'est qui là? Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. Non, attends. Hey, Jean-Pierre. Oui, je t'entends. Hey, tu m'entends? Comment tu vas? Ça va et toi? C'est Ludo. Bah oui, c'est Ludo. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah nickel alors, quoi de neuf? Bah la moitié de 18. La moitié de 18? Bien joué. Ah, c'est un comique, lui. Jean-Pierre. Oui. Ouais. Tu sais que je suis dans le coin là ce soir. Je sais pas, je sais rien. Bah si, c'était pour te dire, je vais passer vous voir avec ta femme. Allô? Oui. Ouais, elle est toujours là? Oui. Bon, elle s'est pas barrée? Non. Bon, bah tant mieux. Parce que ce soir, tu sais que je me suis lancé dans le cirque. Ouais, tu as l'air d'un rude clown. Un rude clown? Ah, c'est un rude clown. Et lui, tu fais le lancer de nain. Ouais, et je fais le lancer de nain dans le cirque. C'est lui qu'on jette. On me met dans un canon et bim, on me propulse. Et ce soir, là, je voulais venir faire un petit cadeau à ta femme. Ouais. Ouais, lui mettre le serpent que j'ai entre les pattes dans les fesses. Ouais. Donc je vais venir dans 5 minutes, là. Ouais, mais t'auras mon poing sur la gueule. Non, dans le cul, plutôt. Ouais, aussi. Parce que tu sais que j'ai un incroyable talent, j'ai l'anus extensible à l'infini. Il faut que t'arrêtes de fumer la moquette, toi. Ah bah hein. Non, je continue, elle est trop bonne. Elle est bonne, après j'attaque le parquet. Ouais. T'es fier de loin, hein, mais de près, tu dois pas être si malin que ça. Hein. Ah bah tu vas me voir de près, ben. Je viens vite, là. Je viens vite voir ta petite femme, et puis toi, je crois que tu vas y avoir droit aussi ce soir. T'as le droit de rêver, mon con. Hein. Ah bah en tout cas, tu mettras ton poing dans l'anus. Hein. Ouais. Ah, ça c'est gentil. Bon, c'est déjà pas mal. Et lui qui l'a admis au Karim Comedy Club également. La moitié de 18. On va te faire foutre, connard. Oui, mais par contre, je vais venir te voir, là. Pas sûr, ça. À toi. À moi, oui, je sais. Non, à toi. Ta gueule. Ta gueule, t'as la loose. Tu vois? Qui c'est? Allô, Jean-Marc? Jean-Marc. Jean-Marc? Évidemment, Cédric, il l'a bloqué. Il a parlé sur tous les coups de sur toutes les sonneries. Allô, Jean-Marc? Non, vous faites d'erreur. Ah ben, il est pas là, Jean-Marc? Non, il n'y a pas de Jean-Marc ici, non. Et ton mari, il est là, toi? Non, et puis tu vas arrêter de me tutoyer déjà, donc... Bon, attends, voilà. Je peux te tutoyer, après ce qu'on va faire cette nuit, on va faire l'amour, alors bon... Ouais, bien sûr, t'as raison, dans tes rêves, mon garçon. Moi, je vais venir chez toi, là, tout de suite, là. Ouais, bah viens, je t'attends. Ah, bah voilà, tu m'attends, je vais te lécher la minette. Ouais, vas-y, viens. Et après, vu que je travaille dans un cirque, je te mettrai mon anaconda dans le derrière. À tout de suite, ma belle. Elle m'a dit oui. Tu vois, le contact semblait difficile au départ. Au final, on s'en sort. Elle m'a dit, mais viens. Là, c'était pas ta gueule, là. Non, mais. On fait avec ce qu'on a, mon pote. Mais moi, toujours est-il qu'elle m'a dit, mais viens. C'est mais ça, viens, ouais. C'est ça. Je propose une troisième tentative, peut-être la dernière. J'aimerais bien rappeler, moi, le mec d'avant, mais qui compte à blanc, quoi. On terminera par ton mec d'avant après. Ah, okay. Bon, d'abord, troisième tentative pour Cédric. On suit le ping-pong, là. Vas-y. Très bonne idée, Romano nous dit, credo, l'amical. Moi, je m'attendais pas à ça. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est Sophie. Oui. Comment vas-tu? C'est un voisin. Un voisin. Ouais, un voisin, je m'appelle Mathieu. Oui. Et en fait, il me semble que j'avais ton mec la semaine dernière. Oui. Je voulais organiser un petit verre, tu vois, à la maison, histoire que vous passiez. Organiser un petit verre. Ouais, passer prendre un petit verre. Mathieu qui, donc? Ben, un voisin, on se connaît pas, en fait. Ah, d'accord. C'est pour faire connaissance. Ouais, mais t'es qui, au fait? Bah, c'est Mathieu, je viens de te dire. Oui, mais Mathieu, comment? Bah, Mathieu. Mathieu le voisin. Mathieu Gonnet. Mathieu Gonnet. Tu fous ma gueule, là. Ah non, du tout. Comme la star. Je sais pas. Et comment tu connais mon prénom, comment? Bah, tu sais, j'ai parlé avec ton mec, je t'ai dit la semaine dernière. Quel ex? Il m'a dit que t'étais très... Enfin, moi, je t'ai trouvé très charmante, d'ailleurs. Merci. Est-ce que, à la limite, je pourrais passer ce soir, si tu veux? Non, mais là, au téléphone, là, on discute, ça sert à rien, autant qu'on se voie. Ouais, ça sert à rien, ça, c'est que je te confie. Tais-toi, ta gueule, toi. Allô? Non, mais je te connais pas. Hein? Je te connais pas, donc. Bah justement, moi je vais apprendre à te connaître, ma chérie. Bah tu connais, va te jouer du piano. Non, mais arrête de parler, toi. Avec allô. Non, mais moi je te connais pas, quoi. Bah justement, Sophie, on va faire connaissance. Bah justement. Moi je m'appelle Mathieu, je viens, tac, je frappe à la porte, on prend un verre déjà, on fait connaissance. Ah, c'est super. T'es qui, toi? Bonsoir, enchanté. Là, c'est le mec de Sophie? Ah non, c'est. Allô? Ouais. Ouais, t'es son mec? Non, c'est sa mère. Bah, je voulais faire connaissance, en fait, je voulais vous inviter à prendre un verre. Non, mais c'est qui, là? Bah, c'est le voisin, je t'ai dit, je m'appelle Mathieu. Enfin, là-bas, je voulais parler avec Sophie, mais écoute, je peux parler avec toi, hein, ça me dérange pas. Ouais, y'a pas de problème, mais t'es qui, là? Bah, je t'ai dit, c'est Mathieu. Ce que je peux faire, à la limite, c'est que je peux passer à la maison, si tu veux, histoire de faire connaissance. Ouais, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Bah, non, comme ça, tu vas voir qui je suis. Bah, vas-y, viens. Bah, vas-y, et après? Bah, viens. Ok, j'arrive. Bah, vas-y, viens. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Bah, je te ferai rien, viens. Ok, bah, je viens. Mais moi, je suis un peu chaud ce soir, hein. T'es un peu chaud? Ouais. Et tu sais quoi? J'arrive. Moi aussi, je suis un peu chaud. Ah, tous les deux, je crois qu'on va bien s'entendre. Ouais, je pense, ouais. Allez, viens. Je pourrais parler un petit peu avec Sophie quand je viendrai? Ouais, mais y a pas de problème. Histoire de s'amuser tout de suite, quoi, j'arrive. Ouais, bah vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il va te faire? Bon, et qu'est-ce que tu me feras de bien? Parce que moi, là, je suis chaud bouillant. Mais c'est le trou du cul qui est derrière toi, là. Ah, le trou du cul? Non, c'est un pote. Mais si tu veux faire le trou du cul, tu peux, hein. Oula. Ouais, bah y a pas de problème, mon petit. Viens. Et à moi, qu'est-ce que tu me feras? Parce que je vais être jaloux, là. Est-ce que je peux t'offrir à toi? Ouais. Ben tu verras des petits éléphants roses, quoi. À part ça, ben tout va bien, quoi. Est-ce que tu me feras les fesses? Ben vas-y, ouais, je te le mettrai dans le cul si tu veux. Ah, ouais, j'arrive. Vas-y, viens. Et dis à Sophie qu'elle se prépare, hein. Ouais, y a pas de problème, je te ferai le cul avec, à toi. Parce qu'elle va en prendre pour son grade, elle aussi. Ouais, ben quand t'auras une bite de 20 cm, tu pourras venir me voir, ok? Ah bah écoute, alors viens, moi je vais te la montrer, moi. Mais viens. Ok. T'as que de la gueule, espèce de. Tu vas être surpris, mon pote. Mais viens, qu'est-ce que t'attends? Ça va t'emboucher un coin. Eh, hey, tu sais quoi? Ouais. T'as que de la gueule, t'es qu'un enculé, ben viens. Eh, hey, j'arrive. Ah, c'est vas-y, viens. Enculé, oui. Hey, ouais, j'arrive, je te fais les fesses, toi aussi. Ouais, mais vas-y, on va voir qui c'est qui va se le faire. Hein? Vas-y, viens. Bon, à tout de suite, mon chéri. Ouais, à tout de suite, ma chérie. Prépare-toi, hein, parce que là, je suis chaud, ouais. Hein. Ouais, moi aussi, mon cœur. J'ai envie que tu me fasses mal. Mon cœur. Ouais, vas-y, viens. Ouais. Bisous, mon cœur. Bisous. À tout de suite. Baïzou. Ouais, Baïzou, ciao. Bravo. Et voilà. Pas mal. Bravo, Cédric. Pas mal. Je ne vois plus les dents en plastique de Romano. Mais où sont-elles? Elles sont tombées. Ouais, putain, ça fait. Et t'as vu ma technique, elle marche bien, Mathieu. Pourquoi tu caches tes dents en plastique? Tu te foutais de ma gueule. Dégoûté, Romano. Voilà. Un peu, ouais. Qui, Charles? Charles. Charles. Putain, foire-le. Charles. Et que je mette une. Moi, j'attends Charles. Ah, je vais peut-être mettre une musique d'amour pour vas-y, pour faire venir. Attirer les familles. Tu crois que je peux? Allez. Vas-y, Olivier. Olivier. Allô, Olivier? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? C'est la musique. Ça va bien? Oui. Hein? Quitte l'appareil. C'est un copain de ta femme. Il y a de l'amour. Tu m'entends? Oui, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, là, je recrute des pom-pom girls pour la Coupe du Monde, là. Mmh. Et j'avais pensé à ta bonne femme parce qu'elle est sacrément bien gaulée avec son bon petit queue et sa bonne paire de nichons là. Ah bah écoute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la voir ce soir là. Mmh. Pour faire un essai avec elle, elle va un peu danser à poil dans le salon. Et pour la remercier, je lui ferai l'amour. Alors fais le petit malin qui est ailleurs. Ouais, bah de toute façon, le mieux c'est que je vais faire le malin en arrivant à la baraque là. Mmh. Ouais, bien sûr. Ouais, je vais être là dans 5 minutes. Ouais. Ça te pose pas de problème? Non, t'as raison, ouais. Ouais, et après je m'occuperai de toi si t'es jaloux. Ouais, bien sûr. Ouais, toi, je m'occuperai particulièrement de ton anus. Ah bon? Ouais, j'y planterai un drapeau du Brésil dedans. Ouais. Ouais, ça te fera du bien. Pendant que ta femme dansera à poil à côté et que je lui ferai l'amour. Oh là là là là. Ah bah, ça va être fantastique. Hein. Vous avez les capotes, tout ce qu'il faut, vous? Oh, bah écoute, oui, bah, tu mettras une belle chaussette. Hein, une belle chaussette, bah tu m'en prêteras une. Ah, bon, propre. Attention, maladie, propre. Bon, bah, je te dis à dans 5 minutes, mon chéri d'amour. Ouais, t'es un petit malin, hein. Ah ouais, bah, je suis un petit malin, mais j'arrive. Je suis surtout un gros coquin, moi. J'arrive dans 5 minutes, chéri. Alors, continue à faire ton petit malin, mon Lascar. Là, t'es en train de me repérer ou pas, là? Bien sûr, ouais. Ouais. Bah, non, mais te fais pas chier, je vais arriver dans 5 minutes. Vas-y. Ouais. Pardon. Pop pop girl au Brésil. Je prépare la musique Samba de Janeiro là et ta femme elle va danser, toi t'as le drapeau dans le cul et on fait la fête tous les trois. Bah écoute, ouais, vas-y. Moi je te mettrai un beau parasol, mon Lascar. Dans le cul? Oh bah nickel. Oh, je rêvais pas mieux. Brésil, tout de suite. Ah, dégage, connard. Ouais, bah, je vais venir. Ta gueule, là, dégage, connard. Tu me le diras en face. Est-ce que tu peux fermer ta gueule sur mon appel? Samba. Non, mais il avait raccroché. Bah, attention, j'ai serré. Mais t'as rien serré, mec. T'as dit, casse-toi, dégage, connard. Samba, t'as parlé. Quand tu s'inventes pas une vie. Non, non, je parlais pas, Groot. Ah, quel beau clash de la drague. Attention, attention. C'est pas le clash de l'embrouille, ma gueule. Qu'est-ce que c'est, les familles, là? Allez, c'est parti, Cédric. Ligne numéro 7 pour toi. Tu vas chez qui? Tu vas chez. Chez Manuel. Manuel. Manu. Allez, tu vas chez Manuel ce soir. Vas-y, Cédric. Allô, oui. Ouais, Manu. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ben bonsoir, et toi? Bah écoute, moyennement là, tu sais, j'ai un petit problème, mais justement, j'avais peut-être besoin de toi. Ou de ta femme. Je t'en prie. Bah tu sais, j'ai une petite galère sexuelle là, depuis 2-3 jours là, j'ai plus d'érection. Oh. Et je me pose des questions, donc je voulais savoir si je pouvais pas passer à la maison, histoire de voir si avec ta femme ça me faisait quelque chose, quoi. Ouais, bah écoute, tu veux que je te dise quelque chose? Bah j'ai envie de passer te voir. Oui. Ouais, bah écoute, je vais te dire un truc, je t'emmerde. Oh. Ah, bah j'aimerais bien faire autre chose. Oh. Ouais, d'accord. Je peux venir te voir ou pas? Bah écoute, y a pas de souci, moi je t'attends. Bah tu m'attends les bras ouverts, j'espère. Bah écoute, y a pas que les bras ouverts d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Hein, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me faire de beau pour me donner envie? C'est bien ça, c'est intéressant ce que tu me dis là. Est-ce que tu penses que ça va me motiver? Est-ce que tu pourrais me donner ton nom? Bah je vais te donner mon petit prénom à moi, voilà, d'accord? Alors dis-moi. Moi c'est Nicolas. Nicolas. Ouais, et dans 5 minutes, je pourrais être chez toi. T'as pas un autre nom à me donner? Bah non, Manu, j'arrive dans 5 minutes, tu vas me voir en réel, ça sera mieux. Non, non, mais écoute, si t'es courageux, tu pourrais me donner un petit nom. Bah je viens de te dire, Nicolas. Ouais, ouais, mais un deuxième. Bah écoute, quand je viens, je te donne tout ça. Bon alors écoute-moi bien. J'ai envie de te faire l'amour, moi. Écoute, connard. Moi je t'emmerde. Bah, fais-moi l'amour au moins. Oui, oui, moi je t'emmerde. J'ai envie que tu me fasses l'amour. Et puis t'as pas intérêt à me faire chier parce que sinon je te fous les flics au cul. Non, mais moi j'ai envie de te faire l'amour. Est-ce que je peux mieux te faire l'amour? Oh merde. C'est con. Yo! C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Avec on exclut tous les dimanches soirs dans la spéciale le super clash de la drague, le fameux clash de la drague où on mélange le pire des appels de Romano contre les pires appels de Cédric. Alors qui va gagner ce super clash de la drague et qui vous a fait le plus rigoler? Je vous rappelle qu'on met une coupe en jeu, hein, exceptionnellement pour le dimanche soir. On la remettra à la fin du mois de juin, à la fin de la saison, à celui qui aura remporté le plus de clash. Pour l'instant, Romano mène 1-0, hein, c'est lui qui avait remporté le clash dimanche dernier. Alors Cédric, hein, va-t-il égaliser? Il y a Inédito Stopper qui vote pour Cédric, Vector, Romano bien sûr, Mike qui nous dit lol, le mec se vénère, Jules du 02 qui vote pour Romano. Alors qui va gagner, qui va l'emporter? 22h12, on donne le top des votes. Vous passez par le 41-7-5-9, vous laissez Cédric ou Romano. 41-7-5-9, vous avez l'appli Skyrock, vous passez par la petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli. Il y a moyen de laisser vos messages directement dans le studio, le net aussi, skyrock.fm, et puis sur Twitter également, vous mettez le hashtag Skyrock, Cédric ou Romano. On vous dira qui a gagné le super clash de la drague dans moins d'une demi-heure. Vous avez 5 minutes pour voter. Bien évidemment, la spéciale qui continue, on va retrouver Gibbs. Alors Gibbs, lui, c'est un petit peu spécial. Il a un passé dans les boîtes échangistes. Voilà, il va tout vous raconter avec Gifoul et toute l'équipe. C'est juste après Ariana Grande qu'on écoute maintenant avec The Weeknd. Le Canadien, c'est Love Me Harder dans la spéciale de Gifoul. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Gifoul. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Alors Mathieu, dis-nous. Ok, donc tu vois, ça fait depuis 3 ans que je suis avec ma copine. D'ailleurs, elle m'écoute. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Si, si, donc... il faut toujours écouter Skyrock le soir. Une très bonne idée. Comment elle s'appelle ta chérie? Comment? Et son prénom? Laura. Laura, on te donc, fait. Je l'aime de tout mon cœur. Y a pas de voilà. Laura, on t'embrasse très très fort. Exactement. Tu as une bise de l'ensemble de l'équipe. Je crois que le prince du hip-hop veut t'embrasser. Je t'embrasse. Je crois que Cédric veut t'embrasser. Elle ne veut pas. Forcément, ça fait pas le même effet. Elle refuse. Momo veut t'embrasser. Ah. Oula. Elle est pas en train de choper une gastro là. Voilà. Et les autres t'embrassent aussi, Laura. Non, mais c'est bien qu'elle nous écoute. Ouais, c'est bien. Bon, après, ça dépend. Hein. Bah, ça dépend ce que tu vas raconter sur elle, oui. Donc, vous êtes rencontrés où? Au Bahut? Ouais, au Bahut. D'accord, bah, 16 ans, vous êtes sortis ensemble, t'as 19 ans et vous êtes toujours ensemble, tu l'as jamais trompé? Bon, comme elle écoute, tu vas pas me répondre, oui, ça c'est. Non, jamais. T'as l'air sincère. Moi, tu sais, vous savez que je remarque, à force de vous écouter tous les soirs, je remarque quand vous êtes sincère ou pas. Et là, je sens l'amour. Ah bah oui, ça, ça pue le love. Ah oui, ça pue trop le love. C'est vrai, ça pue le love. Ouais. Donc, tu vois, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine, quand je l'ai dit, il n'y a pas de petit niveau sentimental. Disons que c'est plutôt au lit que ça va pas. Enfin, je vais pas dire que ça va pas, mais en fait, elle a un problème niveau orgasme. Disons qu'elle se bloque, tu vois. Elle est bloquée. Donc, elle est bloquée. En fait, au moment. C'est-à-dire qu'elle se transforme en statue quand tu lui fais l'amour. Pas en statue, mais disons que quand je la pénètre, donc quand elle sent que ça monte, elle me dit non, retire. Vas-y. Ouais. Non, non, non, bon, voilà quoi. Et disons que ça me fait... Enfin, ça me fait pas chier, mais bon, ça me fait un peu de mal, quoi. Ah si, ça te fait chier, j'imagine. Ouais, voilà quoi. Et donc, tu vois, je voulais un peu avoir des conseils... C'est peut-être qu'elle veut pas se laisser aller, Marie, non? Bah ouais, ouais, je pense que c'est. C'est que quand c'est elle ça. Sent le truc monter, l'impression quand elle sent que ça monte, ça monte, ça monte, que là, elle se elle dit. Elle veut pas se lâcher, stop. Quoi. Stop. Ça ressemble ouais, à ça, mais en bon, tout cas. Enfin, tu vois, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ah oui. Et c'est 3 ans que c'est comme ça? Ouais, ouais, voilà, 3 ans. Et vous faites quand? Ah ouais. Et vous faites quand même l'amour régulièrement? C'est tous les combien que vous faites l'amour? Par semaine. Oui, par semaine, par mois ou par. Par semaine, par jour, 2-3 fois. Par heure. 2-3 fois. Ouais, donc elle fait quand même l'amour avec toi. Et toi, t'as du plaisir à chaque fois, tu jouis. Non, justement. Bah attends, ça c'est justement ça c'est un autre problème. Ah, il y a plusieurs problèmes. Voilà, on va les prendre dans l'ordre. Plusieurs problèmes. Voilà, dans l'ordre. Donc disons, il y a ça. Donc. Est-ce que t'as déjà essayé de faire l'amour dans le noir? C'est une idée de Tom là du 42. Dans le noir, ouais, on l'a essayé avec des petits bougies, tu vois, en mode romantique, tu vois. Et ça marche pas mieux. Proposé. Non, ça marche pas. Non, parce pas que peut-être qu'elle a honte de montrer sa gueule quand elle jouit, tu sais. Enfin, au bout de 3 ans quand même. Ah bah ouais, peut-être. En fait, elle m'a dit qu'elle avait peur de ma réaction. Parce que tu vois, il y a des gens qui peuvent rigoler, d'autres qui peuvent pleurer. Ah bah ouais, mais c'est au bout de 3 ans, t'es quand même assez à l'aise avec ton mec, quoi. Ouais, et puis en levrette, on verra pas sa tête. Bonne idée, ah bah, très bonne idée. Alors, double idée, dans le noir pour moi, et en levrette pour Romano, tu fais les deux. Noir, levrette. Voilà. Ouais, enfin, pourquoi pas, mais bon. Et donc, tu vois, je voulais avoir des conseils des meufs, enfin, des filles qui ont eu un blocage. Et ouais, c'est bien ça. Débloqué. Enfin, c'est bien donc, de demander aux filles leur témoignage. Bah, oui, parce que pour comprendre. Ça allait peut-être pouvoir ouais, nous aider. Comprendre, pour comprendre comment elles ont fait et pourquoi. Bon, allez, Mathieu, on s'occupe de toi. Il y a Gibbs qui est au téléphone avec nous. Pas Maître Gims, hein, c'est Gibbs du 85. Et il y a Yuna de Nantes aussi. Alors, Yuna, commençons par toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Bah, en fait, moi, voilà, ça fait 5 ans que je suis avec mon mec. Mmh. Donc, bon, maintenant, ça se passe super bien. Mais c'est vrai qu'au départ, bah, en fait, c'est lui qui m'a dépucelé déjà d'une. Comme toi, Mathieu, ouais, avec ta copine Laura. Exactement. Et bah, j'ai douillé, hein. Par contre, la lâche, même s'il a été doucement, j'ai eu super mal. Ah, la première fois que t'as eu mal? Hein? C'est la première fois que t'as eu mal? Ouais, ah bah oui, oui. En bah, général, les filles, la première fois, elles ont mal. Bah non, Cédric, génial, pas forcément. Bah si, en général, si. Mal, pas forcément mal. Elles sont mal à l'aise, oui, elles ont pas mal tout le temps. Hein. Ouais, enfin, tu as terrorisé toutes les meufs qui ont fait l'amour pour la première non, fois. Non, mais ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'en général, si t'es stressé, ouais, tu peux avoir un petit peu mal. Marie, t'as eu mal la première fois, toi? Non, moi non. Bah oui. Moi, j'étais étendue. Non, j'étais pas bourré, tu vois. Je me suis fait bourrer. Ah, d'accord. C'est malin. Ça a duré 2 minutes, alors je vais te dire. 2 minutes, c'était avec Cédric? T'as baisé? Je sais pas combien de temps ça a duré, mais enfin, c'est. Mais toi, c'était pas déjà un cheval qui. Tu t'étais pas déjà dépucelé en cheval? Ah oui. Non, non, en faisant du cheval, Marie, n'aie pas peur, en disant un ça. Cheval, non. Ah, oui, moi j'ai pas cheval, saigné, ouais. Ouais, voilà, je me suis fait déglinguer par un étalon. Ouais, ah, bon, ouais. Tout le monde a regardé Marie d'un air chelou, là, genre. Ouais, moi aussi, j'ai regardé non, ça. En faisant du cheval, quoi, normal. Il y a Kay qui dit, moi la première fois, j'ai pas eu mal, j'ai même rien senti, mais tu vois. Kay, 19 ans, qui nous laisse un message, là. Et alors, donc, comment moi, j'en sais rien, je dépucelle pas, moi. Ouais, Romano, lui. Moi, jamais non plus. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, je préfère que le trou soit fait. Ouais. Ah, moi, une fois, moi, j'ai galéré. Putain, mais c'était obligé d'aller tout doucement et tout. Ça. Ah, ça ouais. Ah, ouais, en plus, elle peut te salir les draps. Attends, il y a. Elle nous appelle d'ailleurs, Cédric. Allô, Moshita. Ah, bah ouais, c'était pas elle. Moshita nous appelle pour témoigner. Alors, Moshita, bonjour. Allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Moshita. Salut tout le monde. Fais un bisou à Cédric. Non, toujours pas. Toujours pas. Tu t'es dépucelé avec Cédric, tu as dit au standard. Eh oui. Et alors personne n'est parfait. T'as passé le cap, ça y est. Plaisir, la belle. Et alors, tu as pris du plaisir, la belle, il dit. Ah non, pas du tout, non. Ah si, tu as kiffé. Ah non, pas du tout. Ah si, t'as kiffé. Il sentait du bout. Ah, sympa. Il sentait quoi du bout? Normal. Ah, il sentait la crotte. Ah, mais si tu mets ta bite, le mec. Il avait mis sa bite où avant? Bah, dans tes fesses. Je sais pas, dans un copain. Dans un copain. Dans un copain. Ah, il est très chaud, Cédric. Ah, très très chaud, oui. Et tu as refait l'amour souvent avec lui après? Ah non, ça en était la première fois. Avec personne d'ailleurs. Ça m'a suffi. Ah, tu n'as pas fait l'amour depuis? Ah si, depuis je me suis fait déglinguer. Ah, quand même, classe. Et c'était mieux? Ah ouais, trop bon. Bah tu vois Cédric. Bah j'ai dit moi elle a kiffé avec moi la première fois. Bah non, pas trop, dire. Non, pas trop. Mais elle se souvient pas, c'est à longtemps. Non mais si je me souviens malheureusement. Ah bah elle est passée de ma mémoire. D'ailleurs je vais vous laisser, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Merci Moshita, on est obligé d'aller laisser allez, les mains. Au revoir. Salut Moshita. Bon, salut. Et alors Yuna, quelle est la solution que t'as utilisée pour toi qui a fonctionné ou ce que tu proposes à Mathieu? Bah en fait, moi c'est vrai qu'au départ, bah, c'est vrai que j'avais peur aussi, et en fait je contractais à mort, donc ça lui faisait hyper mal. Ah ouais. Et t'étais à limite t'étais à la limite de le coincer dedans quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Comment ça s'appelle? Avec ses doigts, c'était la même chose. Hein. Je voulais savoir comment ça s'appelait l'outil qui resserre des trucs. C'est un étau. Très bien, mais j'aurais appris un truc. Je suis un grand bricoleur, vous avez vu. Ah, bah, c'est ça. C'est impressionnel. Donc, comme un étau. Et alors? Et donc, en fait, on a bien parlé, et puis il m'a dit, bon, bah, est-ce que tu sais ce qui te fait kiffer, si tu connais ton point G? Je lui ai dit, bah, non, parce que bon, je savais pas trop ce que est-ce c'était. Est-ce que tu connais ton point G? Ouais, la question qu'il t'a posée, t'as dû la regarder chelou, mais tu connais mon point G? Point G, c'est un endroit dans le vagin où il y a, où vous avez plus de plaisir si on touche dedans. Ouais, il y a plus de terminaisons nerveuses. Ouais, a priori, c'est en haut, deux phalanges du doigt. Ouais. C'est ça, Marie? Ouais, à peu près. J'ai bien situé. Ça comme ça, ouais. Mais genre, tu le sens parce que quand t'es excité, ça gonfle. Ouais. Et les meufs, vous touchez le point G toute seule, des fois? Je suis pas plusieurs meufs, hein. Non, moi, non. Avec les doigts, par exemple, t'es une meuf. Non, avec les doigts, non. T'es pas genre là, tiens, je me touche le point G. Oh non, non. Non, je me touche les amygdales. Je me touche la prostate. C'est malin. Ok, d'accord. Oui, également, je remonte dans l'intestin grêle. Ouais, je me gratte un peu les poumons en passant. Oh, comme c'est sexy. Et donc, vous en avez parlé, et est-ce que ça a suffi à vous débloquer ou il a fallu faire autre chose? Ben, en fait, ouais, on en a parlé, puis il m'a posé la question fatidique, quoi. Et puis après, bon, bah, il a testé, et c'est pareil, hein, ça me bloquait encore plus. Et après, en fait, il a cherché les points sur moi, en fait, qui m'excitaient le plus. Alors, il a fait de la spéléo, tiens. Oui, alors, il y a un chédon là-dedans. Ouais, c'était. Mais les points qui t'excitaient au niveau des organes génitaux ou alors sur tout le corps? Par exemple, c'est sur tout le corps, en fait. Sur tout le corps, d'accord. C'est la chiate. Et donc, il t'a touché où pour te débloquer? Sur l'épaule. Non. Oula, non, pas l'épaule, non. Ah, c'est pas exagéré non plus. Mais en fait, il avait juste à me faire des bisous dans le cou et puis. Pas loin. Ah ouais. Mais bisous dans le cou, c'est pas mal. Bisous dans le cou, c'est ça. Ça marche souvent, ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Bisous dans le cou, franchement. C'est une meuf, c'est pas, c'est dans le cou, en fait. Elle a la grosse veine, là, comment elle s'appelle? Oula. C'est la carotide. La carotide, en fait, tu la prends carrément. Le belge est sorti avec une meuf, elle avait des varices dans le cou. Non, non, mais tu sais, tu l'as mordi un petit peu. Excuse-moi, Cédric, j'ai une hémorroïde dans le cou. Non, non. Tu sais, tu l'as mordi un petit peu. La malformation. La meuf, ça l'a déclenché, en fait. Ah ouais. Non, je te jure, t'as des meufs comme ça, gros. Ah bah, moi, je sais que ma meuf, elle a pas de varices, mais je sais que le cou, ça l'a fait démarrer, ouais. Petit bisou dans le cou. Ah, ça, bisou dans le cou, ouais, c'est classique. Petit bisou dans l'oreille, on nous dit aussi. Là, ah, ça me dégoûte. Ça peut être un double tranchant, ouais. Ah, moi, ça me. Parce qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout. Donc, il a été plus tendre avec toi et surtout, vous en avez parlé, Yuna. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, c'est vrai que c'est pareil, j'avais peur de me lâcher. Et à un moment, il m'a dit, mais vas-y, lâche-toi. Et alors, quand je me suis lâchée, le lendemain matin, j'ai carrément eu les voisins, quoi. Et depuis, c'est parti, vous prenez du plaisir, vous vous éclatez tout le temps, tout va bien, Yuna. Ah ouais, franchement. Et tu hurles de plaisir, les voisins n'en peuvent plus. Très bien, bon, il y a les voisins qui s'en plaignent, mais toi t'es contente, c'est l'essentiel, hein, après tout. Ah bah oui, là franchement. Mais bon, ouais, qu'il hésite pas à lui poser les questions et puis à la détendre un maximum, quoi. Bah, comme elle nous écoute et qu'on en parle ce soir sur Sky. Ouais, ça va peut-être l'aider. Hein. C'est peut-être le moyen d'engager la conversation, Mathieu. Pourquoi pas, ouais. Mais bon, après, tu vois, nous on est vachement câlins, donc tu vois, les bisous et tout, j'ai l'habitude de le faire. Non mais, bon, non mais après c'est un ensemble là, c'est pas tu vas lui faire deux bisous dans le cou, elle va pas se mettre à jouir. Hein. Oui, c'est ça. c'est dans la globalité le truc. Hein. La spéciale de Tifou, 21h minuit sur Skyrock. Avec Lino. Je suis pas donneur de leçons, pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pigé. De rêve et de cendre, le nouveau son de Lino d'Arsenic, on va se le balancer dans quelques secondes. Mark Ronson aussi. Avec Bruno Mars, Uptown Funk, dimanche soir, la spéciale qui continue, spéciale de Difool. On va re-souhaiter un bon anniv à Difool, hein. Difool qui fête ses 29 ans aujourd'hui. Et vous le retrouvez tout au long de la soirée avec Romano, la Marie Momo, Samy Karim et Cédric le Belge, avec les moments les plus oufs de la radio libre de Difool. Alors on va reparler des nanas bloquées. On va retrouver un certain Gibbs. Gibbs, il a un passé dans les boîtes échangistes. Il va vous raconter, hein, c'est complètement hallucinant son histoire. On va vous donner le classement des pays qui vont le plus sur YouPorn. Vous allez retrouver également un fail du répondeur de Pamela qui a se pissé dessus. Ça a pas fonctionné, mais franchement, c'est à mourir de rire. On aura le récap du top bug de Romano, on sera le Karim Comedy Club également. Et puis Thomas Njijol qui était passé dans l'émission, on avait grave rigolé avec Thomas Njijol qui a parlé un petit peu de ses goûts musicaux. Voilà, il a choisi ce qu'il aimait le plus et ce qu'il aimait le moins dans la playlist de Skyrock. Donc voilà, Thomas Njijol a retrouvé avec Gifle Romano, la Marie Momo, Sami Karim et Cédric 1, c'est d'ici à minuit sur Skyrock. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Est-ce que vous regardez des pornos régulièrement? Régulièrement, non. Régulièrement, non. Ah, ça, mais veut ça dire, arrive. Ça veut dire oui, Marie. Bah, bon, ça en fait, arrive, mais régulièrement. Voilà, non, la pas, plupart non. du temps que je regarde, c'est avec vous. Tu regardes des pornos avec nous? Ouais, bah, c'est sympa. On va peut-être regarder des pornos ce soir. Non, mais dans l'émission, absolument. Des extraits. Oui, c'est vrai, quelquefois, ouais. On regarde des extraits. C'est souvent, moi aussi. Vous regardez des pornos. Le dernier porno que vous avez regardé, Marie, c'était quand? Bah, je sais pas, c'était le mec avec les deux bites dans l'émission. Pareil. Ah, c'était avec nous. Le mec avec les deux bites. Romano, ton dernier porno. T'en donnais des petits tours sur YouPorn ou Pornhub. Oh, ça fait un moment, je me suis désintoxiqué parce que j'y allais trop. Ah, non, bah non. T'étais drogué, toi aussi. Ouais, donc j'ai mis les Ola, quoi. Ola. Ouais, j'y vais plus quasiment. Tu ne vas plus sur YouPorn? Non, ça fait un moment que j'y suis pas allé, ouais. Ah, là, je lui redonne envie, il est en train de se gratter la barbe. Ouais, c'est clair. Comment ça se fait? D'ailleurs, je me demande si je vais pas aller faire un tour, là. Vite fait. Dites-nous, il y a combien de temps, si vous allez sur les pornos, si c'est jamais, vous dites jamais, sinon vous nous laissez vos messages. Il y a combien de temps que vous êtes allé pour la dernière fois voir un film porno? Bien sûr, il faut avoir plus de 18 ans, je le rappelle. Évidemment. Et j'imagine que si vous en avez moins, vous n'y allez jamais pour respecter la loi. Et c'est bien. Dernier porno, Karim, c'était quand, toi? Moi, c'était pareil, gros, le mec aux deux bites, c'était. On a tous fait ça entre nous. La semaine dernière, on a regardé un mec à deux bites, ouais. Entre nous, ouais. C'était votre dernier porno, donc ouais. Romano, Samy et Marie Karim. Et Karim. Ouais. Et Momo, lui, par contre, c'était juste avant l'émission. Hein. Évidemment. C'est en ce moment, là, Momo. Oh, ouais. Super. Ouais. Tiens, moi, c'est de temps en temps, j'y vais, je me cultive un petit peu, nous dit Jules sur SMS, parfait. Il y a un an, moi, c'était que je suis allé voir un dernier porno parce que j'aime pas ça, c'est le message de Romano l'escroc qui aime pas les pornos. Ça arrive les filles aussi, on attend vos messages, hein, parce que les filles, regardez Marie, elles se gênent pas. Hein. Moi, ça fait très longtemps pour Alex d'Hawaï. Il y a le fils du Joker, lui, c'était il y a deux heures. Il y a deux heures, normal. Ouais. Neilou, lui, c'était ce soir. Zara, qui a une fille justement du 42, 26 ans, qui nous dit, moi, c'était il y a un mois. Moi, je suis jamais allé voir un porno, message du boss. Moi, c'est tout le temps. Ah, depuis l'âge de 15 ans. Ah ouais, quand même. Ça, c'est Sirocco qui a pas vu un porno depuis l'âge de 15 ans et t'as 21 ans, Sirocco. Ah ouais, genre ça. Alors qu'il y a tellement de nouveautés dans le monde du porno. Tous les jours, il y a des nouvelles vidéos. Hein. Ah ouais. Je vous parle de ça parce que Pornhub, qui est le cousin de YouPorn, c'est toi qui nous avais appris ça, Romain. Ouais, ça fait partie du même groupe. Ah, c'est le même groupe. Mais c'est qui le mec qui a ça d'ailleurs, YouTube, YouPorn, Pornhub et tout ça. C'est américain, non? Ouais, je crois. Je sais pas on du tout. Dis-nous un petit franchement, peu. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Je regarde plus ce qu'il y a sur leur site. C'est pas toi, rassure-nous. Je veux savoir quel est le mec. Pour un peu, c'est un gros Gérard qui a monté ça. Ouais, salut, bonjour, c'est Gérard. J'ai monté Pornhub et YouPorn. Ouais. Mais non, tu vois, fais-nous une enquête capitale, Romano. Il est en train de regarder là. Non, bah, je regarde sur Internet. Dis-nous combien ça pèse en millions le business du porno. Ouais, j'ai en 2006. Alors, ça a été créé en 2006. Le 47e site le plus vu sur Internet. Vous imaginez 47e site le plus vu sur Internet. Et vous mélangez là-dedans, il y a du Google, il y a du Facebook, il y a tout le reste. Hein. Et l'année dernière, le créateur de YouPorn a revendu des actions pour 73 millions d'euros. Ah, il est donc riche. Ça va pour lui. Ça va tranquille. 73 millions. Tu veux pas qu'on monte un site, Marie, un peu comme l'année d'avant, Jackie et Michel, mais un peu en. Mais si je suis pas dessus, oui, je veux. Ah, c'est le mec qui s'appelle Fabien Tillman. Ouais, bah, il est en prison. Hein. Ouais, il est au cœur d'une enquête pour fraude fiscale. Il s'est arrêté à l'aéroport de Bruxelles pour fraude fiscale. Ah, c'est pas le mec qui est hollandais, non? Ouais, ça doit être lui, je crois. Parce qu'on avait parlé d'un mec hollandais qui avait l'industrie du porno. Alors, je vous pose toutes ces questions. Alors, merci pour les messages que vous 30 sociétés éditrices de nombreux sites pornographiques. C'est un allemand. Dont Tubate, Dirty Hobby, Spankwire, Brazzers, Pornhub, YouPorn. Putain. 15 millions de visiteurs uniques quotidiens. Par jour, il y a 15 millions de mecs. Un mec qui a 36 ans seulement. Qui vont y faire un tour. Il a 36 Le montant ans, de 100 millions de dollars évoqué par la presse n'est pas confirmé. A priori, il aurait vendu ses parts pour 100 millions, lui. Ouais. Eh ben, écoute, c'est et bien là, ça. Et là, il est extradé en Allemagne en ce moment. Ah, voilà, bonjour à notre ami. Donc, il est allemand. Il était néerlandais. Il était en Belgique. On sait et pas il est trop allemand. Ce qu'il est. Donc, je vais vous demander combien de temps vous passez là-dessus parce qu'ils ont fait une grande étude de ces pornubes. Ils ont regardé d'où venaient les connexions et en fonction des connexions, combien de temps elles duraient. Donc, combien de temps les gens restent par connexion. Ça doit pas être très long. Ouais, sur un film debout, là. Alors, tu penses 5 minutes. Ouais, maximum. Dans quel pays, d'après vous, on regarde le plus de films porno longtemps? On regarde le plus longtemps les films porno. Tiens, petit jeu, nous jouons donc tous ensemble sur Skyrock. Dans quel pays on se branle le plus longtemps? Alors. Alors, la France. Non, Romano nous dit la France. Bah ouais, pourquoi pas, hein. La France. Non, la France, on est bien classé. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. En longueur de. J'ai pris les gros pays. Hein. Moi, je dirais les États-Unis. Brésil. Ouais, pareil, ouais, États-Unis. Les États-Unis, non. Brésil. Les Allemands. Les Allemands, moi, non. Non, les Allemands, pas du tout. Les Allemands, ils sont moins bons que nous, Romano. Ils se branlent moins longtemps, les Allemands. Précoce, les Allemands. Ouais, ils veulent faire ça vite. Tu es précoce, en fait. Oui, Cédric aussi. Ce n'est pas Cédric, en plus. Je sais pas, les Anglais. Les Anglais, non, ils sont juste devant nous, les Anglais. Les Canadiens. Alors, je vous donne un petit indice. Je sais pas, les Suisses, parce qu'ils sont lents. Ouais, mais non, mais ça comme ça. Les Suisses, parce qu'ils sont lents. Pas bête comme idée, ça, Romano. Non, c'est pas les Suisses, parce qu'ils sont lents. Ah, il y en a qui ont trouvé. Non, c'est pas l'Italie, c'est pas les États-Unis. Le Japon. C'est pas l'Angleterre, c'est pas la Russie. La Chine, là, Palkia. La Chine, bonne réponse. Ah ouais, Palkia, entre autres. Il y a Ton aussi. Les Chinois, c'est les Chinois qui se branlent le plus. Bonjour, on adore te branler. Une que des. Bonjour, monsieur Chang. Ah, bonjour, Tong, oui, c'est bien moi. C'est pour ça que tu t'appelles Teta, oui. C'est ça, bonjour. Teta. 14 minutes 34, il passe sur sur YouPorn, j'allais dire. Non, sur Pornhub. Et genre, bon, les plus rapides, c'est combien? C'est la même chose. Alors après, on trouve les Américains. Je vous ai fait que les gros pays. Les Américains, 10 minutes 17. Ah ouais. Les Américains sont des gros branleurs, quand même. Après, on trouve les Canadiens à 9 minutes 52. Les Norvégiens à 9 minutes 30. Les Anglais à 9 minutes 28. Et nous, on est juste derrière les Anglais. Quelques petites minutes de branlette par jour en plus. Et on passe les Anglais. On est à 9 minutes 22 secondes. Pas mal. 9 minutes 22 secondes par connexion, Marie. Chaque fois par connexion. Chaque fois qu'un mec s'y connecte, il reste 9 minutes 22. Quand même. C'est pas mal. Ah, j'aurais cru moins, tu vois. Bah, il faut le temps de trouver la bonne vidéo. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il a raison, Romano. C'est vrai, t'as raison. Il faut le temps de trouver. Le temps de fermer tous les spams qui te cassent les couilles, qui s'ouvrent dans tous les sens, qui bloquent ton orgie. Tout ça, donc, une fois que t'as trouvé la bonne vidéo, ça va peut-être un petit peu plus vite, mais bon, le temps de trouver la bonne vidéo, c'est vrai. Donc, après, il y a les Suédois qui sont derrière nous, les Italiens à 8 minutes 44, ça va vite, les Italiens. Les Algériens à 9 minutes 40. Ah, bah, ça se branle en Algérie. À 8 minutes 40, pardon, les Algériens se branlent un petit peu plus rapidement que les Français. Après, on trouve les Portugais, amis du Portugal, 8 minutes 22, vous faites. Les Allemands, tu m'en parlais, Romano, 9 minutes 18. Les Espagnols à 8 minutes 01. Et les Marocains, bah vous êtes. Allez, les Marocains, 8 minutes plus et on passe devant l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe, les Marocains? Ah, bah ça se branle à mort ou quoi? Ça se branle vite. Ah, bah ça se pogne au Maroc. Ça se pogne. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. Ça se pogne et pas que. On va retrouver la suite de l'histoire de Mathieu. Mathieu qu'on a eu il y a quelques minutes avec Tifoul et toute l'équipe. Il était en galère parce que sa meuf est complètement bloquée au pieu. Il arrive pas à faire grand chose avec elle. Tout de suite, on a la réaction de Gibbs. Et Gibbs, il a des choses assez hallucinantes à vous raconter. C'est maintenant dans la spéciale de Tifoul. Alors Gibbs, toi t'as réussi à débloquer ta meuf, comment t'as fait? Eh ben en fait du coup moi c'est mon passé qui l'a bloqué parce que j'étais dans les clubs échangistes et tout, donc du coup elle avait connu elle avait connu deux mecs et du coup ça l'a bloqué en fait et au préliminaire ça passait et dès qu'on passait à la pénétration ben elle me repoussait mais je pense qu'elle avait peur que tu lui fasses des trucs chelous. Non, mais c'est possible. Mais comment elle l'a su que t'allais au club échangiste? Genre, quand tu l'as rencontré, moi je suis partout seul. J'y allais avec de un père collègue. En fils. J'y allais avec un collègue, du coup, et bah, du coup, voilà. Quand elle me demandait bah, où t'allais avant avec Julien, pour pas le citer, tu vois. Salut Julien, par deux heures, on les fait un bigot. Je vais pas lui mentir non plus, donc obligé de lui dire, quoi. Ah ouais, j'imagine. Et oui. Elle était peut-être stressée parce qu'elle se disait qu'elle avait pas assez d'expérience par rapport aux meufs C'était peut-être ça. Elle se sentait inférieure. Du coup, elle avait pas confiance en elle, en fait, du coup. Elle se sentait inférieure aux autres. Ouais, voilà. Mathieu, alors toi, tu nous disais que tu l'avais dépucelée, ta copine, mais t'étais puceau quand tu l'as dépucelée, toi aussi, ou alors? Non. Ah, c'est pas puceau. C'est peut-être ça, en fait. Ouais, peut-être qu'elle était impressionnée, Impressionnée, c'est ça. Ouais, mais au bout de 3 ans. Et donc le déblocage, il a eu lieu comment, Gibbs? C'est vrai que 3 ans, bon. Ben, en fait, du coup, on a fait comme des jeux de rôle un peu, tu vois, pour qu'on se dise que bah c'est pas elle, c'est pas moi. Ah mais genre, elle s'est déguisée en infirmière et tout? Ouais, voilà, ouais, tu vois, un petit peu. Tu vois. Ah putain, bon, ça, je trouve ça. Tu veux pas te déguiser en infirmière, Romano? Non mais c'est pas moi qui vais me déguiser en infirmière. Pourquoi tu te déguiserais pas en infirmière? Non mais c'est la meuf qui se déguise en infirmière. À la limite, moi, je me mets en médecin, tu vois. En médecin. Ouais, voilà. Avec un stéthoscope autour du cou. Et les crocs. Mais genre, vous aviez acheté les costumes et tout quand même? Ouais, bah oui, quand même. Des petits trucs sexy, tu vois. Ah putain, moi, ça m'excite pas un pet, moi. Non mais je respecte, hein. Moi ça ferait plutôt rigoler. Moi pareil, ouais. Ah non mais moi je la vois arriver en infirmière. Je lui dis oui ça va mieux toi. Ça va ma chérie. Tout va bien chérie. T'inquiète, je vais t'emmener voir les infirmiers, ouais. T'es fou, moi je la vois arriver en infirmière. Mais je la déglingue mais sur place, gros. Ah tu vois qu'elle est très excitée. Et admettons elle vient en keuf. Ouais, mais là, ce serait plus. Ce serait plus sauvage. Ouais, violent. Violent, un peu plus. Non, mais violent, c'est dégénéré. Non, mais ouais, des fessées, tu vois. C'est le belge, tu sais, il sent ses fantasmes. C'est quoi? Voilà, fessée. Voilà, mets-moi la fessée, vas-y. Vas-y. Alors, assez vrai, je te raconte pas. Par contre, en écolière, ça me mettrait mal à l'aise, par contre, ça. Ouais, ça fait un peu pédo. C'est les japonais qui font ça. Bonjour, petite, tu veux des bonbons? Elle est pas grave. Les japonaises? Moi aussi, pareil, je trouve ça dégueulasse. Les japonaises qui se déguisent en écolière. Ouais, il y en a plein, mais les mangas et tout, ouais, c'est beaucoup ouais, ça. Mais hein, même sur le net, dans les trucs de cul, t'en as, moi, ça me met mal à l'aise. Je regarde ça, je me dis, oulala, mais je veux rien. Tu veux un bonbon? Non, merci. Oui, ma grande, t'as la viande. Oui. En militaire, c'est mieux, on nous dit. Bon, mais écoute, merci du conseil, Gibbs. Donc, toi, tu penses que, en discutant un petit peu, peut-être en changeant de rôle, en jouant des jeux de rôle, ça peut marcher? Ouais, ouais, et puis en changeant un petit peu, tu vois, nous on est resté pas mal au préliminaire puisque pendant la pénétration ça marchait pas, du coup, mais c'est quoi, ça marchait pas, ça rentrait pas, ou elle avait mal, ou? Bah, elle avait mal, elle me repoussait, elle me disait stop, tu vois, terminé, tu vois, elle me jetait, donc du coup, bah, on est resté sur des trucs qu'elle kiffait pour que, Mais t'as réussi quand même à un moment? Bah, ouais, ouais, bah oui, maintenant c'est nickel, ça roule. Ouais, mais pour revenir, tu sais, à tes boîtes à partouz, là. C'est quoi le truc de. Non. Non, plutôt. Vas-y, Romano, pose ta question, fais ton interview. Non, mais c'est quoi, genre, le truc le plus ouf que t'aies fait là-dedans? À 15 sur deux femmes. 15 quoi? 15 sur deux femmes. Mais elles avaient combien de trous? Je pense que c'était un de leuleux, tu vois. Je pense que c'est pas rentré pour faire même temps. Non, c'est de l'abattage, quoi. Ah ouais. Donc, quand j'étais avec mon collègue, on disait qu'on allait à la boucherie, tu vois. À la boucherie, c'est sympa. Putain, tu m'étonnes. Mais genre, tu faisais la queue, quoi. Il y avait un mec qui bouillait la meuf et toi, tu passais juste derrière. C'est là où elle peut derrière. C'est un peu à la queue leuleux, quoi. Ah ouais. En tout cas, elles avaient faim, les deux dames. Championne. Ah, ça, c'est sûr. Elle faut être sportive. Bon, bah écoute, Mathieu, discutons avec elle. Peut-être que le fait d'en avoir parlé sur Sky ce soir, ça va peut-être ouvrir une discussion entre vous. Et la discussion, c'est ce qui est le plus, ce qui peut le plus aider, peut-être dans votre relation, si elle se sent mal, tout ça. Il y a forcément un truc qui la bloque. Ouais, sûrement. Bah, tu sais quoi, je vais en parler. Au pire, faire l'amour dans le noir serait pas mal. Ah, et ben ça, qui c'est qui l'a dit? C'est Difool. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Mark Ronson et Bruno Mars, découvert sur Skyrock. On vient d'écouter Uptown Funk. Mark Ronson, que vous retrouverez dimanche prochain, il sera dans la spéciale. La spéciale de Difool, Laurent Carr, à pas louper tous les dimanches soirs sur Skyrock, 21h minuit, avec les moments les plus marrants, les plus marquants, les plus trash également de la radio libre de Difool. Là tout de suite, on se fait un fail du répondeur de Pamela. Ça marche pas tout le temps, mais des fois quand ça foire, c'est aussi marrant que quand ça réussit. Donc on y va, répondeur de Pamela maintenant sur Skyrock. Un 85B à droite, un 95E à gauche, c'est Pamela sur Skyrock. On était qui? Lui. Ah, écoutez bien. Oui, vous êtes un couple, j'adore lécher une bite pendant qu'elle rentre et sort d'une chatte. Ah, c'est vrai. 06... C'est vrai. 1-48. On est vrai qu'on avait promis de le rappeler, lui. C'était... Allez, c'est parti. Donc, il n'a pas de prénom. Non. C'est l'homme qui... C'est le bi, en fait. Donc, on peut participer, nous aussi, peut-être. Bah, ouais. Tu es mon mari. Eh ben j'en ai de la chance, tu vois. Tu préfères pas... Non. Non. Allô? Oui. Oui, bonsoir, je vous appelais par rapport au petit message que j'ai entendu sur le réseau, vous savez, pour le petit plan... Le petit plan sexe. Ah bon? Oui, je suis avec mon mari, là. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, et nous, bonjour. Oui. Et nous, on serait intéressés. Hein. Parce qu'on est bi, c'est le plan bi, c'est ça? Non, c'est pas moi, vous faites l'erreur. Ah si, non, si, on reconnaît la voix. Si, tu veux sucer ma bite pendant qu'elle sort de la chatte de Pamela? Ah oui, j'adore. Pamela, c'est moi. D'accord. Voilà. Ah mais là, ce soir, c'est pas possible. Non, mais pas ce soir, mais on peut se caler un week-end prochain, si oui, tu en plus, veux. Ma femme est un peu malade ce soir, donc nous non plus, c'est pas possible. Mais on peut se faire ça dans les prochains jours. Oui, pourquoi pas? Bah, pourquoi pas. T'es comment, toi? Oui, physiquement. Ah, j'ai quelqu'un qui arrive, excusez-moi. Tu as quelqu'un qui arrive? C'est ta femme? Oui, a priori, c'est sa femme. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. La connasse qui vient de se lever. Ah, putain, merde. Putain, elle a encore envie de pisser, cette connasse. Bon, un autre qu'on a écouté tout à l'heure, celui-ci, là. Homme charmant, élégant, 06-42-16. 06-42-16. Le mec est très chaud, lui. 06-42-16. Homme charmant et élégant, en plus. Ouais, voilà. Mais ça s'entendait son message qu'il est élégant. Et on n'a pas de prénom non plus. Moi, j'ai... Allô? Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre. Non, bah, j'étais joigné il y a deux minutes. Ah merde. Il y a lui. Oui, vas-y. Messagerie Orange, bonjour. Bonjour. La personne que j'ai vous essayez de joindre. Popac également qui a laissé un message. Il a un très beau pseudo et il a surtout un très beau visage. Le problème, c'est que le monsieur n'a pas de menton. Cédric. Ah. Voilà, je peux lui en vendre un. Cédric, est-ce que tu peux lui filer un menton? Le mec. Ouais, pourquoi pas, je peux le dépanner, ouais. Le mec, en fait, il a la lèvre qui se termine au niveau du. Au niveau où l'endroit où il y a le menton, vous savez. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Pamela à l'appareil. Pamela? Oui, je t'appelle par rapport au petit message que j'ai entendu sur le réseau. Ah, vous avez dû vous tromper de numéro, je crois. Ah non, c'est bien toi, hein. Ah non, je crois pas, moi. Ah, tu es peut-être accompagné ce soir. Non, mais non. Ah bah voilà, bon, on peut discuter deux minutes alors. Non, mais on discute pas, je sais pas qui vous êtes. Eh oh, tu parles autrement, tête de con. Non mais dis donc. Moi j'adore quand t'es comme ça. Comment ça va casser celui-là là? Bah pas. Non mais elle a raison, il laisse son... Le mec il laisse sa message, il veut pas parler. Bah c'est oui. C'est lui en plus, écoute son message. En plus on a son message là. Oui, bonjour, j'appelle donc pour votre annonce. Pourriez-vous me rappeler au 06-08-76. Mais oui, c'est lui, c'est lui. C'est le même. Bah oui, c'est lui. Bon, c'est lui. Allez, rappelle-le. Je le rappelle, tu vas pas te laisser faire. Ah, tu le rappelles, très bien. Moi, je continue de vous lire quelques petits mails. Ah. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bah tu vas arrêter de me raccrocher au nez, tu t'es pris pour qui, toi? Eh, va te faire enculer, tu vas pas me gonfler toute la nuit, je sais pas qui t'es, alors vas-y, va chier. Eh, petite bite, va. Oh oui, je veux le rappeler. Non mais l'amour, ça démarre parfois comme ça. Hein. Ouais, c'est l'amour vache. C'est ça, c'est l'amour vache. Ouais, il va te faire enculer. Il est super, lui. J'aime bien, lui. Bon. On sait toujours pas comment il s'appelle lui. Essaye de lui. Ouais, t'arrêtes de couper, connard. Eh, mais t'as que ça à foutre, tu vas me gaver longtemps là. Eh ben écoute, t'as qu'à pas laisser le message, gros dégueulasse. Ouais, ok, d'accord, allez, va te coucher, allez, au revoir. Non, je viens chez toi. Ah. Est-ce qu'on le rappelle? Oui. Oui, allez. Allô? Allô? Ah oui, il a sa femme derrière. Ah, t'as ta femme derrière, hein? Ah, tu fais moi le malin là. Oui, il a sa femme derrière. Allô? Sa femme, il a la télé aussi. La télé, c'est fait pour couvrir ses conversations téléphoniques. C'est quand il y a beaucoup de choses. Oui, il monte le son. Hop, oui, le son monte tout seul. Oh, regarde, c'est super là. Regarde, il faut monter là. Oh, regarde, la télé, super ce soir. Hein. Allô? Bon, bah écoutez, celui-ci, on va le garder. Bah, il est très, c'est très sympa. Il est très sympa. On va le retrouver là. Ah, il va te faire enculer. Va. Très, très vite. Tu peux pas rappeler l'autre une dernière fois. Ah, celui d'avant là. Oui, c'est bien. Alors, on appelle l'autre. Une dernière fois, on n'a pas son prénom. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné ce petit prénom, ce petit surnom, l'autre. Qu'on a eu au téléphone tout à l'heure est encore joignable. Allô? Oui, allô? Dis donc, je te rappelais, ça a coupé tout à l'heure. Eh, tu vas pas me casser les couilles toute la nuit comme ça? Eh ben, fallait pas passer d'annonce. Mais d'annonce de quoi? Mais t'as passé, tu m'as laissé un message sur mon répondeur, gros cochon. Mais je t'ai rien laissé du tout. Faut arrêter de dessiner. Allez! Bah non. Viens me lécher la chatte. Ah non, mais vu la voix que t'as, ça donne pas envie, non? Allez, bah t'as une voix dégueulasse aussi, puis je te dis ouais, rien. Mais t'as une voix de tremblot, surtout. Oui. Mais non, pas du tout, je suis une femme. Mais tu vas pas me casser les couilles comme ça toute la nuit, c'est bon? Bah si, peut-être. Ah super, c'est très intelligent. Allez, je m'appelle et pas... Et tu m'as trouvé sur quel site? Je t'ai laissé quelle histoire, sur quel numéro? Bah sur Viva Street. Sur quoi? Viva Street, j'avais passé une annonce, t'as appelé mon numéro. Eh bien, ah, c'est vraiment, moi. Non. Ah bien si, c'est toi. Ah non, je crois pas, non. Ah si, bah j'ai ton annonce, tiens, écoute. Bah ouais. Oui, bonjour, j'appelle donc pour votre annonce. Alors, c'est bien toi? Ah bah non. Ah bah si, c'est toi. Ah bah non, je crois pas, non. Bah je sais que c'est toi, tu sais que je suis pas loin de chez toi, là. Ah bah c'est bien, bah écoute, viens, si tu sais où j'habite, y'a pas de soucis. Hein. Ah, tu me lécheras la chatte. Ah, super. Super, avec la voix que tu as, je pense pas que t'as une chatte, à mon avis. T'as plutôt un gros god. C'est la grippe. Ah, j'aimerais que tu me lèches le trou du cul. Ah non, en plus, vous êtes plusieurs, c'est pas ouais, mal. Ouais, bah je suis avec mon mec. Salut. Ah bah super, on va faire une partout, comme ça. Eh bah voilà, c'est bien, c'est exactement ce qu'on voulait te demander. Ah bah c'est ça. T'es tout seul, toi? T'es tout seul, ah bah ouais. Toi? Non, je suis avec ma femme. Ah bah nickel, bah je pourrais la lécher. Ah bah super, on va faire un plan à 4. Ah ouais, c'est bon. Ouais, ou à 12 ou à 20, c'est tout, y'a pas de soucis. Ah, on est plusieurs, ouais, ça c'est sûr. Voilà, ah bah, moi c'est intéressant. Voilà, moi je suis une grosse chienne. Bon, fais-moi mal. Oh, fais-moi du mal, je suis vilaine. Ouais, pépé, on va se calmer là. Ça y est, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, bon. C'est bon, c'est bon. Ah, ah ouais, c'est trop bon. Bah, bon. Je vais vous laisser parler trop longtemps, y'a pas de soucis. Bon, ben on arrive de toute façon. Ok, pas de problème. A tout de suite, bisous. Salut, beau gosse. Qui c'est l'hôtel dit derrière? Mais pour qui il prend, lui? Ah, ben je vais te lécher la chatte. Je connais cette voix, attends. Vas-y, parle. Je vais te lécher le minou. Ah, et tu sais quoi, je t'ai reconnu. Et alors? Et tu sais quoi, je t'ai reconnu. Et alors? Et alors, bah c'est rigolo. Eh ben voilà. Ben oui. Oui, oui, c'est rigolo. C'est quoi ce Skyrock? Ah. Alors, on laisse des annonces. Ah bah alors, on a mis le temps. Elle était célibataire à l'époque ou? Tu savais quoi? Oui, non. Il t'écoute tout le temps, donc ce prénom, cette voix, elle me rappelle. Ah, Pamela, mais Pamela est célèbre dans le monde entier, tu sais, maintenant. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, on va te faire un bisou. Et puis, on vous souhaite un beau week-end. Éclatez-vous bien. Ouais, salut. Bisous, bisous. Ciao. Bisous, bisous. Reprends-les vite, Samy. Reprends vite un cadeau. Vite, vite. Ça y est, ils nous entendent plus. Et heureusement, elle s'est rendue compte de rien. Non, rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même le mec qui a pas fait. Ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est hein. Ça. Et là, je me suis dit, on va être responsable d'une rupture. J'aime pas ça. Mais non, tout va bien. La spéciale du Tifoul. La spéciale du Tifoul. 21h minuit sur Sky. Et ouais, tout va bien. On a la crime qui arrive tout de suite. La crime qu'on a eu en direct cet après-midi, il y avait Radio Libre spécial en plein après-midi avec Fred, avec Difool, avec une grosse partie de l'équipe de Skyrock. On était réunis tous ensemble et puis vous tous partout en France, vous avez envoyé plein de photos, hein, que ce soit sur Yax, sur les réseaux sociaux, on vous les met un petit peu partout. Hein. On est en train de mettre ça des millions de personnes dans toute la France pour soutenir Charlie Hebdo et la liberté d'expression. Donc voilà, vous retrouvez tout ça un petit peu partout, notamment sur la page Facebook officielle de Skyrock. Difool.skyrock.com, le Twitter officiel de Skyrock. La spéciale qui continue les moments les plus marrants de la Radio Libre, c'est tous les dimanches soir sur Skyrock entre 21h et minuit. Et le super clash de la drague, comme tous les dimanches, on mélange les meilleurs appels de Cédric contre les meilleurs appels de Romano. Et les super clash, généralement, c'est assez serré. Alors pour ce deuxième clash de l'année, ça a été serré. Victoire à 55% des votes contre 45%, victoire de Beuillon, victoire de Romano qui remporte le deuxième super clash de l'année 2015, qui donc 2-0 contre Cédric. Voilà, bravo à la team Romano, bravo à la team Le Belge également, qui s'est bien défendu. Prochain clash de la drague en direct, ça sera demain soir à partir de 21h. La spéciale qui se poursuit, vous restez dans le coin, il va se passer plein de choses. Tiens, on va parler orientation scolaire avec Raled de Lyon qui va vous présenter le taf de commentateur sportif. Il y en a peut-être que ça chauffe parmi vous toutes et vous tous. On va rappeler que Monaco et Bordeaux ont fait match nul 0-0, ça vient de se finir. Donc voilà, comment gagner de la thune en devenant commentateur de foot, il va tout vous raconter dans quelques minutes. On aura le récap du top bug de Romano. Il y a Samy qui va vous raconter pourquoi un jour il a pété une caisse. Et puis l'arrivée de Thomas Njigel aussi, avec qui on avait bien rigolé. C'est la suite de la spéciale de Difool sur Skyrock. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et donc Christina, tu nous appelais pour tiens, dis-nous en gros pourquoi tu nous appelles, et puis on va essayer de te filer un coup de main. Écoutez bien tout le monde. Bah en fait, hier il y a la conseillère d'orientation qui est venue dans notre classe. Du coup, elle est venue nous informer un peu ce qu'il y avait comme admission, je sais pas quoi, post-bac, enfin après le bac, quoi. Ah bah le Pôle emploi. ah ouais, c'est les trucs qu'il faut que tu choisisses. Et du coup, je suis grave perdue. Tu sais pas quoi faire en orientation après avoir fait un L. Mais elle te fait pas faire une espèce de pyramide là. Une pyramide, Marie. Ouais. Non, nous, elle nous a donné un sort de magazine. Elle nous a dit, il y a les BTS, les DUT, après il y a l'université, mais moi. Waouh, c'est bien ça. Je sais pas trop quoi choisir. T'as vu, c'est sérieux là d'un coup, hein, un peu. Non, parce qu'en général, le CPE. Non, mais c'est bien, Christina. Il te demande ce que t'aimes, machin, par rapport à tes résultats, ce que t'aimes, ce que t'aimerais faire, machin. Bah, et puis, ils éliminent et ensuite ressort un. Donc en gros, tu sais pas quoi faire l'année prochaine, ou une fac, ou un BTS, ou autre chose d'ailleurs. Je sais pas du tout. Bah, qu'est-ce qui t'intéresse? Déjà, t'as envie de faire quoi dans la vie? Parce que après t'orientes à partir de là, quoi. Oui, c'est vrai, faut partir de là. En fait, moi j'aimerais bien, c'est genre travailler dans la radio ou la télé, des trucs. T'aimerais faire quoi à la télé? T'aimerais tourner dans Plus belle la vie, Christina? Non, j'aime pas. C'est quoi que t'aimerais faire à la télé, toi? Oh, c'est bien payé, hein. Bah, je sais pas. Le journal du Hard, on nous dit. Présentatrice et tout. Présentatrice de quoi? De journal, tout ça? Pas journal, genre des émissions normales, mais. Une émission, tu serais. Normal Duard. Ta présentatrice préférée, c'est qui? Par exemple, t'aimerais ressembler à qui? Si t'en as une, hein. Clara Morgan. Christina Cordula, j'ai de la future. Ah, la future Christina Cordula. Ma chérie, t'as déjà le prénom, hein. Ouais. Oui, et Clara Morgan, non, t'aimerais pas ressembler à Clara Morgan? Non. Elle a une super carrière pourtant, Clara. Elle présente quoi? Elle présente plus les best-of, les machins. Les trucs de Noël, ils l'ont dégagé. Elle fait même plus ça. Non, ça y est, c'est des rediffs pendant. Le problème, c'est des chaînes de la TNT, vu qu'il n'y a pas trop de sous, c'est multi-rediffuser les trucs. C'est ça. Déjà, ils rediffusent des trucs qui ont déjà été rediffusés par TF1. Non, mais c'est ça, ouais. Non, mais puis les bêtisiers, le même bêtisier, ils vont le passer 20 fois. Tu vois 20 fois les mêmes trucs. Et non, mais Clara Morgan, ça y est, ils l'ont viré. C'est dommage, c'était une des mieux de la chaîne. Ouais, physiquement, je veux dire. Ah ouais, parce que sinon elle servait à rien. Oui, non, mais c'est vrai. Elle lançait Elle lançait deux vidéos en, voilà. Et bien tout de suite, attention, badaboum, ils sont tombés. Et là, t'as la vidéo qui voilà, ouais, c'est ça, ouais. Non, c'était ça, en plus. Ouais, c'est la ça, même ouais. chose. Donc toi, tu sais pas quoi faire pour la suite, donc t'es en L, et tu sais pas quoi faire après le bac, en fait, Christina. T'as un an et demi ouais, pour réfléchir. Ouais, c'est ça, c'est des études, je sais pas quoi faire. Non, mais je sais, ça, c'est prise de tête. Moi non plus, je savais pas quoi faire. En fait, j'avais envie de rien faire, donc c'était assez voilà. compliqué d'expliquer à la conseillère d'orientation. Ouais, mais toi, tu savais ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire à l'école? Ah bah rien. Voilà. C'est clair. Je ne conseille pas de suivre mon parcours, même si je suis le manager du prince du hip-hop, ouais. malgré tout. Ah, quand même, ouais. Comme quoi, on peut quand même réussir dans la vie en ayant foiré ses études. C'est au moins pour rassurer tous ceux qui galèrent un petit peu. Aujourd'hui, Romano, tu serais en terminale, en première L comme Christina. Excuse-moi, je me décrotte les dents. Hein. J'ai vu, oui. C'est pour ça que je mange des légumes, ça reste pas dans les dents. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Ouais, alors, je serai en terminale. Ouais. En première L, comme Christina, tu choisirais quoi? T'aurais envie de faire de la télé et de la radio? Bah, j'essaierais de trouver une école qui fait un truc là-dedans, quoi. Ouais. ouais. Après, par exemple, journalisme, t'as des écoles de journalistes. T'as une belle école à Lille pour les journalistes. Ouais. Ça, c'est bien en plus. Hein. T'habites à Beson, c'est pas le SJ. Parce qu'au moins, t'as une bonne base et après, t'as une certaine crédibilité si tu veux présenter un truc. Oui, donc tu peux faire ça. Et ouais. Bon, et ouais, Christina, tu leur as dit que tu voulais faire télé, radio, journaliste ou présentatrice? Bah, en fait, j'avais fait un stage d'observation en troisième et ils m'avaient tous dit, genre, Master 2 et tout ça. Enfin, de longues études. C'est donc, des après, études. Ouais. Tu sais, plus on fait d'études, plus on a de chance de trouver un taf. C'est pas faux non plus. Hein. Ouais, mais il y en a, ils ont plein de diplômes et ils galèrent, hein, justement. Moi, j'ai un pote à moi pour trouver du taf. Dans son CV, il fallait qu'il enlève des diplômes qu'il a. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il avait trop de diplômes. Ah ouais, c'est pas sinon. Tu comprends pas si t'as trop de diplômes. Ouais, et non, parce qu'en fait, quand t'as trop de diplômes, il devrait être payé plus cher, en fait. Tu coûtes plus cher. Ah ouais. Ah. Donc le mec, il a enlevé plusieurs diplômes, et il a dit, je crois qu'il avait que le bac. Pas ce genre de problème à Skyrock. Ah non. Non, ça c'est clair. Pas besoin de diplôme. Paye moins cher. Non, ça c'est clair. Je suis en fac de langue, après je ferai une école de journalisme. C'est Iman qui te conseille une fac de langue. Après, les écoles de journalisme, il y a une grosse sélection. Ouais. C'est pas facile, quoi. Après, t'as plein de trucs où tu peux être journaliste maintenant. Tu peux être journaliste sur le net, tu peux être journaliste à la radio, tu peux être journaliste à la télé. Ouais, mais après, bon, par exemple, sur le net. Et tu peux aussi travailler dans une chaîne de journalistes et travailler à la télé sans être journaliste non plus. Ils gagnent pas tous leur vie, quoi. Sur le net, il y a un paquet de mecs qui sont pas payés, quoi. Ah, sur le net ou en général, ouais, c'est-à-dire, ouais, si tu veux en faire ton taf, bon. Après, pour t'entraîner et tout ça, c'est bien. Mais quand tu vis de ça, bon, s'ils te payent pas, c'est difficile. C'est clair. Alors, il y a Jay-Z, là, Jay-Z qui nous écoute et qui, tu vois, t'imagines, il réagit pour toi, Jay-Z. Jay-Z qui nous dit keep cool woman. Ça j'aime bien ça. Ouais mais c'est bien. Keep cool woman. T'es qu'en première, t'as encore un an. Et juste en dessous il y a un message de Alipi, 17 ans, qui nous fait mêle encore une année. Elle a le temps. Ouais mais moi je trouve c'est bien d'y réfléchir ouais, avant quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout si, si ça marche pas le truc là, t'es le temps de te rabattre sur autre chose quoi. Ouais voilà. Ouais. Sinon, trouve une radio près de chez toi, comme ça tu peux t'exercer et c'est super, je le fais moi aussi. Ah, c'est Thomas. Eh ben, salut collègue. Ah, c'est bien ça. Sinon, il y a plein de web radio aussi. Ouais, le problème c'est qu'il y a personne qui écoute les web radios. Ouais. Oui, bon, après c'est vrai. Mais quand tu fais de la. Tu vas me dire, moi je faisais de la radio dans ma chambre et j'étais tout seul avec mes cousines. Ouais, donc moi aussi dans ma chambre avec ma sœur. Je faisais ça avec mes cousines, on appelait des gens, on faisait des blagues au téléphone. J'avais un petit micro de merde. Pareil, donc il n'y avait pas grand monde non plus, donc pour s'exercer c'est pas mal. Il y a une école de radio, bah, c'est ici les Moulineaux, qui s'appelle le Studec, 7000 euros par an et ça dure 2 ans. Et c'est le message de Maël Tim le Belge qui nous envoie un message. Non, mais moi je l'ai fait un an. Oui. Et en effet, il y a même Romano qui a été prof. Oui. Romano. Je suis professeur. T'es professeur, tu nous avais jamais avoué ça. Non, mais j'avais jamais dit à l'antenne, vous le savez. Non, mais nous, on le sait, oui. Romano est professeur. Et je peux te dire que. Je peux t'appeler monsieur le professeur. Et je peux te dire qu'avec moi, ça file droit, quoi. Tu mets des mots, tout? Des mots, comment ça? Genre dans le carnet de correspondance. Non, mais ça va, tu sais, ils ont pas 10 ans, les élèves. Non, mais de quoi, y a pas de carnet? Et tu payes. Non, mais si, il y a des carnets, tu vois. Bah ouais, je mets des notes. Déjà saqué un élève? Ça veut dire oui, ça. Non, saqué, bah non, mais après, non, je pense que je suis assez juste. Oui. T'as pas de victime, quoi, ça, comment on va dire? Non, non, moi, putain, moi, après. Non, mais moi, est-ce que. La fin, tu dis, lui, je vais le. Non, mais ce que je disais hier, tu sais, il y en a, bon, voilà, tu sais très bien que. Tu sais, mais c'est comme dans toutes les écoles. Je pense que ce qu'on fait des écoles, t'as des mecs qui sont là, ils sont là parce que. Faire les malins. Non, même pas, c'est qu'ils sont là parce que les parents, ils ont payé, et ils savent pas trop pourquoi ouais, ils sont là, quoi. Pas trop, ouais. Je suis en école de radio, les mecs, tu les fous en école de mécanique, de boucherie ou de n'importe quoi, ça sera la même, c'est que les mecs, ils. s'en battent la race. Bah, ouais. Tu les laisses. Hein. Tu mettrais quoi comme note à l'équipe, Robano? Cédric, pour son travail quotidien. Bah, déjà, pour l'assiduité, c'est-à-dire le fait d'être à l'heure, bon. Tu mettrais de mauvaises notes. Tu lui foutrais des heures d'école. Tous les soirs, t'es en retard déjà. Ah. Ah, bien sûr que non. Cédric, mais on ne vit pas la même vie. T'arrêtes de le sucer, toi, un peu aussi. Cédric vit à Mytholand. Voilà. Non, mais je suis pas. Moi, je suis un prof cool. D'après ce que disent les élèves, là, moi, ouais, je. Ça m'étonne pas. Et non, mais moi, tu sais, je prends pas la tête, quoi. Tu sais, le mec, s'il a pas envie de bosser, il bosse pas. Je m'en bats la race, hein, comme. Ouais, comme il y en a, je lui dis l'année dernière. Hein, tu sais, moi, je te montre les trucs, je sais les faire. Donc, si t'as pas envie d'apprendre, je m'en fous. Hein. Bon, tiens, on a. Tiens, il y a Khaled qui nous appelle, qui est journaliste sur un site internet. Il est payé. Donc, toi, tu travailles sur un site internet et t'es payé pour commenter des matchs de foot, c'est ça? C'est ça. Je suis payé pour analyser les matchs, commenter. Mais c'est quoi, tu commandes par écrit? Parce que là, du coup, si t'es en ligne avec nous, tu commandes pas à l'oral. C'est ça, c'est à l'écrit, c'est à l'écrit. Non, ah ouais, tu fais les fils là, les. Mais les pour quel, tu veux dire pour quel site? Footmercato.net. Ah, il est connu en plus. Ouais, Footmercato, c'est connu. Ah oui, Footmercato.net. Et donc, on peut donner des critiques sur ton site ou pas? J'ai pas entendu parler. Tu peux critiquer ton site ou pas? Si t'as envie, vas-y, fais ton plaisir, vas-y. Non, mais c'est pas critique gratuit comme ça, mais moi je suis pas ultra fan de voir. Bah c'est de la merde. Ah non. D'abord, ça parle trop de Lyon. Non, franchement, je vais te faire une bonne critique, peut-être ça te servira à rien, mais dis-moi. Je trouve que dans votre site, vous vérifiez pas, je sais pas, les infos, j'ai l'impression que vous les prenez sur d'autres journalistes et que vous faites pas vous-même les enquêtes. Non, c'est parce pas qu'il y a ça, trop de rumeurs sur votre site et pour moi du coup, c'est devenu un site limite mytho. Mais non, mais c'est bien justement pour les bandeurs, ceux qui aiment bien les rumeurs. Ouais, mais tu t'en fous d'avoir. Karim, il aime bien lui. Ouais, moi j'aime bien parce que je vais dessus, tu sais, souvent ils parlent du PSG, genre ils vont acheter tel joueur. Au final, ils en achètent pas. Jamais. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais ça fait bander. Tu vois, quand t'es supporter, tu dis oh putain, mais c'est du roman. C'est du roman, c'est pas de l'info. Ah ben moi, je connais même pas. C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'une rumeur se concrétise pas qu'il y a pas d'intérêt. Il y a pas de contact. Je suis d'accord. Mais les vrais journalistes, pour moi, ils vérifient l'info avant de juste plonger dans la rumeur quand un agent te dit machin a été contacté par. Ouais, c'est bien de savoir aussi. Crois-moi qu'on vérifie, t'inquiète pas pour ça. Ouais, vous vérifiez vraiment. Ok, bah, je trouve qu'il y a beaucoup de rumeurs sur votre site et pas forcément des vrais transferts qui se concrétisent. Et donc après, toi, c'est le principe du site, c'est Foot Mercato. On n'est pas officiel Mercato, on n'attend pas que les infos soient officielles pour les matchs. Ouais, c'est je suis d'accord. Ouais. Et toi, par exemple, tu suis tous les matchs de l'OL et tu fais le fil du match. Ouais, à la 40e minute, il s'est passé ça, etc. Et t'es payé combien, genre c'est quoi là au niveau de la rémunération? Parce que Romano aimerait se lancer, maintenant qu'il regarde Téléfoot, il aimerait se lancer dans le commentaire footballistique payant. Non, après, ce qu'il faut dire la vérité, c'est que quand t'es journaliste, c'est pas la rémunération qui compte en priorité, sincèrement. C'est pas le métier qui va rémunérer le plus, faut pas se leurrer. Ouais, surtout sur la net, c'est pas là que ça aurait venir. Non, mais d'accord, mais c'est-à-dire, tu gagnes combien? Oui, Romano aimerait une somme d'argent sonnant et trébuchant. Pas d'argent, c'est pas bien, mais non, je vis, oui, je vis. Non, mais je tu vis, mais dis, bon Dieu, tu vas dire? Non, je ne parlerai pas de genre chiffre, genre le SMIC ou plus que SMIC? Non, mais c'est quoi, t'es payé plus que SMIC, évidemment. T'es payé à la prestation? Ça va déjà. Non, je suis un salaire mensuel, non, je suis. Ah, d'accord, ouais, t'es embauché, t'es salarié chez eux, quoi. T'as une carte de presse? Carte de presse, ouais. C'est bien, t'es journaliste, alors c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, c'est bien, t'as des réductions d'impôts. Ah, sur plein de trucs, ouais. Ouais, non, ça c'est pratique, quoi. Il y en a qui veulent te piquer ta place, là. J'ai eu pas mal de messages. C'est qui le dernier qui nous l'a envoyé? Midou, qui dit comment on fait pour postuler sur Foot Mercato? Comment on fait pour postuler? Bah, il y a une rubrique contact, on peut envoyer un CV, et puis, si ça passe bien, pourquoi pas? Ah, tu voudrais pas me pistonner? Non, mais attends, je suis déjà sur ses côtes, man. Attends. Tu vas commenter quoi, Romano? Bah, tiens, les matchs de foot, hein, je peux dire. Il y a eu un corner. Je commente. Là, c'est la mi-temps. Bravo. Là, il y a une commentaire. Eh bien, là, nous avons un joueur blanc qui passe le ballon. Centre et but. Ah ouais, génial. Voilà, c'est un joueur de Bordeaux. Ouais, et ça, c'est la rediff des buts de tout à l'heure. Oui, là, je sais, mais ça mine de s'entraîner. Non, tu commandes bien, ça va. Et pour ceux qui auraient envie de se lancer là-dedans ou de commenter des matchs sur les sites internet, ou alors de. Il y en a qui veulent commenter, qui veulent se lancer dans le commentaire de son de rap. C'est bon, c'est un peu le même style, je sais pas si ça paye ça aussi. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, toi, Khaled? Comment t'es fait le plan? Comment je me suis retrouvé là-dedans? Bah, tout simplement, j'ai suivi des études en rapport avec le journalisme. Après, j'avais pas les moyens de me payer une école, mais j'ai quand même suivi des études en rapport. C'était quoi, tes études pour Christina? Alors, moi, j'ai un master 2, profession des médias, ça s'appelle. D'accord. Donc voilà, et puis en fait, c'est ce que tu nous disais là, Christina. J'ai fait un dernier à Foot Mercato, le stage s'est bien passé, et puis ensuite on a continué, quoi. Ouais, Master 2, c'est on t'avait proposé ça, Christina. Ouais. Ouais. Bon, ben, ce qu'on peut faire déjà, c'est vous mettre en contact tous les deux, Raled. Bah, pourquoi pas? Je te nomme tuteur de Christina. Eh ben, allez, soyons fous, allez. T'as un tuteur moi-même étant professeur, je pourrais donner des cours particuliers. Hein. En plus, je te donne donc Romano gratuitement. Non, mais sinon, renseigne-toi, là, l'école. Il a pas répondu, hein. Gratuitement, non. Mais là, l'école, là, le studec, on en parlait tout à l'heure, parce que là-bas, il y a une option journaliste, mais il y a des gens hein, qui sont. Ouais. Bah, par exemple, Steph, qui est avec nous le matin, oui. Bah, elle est passée par là. Ouais, elle a démarré par le studec. Après, il y a moi, quoi, je sais pas, je les connais pas, hein, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, sur l'équipe 21, sur iTélé, BFM, toutes les chaînes. D'informations en tout genre, il y en a pas mal qui sortent de là-bas. Hein. Ou de désinformations en tout genre. Oui, aussi, mais bon. Donc, Khaled, mais merci à toi. Et s'il se passe des trucs à Lyon, on te fait signe. Et donc, allez faire un tour sur Foot Mercato, c'est le site de Khaled. Enfin, il est pas à toi, mais enfin, c'est le site sur lequel ouais, tu travailles. Il est pas à moi. Ouais. Bah, merci, c'est gentil. Et puis, tant que je suis là, je passe une petite dédicace à tous mes potes de Foot Mercato, à Alexandre Powell, Dabi Atabi, Jaïd Maclouf, qui sont avec moi là ce soir. Donc, voilà, je leur passe une petite dédicace. Et ben, big up à eux qui nous fassent un coucou sur leur site aussi, tiens. Salut, footmercato.com. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Alors, Samir, tu nous appelais juste pour avoir un petit conseil. Il t'est arrivé un truc dont t'es le galérien du jour, toi. C'est ça, ouais. Alors, c'est quoi? On t'a cassé ta voiture à toi? C'est ça, en fait. Ah, c'est toi, j'ai eu ton message, ouais. Je me suis garé dans une place, on va dire privée, où il y a. Enfin, en gros, je gênais deux places, quoi. Ah. Deux voitures. Oh, casse-couille. Ah, t'es pas un relou, toi, ouais. Et je suis revenu, je trouve ma voiture avec les pneus crevés et trop cassés et tout. Bah c'est un des deux mecs qui t'a fait ça. Ouais, c'est un des deux mecs de sûr, du coup. Sûr, ouais. T'es garé où? C'est que dans ton quartier, c'est des voisins, c'est qui? Non, je suis allé chez un collègue et voilà, je me suis garé en bas de chez lui et... Je sais pas, vous le feriez, vous, par exemple, il y a un type qui se garde devant une rue ou devant votre parking, vous pouvez pas sortir. Mais non, t'appelles les flics. Est-ce que vous lui pétez ses roues? Dans un parking souterrain, le les flics peuvent rien faire. Ah. Moi, je l'ai fait, gros, je l'ai fait, j'ai regretté. Parce que le mec, après, c'est ta voiture à lui. Ouais, ouais. Moi, les mecs, ils me recherchaient, gros, pendant une semaine, mes parents m'ont interdit d'entrer chez moi, tu vois, je devais dormir chez des potes et tout. Je pouvais plus revenir dans ma rue. One kid à Marseille. Non, gros, ils se sont garés, mais des tarés. Genre, ils ont pris à manger, machin, ils se remplaçaient. Pendant une semaine, ils attendaient devant mon immeuble, dans leur voiture, les gars. Pour m'attraper. Oh la tag! En plus, c'est une petite rue chez toi. Ah ouais, ils attendaient devant chez moi et mon père, il était pas là. Fais gaffe parce que dans 30 secondes, Marie va donner le nom de ta rue. Non, je dis c'est une petite rue. Parce que c'est une rue étroite, quoi. Donc ouais, tu les vois forcément. Une seule rue pour les voitures. Ouais, c'est ça, ouais. Et les mecs, ouais, c'est une rue en sens unique. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils attendaient. Donc moi, je m'approchais du quartier, j'ai appelé mon père, je fais est-ce qu'il y a les gars? Mon père regardait par la fenêtre, il fait ah bah ils sont devant, donc rentre pas. Donc je vais retourner chez ma meuf, chez un pote, mais pendant une semaine, les gars. Putain, et t'avais fait quoi là? Parce qu'en fait, le gars était garé devant l'entrée de mon. Moi, j'ai comme un box en fait, sur le bateau. Voilà, exactement, sur le bateau, le gars était garé devant, j'ai attendu, au bout d'une demi-heure, j'ai pété un plomb, en fait, je devais aller au stade, tu vois. Et avoir une défaite de l'OM. En fait, j'étais en retard, mon abonnement, il était dans la voiture, donc je pouvais même pas y aller en métro, donc j'ai pété un cap parce que tous mes potes m'attendaient pour rentrer dans le stade, tu vois. Ouais, donc là, j'ai pété un plomb, gros, j'ai mis deux coups de pied dans les rétros, donc j'ai pété les deux rétros. Et avec ma clé, gros, j'ai pris ma clé de la voiture. Et t'as rayé? J'ai fait tout le tour. Ah, ouais, tout le tour, gros. Culé, ouais. Tout le tour. Et à l'arrière, avec ma clé, j'ai. Bon, j'ai écrit PSG. Voilà. C'est des enculés. Pas loin, j'ai écrit une insulte sur le. Bah, avec le capot. Cédric, là, nous, ça. Bah, là, le mec, il s'y met plus, mais. Depuis aujourd'hui. Il a eu chaud, le mec. Mais là, ça faisait deux jours qu'il y avait un mec qui se mettait à notre place, là, dans le parking de l'appart. Après, il prend la place de Romano, en fait. Et on n'était pas loin de lui faire une bonne crasse, mais. Ouais. Et toi, mais ça peut mal tourner. Ouais, ouais, on s'est dit, ouais, ça va faire des emmerdes. Tout. Samir, toi, tu sais pas lequel des deux t'as fait ça en fait. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que j'avais laissé mon numéro pour. Parce que je savais que je gênais. Du coup, j'ai laissé. Ah, j'en suis un problème à appeler. Ah, ça, c'est pas cool ça. Ouais, déjà, c'est. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'ai pété un cap parce que, sans mentir, hein, j'ai attendu au moins une heure. Et le pire de ça. Attends, vous allez pas me croire, vous qui vous moquez des Marseillais. Oh, j'appelle. Attends, mais je te jure, c'est une histoire vraie. J'appelle la fourrière, gros. Parce qu'au bout d'une heure, j'appelle la fourrière. Mais ils ont pas le droit d'enlever sur. Non, mais gros, le mec me dit quoi? Il me dit, il y a le match. Le mec à la fourrière. Oh, il y a le match. Oh, tu vas pas nous faire chier. Oh, il y a le match. Je suis, mais tu sais pas un foutre. Oh, le gars, je l'ai traité. Il me fait, ah, c'est bon, je suis tout seul, il y a le match. Oh, le gars de la fourrière, il m'a rendu fou. Bah, moi, ça m'est arrivé. Un matin, j'étais arrivé en retard à cause de ça. Pareil. Sors de mon parking souterrain à 5h30 du matin, un mec était garé devant, normal, la bagnole garée, tout fermé, même pas les warnings. Le mec a cru que c'était un parking. Donc ouais, normal. J'attends deux minutes, tu vois, je regarde, je me dis ouais, le mec il est peut-être pas loin, tu sais, il est en train de poser un truc. Tu sais, des fois le matin tôt, il y a les mecs qui posent des journaux, ouais, tu vois. Je me dis ouais, bon, vas-y, j'attends deux minutes. Au bout de deux minutes, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à klaxonner. Gros, j'ai réveillé tout le quartier. Non, mais il y a ma gardienne, hein, elle était sortie en slip. En slip. pyjama. Non mais ouais, en robe de nuit, mais truc dégueulasse. Et il y a des gens de l'immeuble d'en face de mon immeuble qui se sont levés parce qu'ils entendaient un klaxon, tu sais, ils devenaient dingues en fait. On a appelé les keufs sont jamais venus. Le mec au bout d'une demi-heure s'est pointé, il fait désolé, j'étais chez quelqu'un. Je dis mais je m'en branle, je devais partir. Pareil, moi c'était des déménageurs, un mec qui s'est garé devant chez moi. Ah mais sur battre la race. J'arrivais, je klaxonnais. Non, moi il m'a dit par la fenêtre, il m'a dit attends 2 minutes, j'arrive. Attends, je bosse. Ma mère 40 minutes. Moi je vais crever ses pneus gros direct. Je vais crever ses pneus, je suis parti. Hop, il a appelé les keufs sont venus chez moi. En fait, comme j'habite dans un pavillon, il y a un jardin, tu sais, j'étais de l'autre côté j'étais dans le jardin. Pourquoi ? Et je leur parlais, ils me disaient ouais, ouvrez comme ça, on vous contrôle. Je leur disais non, je vous ouvre pas. Je les regardais, non, c'est pas moi. Les embrouilles de Karim. Sympa le life. Ouvre, en termes de commissariat. Ouais, je dis non, j'ai pas envie. Je suis chez moi dans mon jardin. Et qu'est-ce que tu voulais faire, toi, Samir ? Eh ben, du coup, je voulais savoir ce que les gens ils auraient fait à ma place, parce que moi, dans ma tête, en gros, j'aimerais bien lui niquer sa voiture aussi. Ça sert à rien, gros. Ah, mais tu sais pas d'abord lequel t'as fait ça, parce qu'il y avait deux que tu bloquais. Ben, donc tu peux niquer la voiture d'un mec qui est pour. Non mais en plus ça sert à rien parce que là sur le coup ça va te retomber sur la gueule parce que le mec il va forcément savoir que c'est toi. En plus, qu'il va se dire ouais le mec voilà il y a eu ça sur la bagnole, forcément le mec s'est vengé donc c'est lui. C'est vrai. Si lui il est pas con, il va aller porter plainte, il va dire ah le mec il m'a dégradé ma bagnole. En plus à la base bon tu t'es garé devant son truc tu vois donc c'est pas, il a pas à faire ça. Mais je sais mais j'ai laissé un numéro. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une voiture qui était garée là et je cherchais une place du coup. Je tournais autour du quartier et après quand le mec il s'est taillé, je lui ai demandé s'il se taillait, il m'a dit ouais, alors je me suis mis à sa place. Et comme j'ai vu que c'était un peu privé, alors j'ai laissé un numéro pour au moins qu'il m'appelle. Ouais, toi t'as fait ça bien besoin. Ça. Ouais, c'est vrai que toi, il a pas de raison qu'il te paye. Et la bagnole, c'est pas la mienne, c'est à mon père. Et du coup, il travaille demain de bon matin, et du coup, voilà. Il y a Ben 59 qui dit tout simplement, t'as qu'à aller porter plainte, il y en a plein qui ont dit ça d'ailleurs. Ben 18 ans qui nous dit ça. Oui, parce que même si t'es mal garé, le mec, il a pas dégradé ta bagnole. Oui, tu peux porter plainte. C'est clair. C'est-à-dire que, par exemple, la fourrière, il te nique ta bagnole en la déplaçant, t'as le droit de te plaindre, quoi. Ouais, porte plainte. Ouais. Et je salue Callaghan qui bosse dans la livraison à Caen, et qui se met en warning, il bloque les gens, et il rigole quand il les voit s'énerver. Ah bah, enfoiré de Callaghan. Non, mais c'est vrai que, non, mais livreur, ça doit être horrible, quoi. Ouais. À ta place, je me mettrais en position latérale de sécurité. Je pleurerais de m'être stationné comme un con. Ah ouais, c'est Romanox qui nous dit ça. Bah, en fait, t'as laissé ton numéro. C'est vrai que le mec, il est. Non, toi, t'as fait ça. Bien, un gros le con, mec, quoi. Il a mal réagi. Non, mais moi, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est. Je vais chez la sœur de Zizine. On passe la soirée là-bas. On se garde dans le parking. Tu sais, elle nous dit, ouais, vous pouvez vous mettre là. Ça gêne personne. Machin. On rentre. Donc, je sais pas, on redescend. Il est 2h du matin. Là, il y a un mec qui a foutu sa bagnole en travers et qui l'a bloqué parce qu'on était plus ou moins sur sa place. Le mec avait laissé son numéro. C'est-à-dire qu'à 2h du matin, le mec, je l'ai réveillé, hein. Et le mec est venu, tu sais, il était dans le cul et tout. En plus, c'était un vieux là. Et le mec, il me dit, ah, j'avais pris ma place. Je suis désolé. Mais... Et le mec, genre, il a laissé son numéro à 2h du matin. Le mec, il est venu de chez lui. Le mec, il dit, ouais, j'habite à 500 mètres. En plus, je dis, bah ouais, mais t'as qu'à pas me bloquer, hein, mon pote. Non, mais porte plainte. Bah, en même temps, c'est mieux de faire ça. De toute façon, t'es obligé de porter plainte pour l'assurance, nous dit RV92. C'est vrai qu'il a raison. Ouais. Tu portes plainte et puis tu dis que c'est un des deux. Et puis les keufs, ils vont aller les. Au moins, ça va les faire chier. Tu sais, quand tu as les keufs qui arrivent à la maison, ça fait jamais plaisir. Moi, on m'a cravé sale pute sur mon capot avec une faute d'orthographe. Ils ont oublié le E à sale. Je gênais personne. Petite italienne qui donne un message du 51. Je savais pas que t'étais une meuf. Bon, bouge pas, ça. De toute façon, le mieux, c'est de porter plainte. Hein. Porte plainte. T'es en tort sur le fait de t'être garé sur la place du gars, mais le mec, il a pas dégradé ta bagnole. De toute façon, tu dis que tu t'es garé 2 minutes, que t'as laissé ton numéro et que le mec t'a dégradé ta caisse. Ouais, voilà, ouais, tu peux le dire comme ça. C'est la meilleure solution, je trouve. Et cacahuète, oui, à 16 ans. Ah oui, tu n'as pas le permis. Mais dans la rue, on peut se garer où on veut. Bah écoute, quand t'auras le permis, t'essayes, puis tu nous donneras des nouvelles. Tu verras bien. Déjà, fais ça, genre à Paris. Les mecs, tu vas voir ta bagnole. Au bout de 10 minutes, elle est partie. Déjà, quand on peut se garer, c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu galères. Bon, bah voilà, fais ça, Samir. Comme ça, ça t'évitera d'avoir des emmerdes. Si tu lui bousilles sa voiture, tu vas te retrouver en. Ça va te retomber dessus. Ouais. Ok. Bah ouais. Bon, bah merci à toi, Samir. Ah, mais te venge pas, ça va te retomber sur la gueule. Romano articule tellement bien quand il parle qu'il a même son classement sur Skyrock. Top bug. C'est le top bug. Et comme tous les dimanches soirs dans la spéciale de Difool, on se fait le récap du top bug de Romano. Alors, à la 5ème place cette semaine, et il fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Difool, bien évidemment. Difool qui fête ses 29 ans, encore une fois, bon anniversaire à lui. Et il est 5ème cette semaine du top bug de Romano, le bug de Difool. Ce pic, tricky, knick. À la 4ème place, on retrouve le bug qui ne veut rien dire. Elle est troisième cette semaine du top bug de Romano, c'est Pamela avec le bug tu as quel âge? deuxième, un ex numéro 1 du Top Bug, c'est Quackik, un auditeur de Skyrock. Et à nouveau premier cette semaine, le bug antillais de Romano, c'est le bug Kunia Mamaro. Voilà le Top Bug pour aujourd'hui. Donc c'était le récap. Je vous rappelle qu'il y aura les nouveaux bugs de Romano à retrouver en direct mardi soir à partir de 21h dans la radio libre. Le nouveau classement mercredi soir, et bien évidemment c'est vous qui votez, hein. Pour ça il y a l'appli des bugs de Romano et vous pouvez voter également sur le difool.skyrock.com. pour la suite de la spéciale, vous restez avec nous. Il y a Thomas Njijol qui débarque dans l'émission. Thomas Njijol qui est venu faire le con avec Difool, Romano, la Marie Momo, Sami Karim et Cédric le Belge. Il y aura le récap du récap, ça on vient de le faire. Il y aura le Karim Comedy Club aussi à pas louper. Puis tout à l'heure à partir de minuit, Fred et DJ Case pour High Supreme, et du son tout de suite. I Love Mike Conan en provenance de Los Angeles avec Drake, c'est Tuesday sur Skyrock. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et Thomas Njijol est avec nous sur Skyrock. Et oui, mais merci d'être venu parce qu'il est passé en speed en fait, parce qu'il y a plein de trucs à faire. C'est dur d'être Thomas Njijol. Ah, c'est ça. Oui, non. C'est dur. C'est dur la vie d'artiste. Et exactement. Voilà, ouais. C'est la vie de papa en fait qui est pas évident. Ah, il est papa. Ah, voilà, exactement. Bah, félicitations. Oui. Non, ça date du mois de mai. Ouais, c'est ça, il y a quelques mois. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Ouais, mais bon, quand même, ça te focalise. Ah, bah, tu m'étonnes, ça crève. Coup, les nuits, ça... c'est sympa. Écoute, là, ça va. Maintenant, je suis dans un rythme où c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Tout. T'as appris à plus dormir. C'est pardon vrai. T'as appris à plus dormir. Ouais, j'ai appris à me lever tôt, en fait. À dormir d'une oreille, à me lever tôt. Ouais, comme tous les parents, en fait. Voilà, hein. Exactement. C'est voilà, ça. Donc, un nouveau papa, Thomas Njijol, qui est avec nous. Et papa également d'un spectacle qui est prolongé. Super, c'est d'ailleurs. On aurait dit. Non, mais que tu serais cru à la télé, là. Non, le truc parfait. Drucker a trouvé la relève. Drucker ou Laurent Ruquier. Oh putain, merde. Ou les deux d'ailleurs. Ou les deux, bah oui. Laurent Drucker ou Michel Ruquier. Ouais, donc le spectacle il continue jusqu'en avril. Alors il y a plein qui nous posaient des questions tout à l'heure parce qu'on passe ton spectacle à Paris. Donc vous pouvez aller voir Thomas où ça? Au théâtre de Jazet, à République, à Paris. Et t'iras faire un tour en France parce qu'il y a plein qui nous demandaient de ouais, toute je France, sais, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages aussi dans les réseaux sociaux. Ça sera à la rentrée prochaine parce que là je reste toute la saison à Paris. Je ouais, puis après pas. Tu vas te reposer un peu peut-être. Un petit peu, mais non, mais je ça me plaît de monter sur scène. Donc, et même la province, j'ai pris mon pied sur le dernier spectacle. Donc non, j'ai hâte aussi, mais ça sera pour la rentrée prochaine. Bon, Thomas Njijol, que vous avez vu, c'est quoi le spectacle que tu faisais Kerry James dedans? C'est l'ancien spectacle c'est à bloc. À bloc, c'est ouais. Ça, ouais, parce que ouais. Je t'avais vu faire Kerry James dedans. T'aimes ouais. Bien Kerry James? Ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien humainement, parce que je le connais un petit peu, c'est une bonne personne, je l'aime bien. Dans l'équipe, nous aussi, on a des talents, hein. Tu connais tout c'est le vrai. Monde, regarde la Paris. Oui, rebonsoir. Sami le Marseillais. Ouais. Non, Marseillais. Ouais. Quel talent. Cédric le Belge. Ouais. Karim du Karim Comedy Club. Ah ouais. Qui m'a dit et tout ouais. À l'heure, s'il te plaît, affiche-moi pas devant Thomas Njijol. Faut pas que je fasse de blagues devant Thomas et tout quoi. Non, vas-y. Il est impressionné. Non, mais par contre, il en avait fait devant ton pote. Fabrice Eboué, ouais, ouais. Fabrice Eboué qui était venu. Vas-y, mais fais-en ce soir. Il avait été choqué, non, Fabrice. Vas-y, hein, ouais, parce que tu t'es retrouvé dans des films avec Fabrice d'ailleurs. Ah ouais. Exactement. Allez, non, mais sans toi libre, Karim. Vas-y, ouais, vas-y, ouais. Bah, je vais t'en faire une ou deux. Je suis pas du genre à juger, moi. Vas-y, je vais t'en faire une. Tu fais le timide. Enfoiré. Je suis pas du genre à juger, dit-il avec un grand sourire, juste aux oreilles. Ouais, c'est ça. Et puis également Romano. Salut. Ouais. Salut Romano. On s'est déjà vu dans le. Oui, ouais. Le prince du hip-hop. C'est moi, oui. Le prince du hip-hop, c'est son nom. Ah bon? Eh ouais, c'est le prince du hip-hop. T'es pas au courant, gros, de ah bah, t'es le seul. Non, je sais plus. Tu sais que j'ai fait un tube. Il a fait un tube. Non, mais je suis plus in, moi, en fait. Là, je me rends compte. Bah ouais, c'est ça. T'es papa, t'as un spectacle tous les soirs. Tu fais plus rien de ta vie, Thomas. Non, je fais des choses, mais. Faut profiter de la live. Peut-être que je perds un petit mouvement, là, tu vois. T'es plus dans le mouvement. Ça va pas. Exactement, ouais. Faut s'y remettre. Ah là, il faut que je me remette dans le swag, que je rattrape. Tu veux te remettre dans le swag? Écoute bien, tu connais Jason Derulo et Snoop Dogg? Ah oui, la Wiggle, je sais pas là. Wiggle, Wiggle, ouais, Wiggle. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux qui. C'est Wiggle, ça. Wiggle, Wiggle. C'est ça? Ouais. Je la connais. C'est bien ça. Moi, je la trouve ridicule, cette chanson. Elle me fait rire. Enfin, elle me fait rire dans le sens, je pense qu'il. T'as traduit les paroles, non? Non, mais je vais te dire un truc, je la chante des fois à ma fille. Wiggle, Wiggle. Elle aime bien? J'adapte. Elle a le grand papa de 2 mètres qui fait wiggle, wiggle, wiggle, mais sans la tête non, sur le berceau. Genre, elle a un truc rigolo, quoi. Je la trouve ridicule, mais dans le bon sens du terme. Tiens, mais tu sais que le fait que tu nous dises que t'es papa depuis pas longtemps, c'est bien parce qu'on avait Alonso qui nous a laissé un message. Rien à voir avec le psychiatre de la rime. Ah merde, non, c'est pas lui. J'étais flatté. Un Alonso qui a 19 ans et qui voulait savoir si c'était bien d'être papa ou pas, sachant qu'il continue le bahut. Ah, est-ce que c'est bien ou pas? Si vous avez des questions à poser, d'ailleurs, profitez de ouais. Thomas Njijol. Ah bah ouais. Déjà, j'ai envie de lui dire de prochaine fois de mettre des capotes, déjà. Déjà, pour éviter d'avoir d'avoir un enfant. Déjà, c'est quand même une des premières bases. Oui. Bien d'attendre un peu, ouais. Et puis, bon, après, ça reste un heureux événement, mais c'est bien quand même de franchir une, de la vie. Ouais, de franchir une petite étape, devenir un peu un homme, là. Bah 19, ouais, c'est ça. 19 ans, c'est vraiment, quoi. C'est peut-être un peu tôt. On est, ouais, t'as voilà, le temps, quoi. On a un peu le temps, quand même. Les inconvénients, c'est quoi? Parce que les avantages, on imagine, t'as un petit bout de toi qui t'aime, qui te regarde. Comme c'est mignon, violent, s'il te plaît. Ah ouais. Alors, pour ceux que vous avez des jingles. Oui. Non, non, pas du tout, c'est tout à la blanche, pas cher. C'est Radio Libre. Donc bien. Je disais, non, c'est bien, on restait un peu le c'est bien. Ah, exactement, c'est le mot que je cherchais. Tiens-toi prêt, Romano, je refais. Donc c'est mignon, tu as un petit bout de toi qui te regarde, qui t'aime, qui grandit, à qui tu apprends la vie. Exactement. Mais c'est quoi les inconvénients? Ben, sincèrement, je veux te dire, avec le métier que je fais, oui, qui est donc un métier un peu lié à l'artistique et tout, en fait, j'ai aucun inconvénient. Parce que je peux l'amener où je veux. Tu peux l'amener au spectacle? Bah oui, elle vient des fois avec au spectacle, en loge. Elle fait pas de bruit, non? Voilà, ma femme qui est aussi comédienne peut la ramener sur ses plateaux, tu peux la ramener en tournée. Et en fait, j'ai pas vraiment de contraintes, en fait. Mais c'est une chance que j'ai via mon métier. Ouais, voilà. C'est pas tout le monde. Ça, tu peux le faire maintenant, mais après, quand on va rentrer à l'école, ça va être une autre histoire. Bah, quoi. J'aurais plus besoin de la traîner. Tu travailles dans un magasin, J'aurais plus le besoin de la traîner. C'est clair, la journée, au moins, elle sera. Voilà. Non, mais sincèrement, pour moi, c'est pas une contrainte. À part les petites contraintes de sommeil, mais bon, voilà. Ouais, c'est, on s'adapte. Exactement. Deux, trois somnifères. Voilà, oui. Ils font ça très bien pour les gosses maintenant. J'espère qu'Alonso n'écoute pas ce que tu viens de dire. La médecine fait des progrès quand même. Même pas mal. Donc oui, on parlait de Weagle, parce que je vais te parler des talents de Romano. Toi, je t'ai entendu faire Kerry James. Vas-y, fais-moi Kerry James. Voilà, oh là, ça fait longtemps. Kerry James. Non, je t'avoue que j'ai perdu le. Tu m'as pris à froid là, comme ça. Le mélancolique. Romano, fais-le toi. Vas-y. Ah non, Kerry James, non, ça ne fait, j'arrive pas. Kerry James, le mélancolique. Ah, vous êtes dur, Kerry. Non, mais surtout, on essaye. Non, mais surtout qu'en ce moment, le 9-4 est pas au mieux, là. Ça va aller. Ça m'emmerde, là, pour un mec de Maison Alfort. Il y a plein d'artistes, le 9-3 est bouillant, le 9-2 se contient toujours un peu. T'as toujours le 13. Non, il y a Rimka qui est toujours le 13. Non, mais bien sûr, il y a toujours des valeurs sûres, mais on perd un peu de puissance et ça m'emmerde. Je vais peut-être être obligé de reprendre le rap. Je pense qu'on vous l'annonce ce soir en exclu. C'est la journée Le rap t'attendait, quoi. Mais oui, le game a besoin de moi, comme on dit. Le rap game a besoin de toi. Ouais. Le rap jeu. Ouais, je parlais de rap pour te faire écouter. Écoute bien ça. Gigoté. Gigoté. C'est la traduction, la vraie traduction des vraies paroles. Gigoté. Et le rap. Wiggle, ça veut dire gigoté. Ouais, wiggle. Gigoté. Écoute. On joue au chat, mais sans les mains. Seul club me donne envie de me marier. Si je prends des photos pendant que tu danses, je peux te rendre célèbre sur Instagram. On pourrait prendre le morceau de faire rigoler, hein. C'est les vraies paroles. Comme deux planètes. Vas-y, c'est du bon sandwich. Oh, ah, je peux pas rester là. Qu'est-ce que tu sais faire avec ton gros cul? Chico. Oh la vache. Tu sais quoi, j'avais pas pris le temps d'analyser les paroles. Ouais, elle a pris le temps, ouais. Je sentais qu'il y avait une connerie dans que cette chanson. Que c'était profond. Et ben là, j'ai la confirmation. Mais j'ai envie de te dire, ce Jason Durolo, là, depuis le début, quoi. En plus, c'était une de mes blagues avec mes belles filles où je disais, je leur disais souvent qu'il vient d'avoir un enfant, Jason Durolo. Et elle me demandait c'est quoi son prénom et je lui disais au bout du rouleau. Voilà. Ouais. Elle est pas mal, hein. Bah elle est pas mal. J'ai quand même à rassurer derrière le spectacle, c'est autre chose, hein, parce que ça peut nuire quand même. Là, je le disais à des enfants. Vous avez eu un extrait du spectacle le meilleur. Je veux bien de le préciser. Voilà, on sait jamais. Ouais, ça va très vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ouais, si vous êtes avec nous et que vous venez de vous brancher, on est avec Thomas N. Gijol qui ira en tournée en France à partir de septembre prochain et jusqu'en avril à Paris. Théâtre de Jazz. À pas louper. Tu sais que nous, à Jason Derulo, on avait fait une République. Excuse-moi. Très très drôle. Ah ouais, dis-moi. Bah là, on lui avait, mais il avait pas compris. D'accord. On lui avait amené des rouleaux de papier cul quand il était venu nous voir la première fois. Des rouleaux. Et le mec, on avait beau lui expliquer, il ne comprenait pas. Il a rien compris. J'ai l'impression. Il était vexé. Non, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il était content, il souriait. Ouais. Il a pas l'air fin, ce garçon. C'est un peu méchant ce que je dis, mais je sais pas, quand je le vois avec ses pompes en clous. Oui, il a des pompes en clous. En train de danser et tout. Les ballons, il me fait de la peine, je sais pas. Autant tu vois Chris Brown, tu vois Usher, il y a un truc quand tu vois De Rouleau. Ah, tu te dis. Il est au bout, quoi. Au bout. Du rouleau, du rouleau. On y arrive. C'est des choses qui arrivent. Donc, le morceau, la traduction officielle, c'est qu'est-ce que tu sais faire avec ton gros cul? Gigoter. Je vais te dire, dans 10 ans, tu sais que, mine de rien, il construit son histoire et ce qu'on retiendra de lui, c'est. Gigoter. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va vite l'oublier, Jason. Pauvre Jason. Jason, il est rhabillé pour l'hiver. Je l'ai pris pour son grade. C'est bien, en plus, avec ce genre de mec, tu sais que tu les croiseras pas dans la rue. Car il y aura pas de problème. C'est vrai, ouais. T'en as rien à branler. Par contre, tu m'aurais dit la même chose d'un Booba au Carré, j'aurais dit son génial, moi. Je les trouve extraordinaires. Et ils sont français, monsieur. Dans leurs chaussures. Ils n'ont pas, de chaussures à clous, en plus. Ah ouais, ouais. Voilà. Bon, c'était pour Jason Derulo là. T'écoutes quoi autrement donc, du Booba, du Caris? Jason Derulo. Moi j'écoute. C'est bien que t'écoutes du Booba et du Caris parce qu'ils sont en embrouille actuellement. Ouais. Bon après ça me touche pas vraiment ces trucs là. Mais vous pouvez pas se mettre au milieu. Non, disons que ça me fait pas fantasmer ni bander et puis en plus je connais un petit peu Caris donc j'ai un lien d'amitié avec lui tout simplement. Ouais, mais moi aussi, j'étais à l'école avec lui. C'est vrai? Ouais. D'accord. On a même pas eu dans la même classe. Le pauvre. D'accord. T'as échappé à ça. T'as échappé à Cédric à une ou deux années près. Et là Thomas il dit pour quelle chance. Je peux en placer une. Cédric, s'il te plaît. Pour revenir au rap tout court ou même français, j'écoute encore. J'ai une période où j'ai tout lâché. Et là, je suis curieux parce que je trouve qu'il y a plein de choses. Après, il y a vraiment beaucoup de mauvaises choses, mais il y a des choses bien. Toi, tu fais le tri en fait. Mais en fait, sincèrement, je connais le rap depuis que je suis tout petit et depuis sa création. Mais t'en as fait aussi un peu? Non, jamais. Jamais. Dans ma chambre. J'ai jamais eu les couilles de monter en. J'ai la maladie de Eminem. Ce soir, il est là. C'est Thomas Njijol. Et il va nous faire un rap. On va le laisser pendant un quart d'heure. Le freestyle de Thomas Njijol. Bonne soirée, tu as l'antenne à toi. Je trouverai des vieux CD de moi où je me lâche en freestyle. C'est assez pathétique. Prochaine fois, tu nous l'envoies. Ouais, il faudra que tu l'amènes. Tu t'es enregistré? Ouais, non, il y en a. Il y a des bandes chez un pote qui traîne un freestyle extraordinaire où j'étais chaud. Mais. Je faisais des conneries au téléphone quand j'étais petit, moi. Ah ouais? C'est-à-dire que j'avais un enregistreur. Simpson, quoi, vraiment, ouais, je faisais, allô, bonjour, c'est pour une blague. Ah ah, trop drôle. Non, mais bon, en tout cas, non, mais il y a des trucs chouettes. Et là, le dernier truc cool que j'ai entendu, c'est Lino d'Arsenic. Ça c'est vrai que à l'heure où il y a beaucoup de caca, et ben quand t'entends un vieux de la vieille qui justement il dit comme il a dit, il a rien fait depuis 2005, mais il est toujours dans. Lino était en vacances prolongées. Sincèrement, je le trouve ultra talentueux. Et voilà. Lino, le secteur A, Chichi Marie. C'est Lino qui faisait Chichi. Avec Arsenic. Donc les sons que t'écoutes c'est plutôt rap français. Non, et américain, et puis de tout, sincèrement, j'ai plus l'âge. Tu sais ce qu'il y a de bien en fait, quand t'as mon âge? Non, mais c'est-à-dire que t'assumes tout, en fait. Si tu montes mon iPhone, tu verras qu'il y a, tu vois, tout à l'heure, je vais pas te mentir, j'écoutais Eddie Mitchell. Vas-y, fais-nous voir. J'écoute la semaine dernière, j'ai acheté Richard Gottener, tu le crois ou pas? Ah ouais, quand même. Et pour la semaine prochaine, c'est Patrick Sébastien. C'est qui? Donc c'est Rego. Non, mais j'achète. En fait, j'assume tout, j'écoute tout. Et puis. Karine, il fait c'est qui Richard Gottener? C'est ça qui est bien. Tu vois, quand t'es en loge de spectacle, par exemple, tu vois, tu dois te concentrer ou t'as un petit moment, on va dire 40 minutes avant de monter sur scène. Je veux te dire, mon pote, quand t'écoutes Quoi ma gueule avant de monter sur scène, dans une loge, je peux te dire que t'es rechargé, je te le dis. Tu vois, non, mais il y a tout. Maintenant, j'en ai plus rien à branler. Mais quand t'écoutes. Non, mais de toute façon, quand on aime le son, on aime de tout. Bah oui, il y a un âge où t'as honte d'assumer certaines choses avec tes potes, tu vois. Alors que maintenant. D'ailleurs, on va vous demander à vous tous qui nous écoutez quel est le morceau le plus pourri, enfin que vous estimez le plus pourri, parce que parfois on aime un truc et on sait que c'est pourri. Il y a des choses, par exemple, tu vois, là, je vois devant toi. Alors, t'as tous les disques de... Tu as toute la programmation de Skyrock. Là, je vois la playlist. Qu'est-ce qui te plaît? Je vais pas dire de nom. Mais il y en a quelques. Bah, montre. Mais dis-le. Non, case, on met l'extrait. Je vais pas dire de case. Dis le numéro. Appuie sur la case. Appuie sur le bouton. appuies sur la case et tu vas voir. Non, je si j'appuie les trucs ils partent. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'appuies sur un des boutons là, ils partent. Il y en a. Non, il y en a. Attention, il est derrière toi. Je vais commencer par un que j'aime bien. Alors vas-y, commence par un que t'aimes bien. Un que j'aime bien parce que si j'appuie. Attends, je vais t'en mettre. Tu vas avoir des surprises. Je vais te mettre toute la prog. Je te mets la prog française. Si je commence à appuyer sur un truc. Allez, je te mets la prog française d'abord. Là, t'as le choix entre là et là. Alors là, je vais appuyer sur un truc que j'aime bien. Alors t'appuies sur un truc que t'aimes bien. Que j'ai entendu et que je trouve très intéressant. Ouais. Bonjour. Ouais. Putain, oui, il vous a dit j'écoute, si vous le dites pas. Tu lui diras demain que je leur passe le bonjour et que je trouve ce morceau très intelligent. Il s'appelle Dans 10 ans, écoutez. Voilà. Ça c'est bien ça. C'est un peu comme Patrick Bruel, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Et lui il se projette dans le futur, c'est Gizmo. Voilà, bien. Ensuite, je vais en prendre un autre de... que j'aime moins. C'est ça qui vous intéresse. Non, mais putain, ça me fait chier. Écoute, on va s'arrêter là. Non, prends un américain. Je vais être méchant après. Pas être méchant, mais. Ah, t'as le droit de pas aimer, ouais. Ouais, c'est. Après, t'as pas envie de les afficher. Parce qu'après, ouais, j'ai pas envie de les afficher. Tu vois, par exemple, ça. Je vois, par exemple, David Carrera. T'as appuyé. Non, c'est pas moi qui ai appuyé. Mais, ah, si, c'est non, toi. Mais si tu veux, ça serait facile de parler sur David Carrera pour moi. Parce que, mais c'est en fait, c'est ridicule. Parce que c'est facile et c'est pas ce que j'écoute. C'est pas vraiment ma sensibilité. Ouais. Donc, ça serait vraiment. Tirer sur une ambulance et ça serait. Non, mais ça serait. David, ça serait si tu nous écoutes. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis après, il faut avoir conscience que voilà, aujourd'hui, moi, j'ai 36 ans, donc il y a forcément des trucs qui me parlent un peu moins. Tu vois, donc. Mais, après, bon. C'est les goûts hein, de chacun. Voilà, mais non, mais si tu m'en. Mais David Carrera, ça te parle mieux si t'es une fille. Oui, déjà. Non, mais il y a des trucs, sinon. Lui, par exemple, tu vois, je me permets d'appuyer. Vas-y, permets-toi. C'est qui Ah, Gradure. Que je trouve intéressant. Maman veut des petits. Là, on est vraiment. Bon, papa veut du. C'est... Il est extraordinaire ce mec, il a réussi à mettre le Zaïre dans le rap. Non mais si tu connais la culture un peu zaïroise, je trouve qu'il a réussi à mettre le Zaïre dans le rap. Il est sympa Gradure en plus. Ouais, mais il a un truc de vraiment de zaïrois, tu sens que le mec, de toute façon quand il rappe des fois il parle zaïrois gros. Ouais, mais tu sens qu'il connaît sa culture et il a réussi à mettre cette couleur là. C'est pas rien parce qu'aujourd'hui tout le monde fait la même chose. Enfin, beaucoup de mecs se ressemblent mais lui il a quand même réussi à avoir une identité. Et je trouve, le mec est gentil. Quand je le vois, je souris parce qu'il est décontracté. Ouais, il est chouette. Moi, je trouve que quand même, c'est important à l'heure où tout le monde fait des regards sombres et sort des calages dans les clips en faisant des roues arrière. Il faut quand même qu'on sente qu'il y a des fois du second degré et des mecs détendus. Voilà. C'est Gradure. Voilà. Et Terrassé, il sort un album pour début 2015, va dire. Bah, je l'aime bien. Il vient de 59. Et je suis. Oui, d'ailleurs, je parle de Roubaix dans sa ville, dans mon spectacle, très rapidement. Parce que c'est une ville où j'ai joué il y a très longtemps, où j'ai vu un truc qui m'a traumatisé. Qu'est-ce que t'as dit sur Roubaix? C'est quoi? Non, j'ai vu sur un mur un tag qui m'a marqué à vie où il y avait marqué Nick Noël. Nick Noël. Et là, ça va loin là. J'ai grandi dans le 9-4, j'ai tout vu quoi. Nick la BAC, Nick la police, Nick ta mère. Mais alors le Nick Noël, je me suis dit. Le mec savait pas quoi. Ils doivent souffrir quand même. Quand on arrive à niquer le Père Noël, c'est que t'as plus rien dans le. Fuck le Père Noël. Voilà quoi. Sans déconner, la démarche de Nick et Noël. Waouh! J'ai dit, tiens, les mecs, ils ont mal ici. Ouais. Bon, c'est marrant, c'était un peu ta playlist ce soir. Ouais, c'était ma playlist. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus long, mais bon, il y a plein d'autres. Tu vois, j'ai pas cliqué McTayer qui est venu me voir en spectacle. Ah, McTayer avec. Il est avec nous. Oui, c'est la famille. Hein. Ah, t'as vu les gars, la famille. Non, c'est le poteau, McTayer. Attends, je te rapproche de toi. T'as appris que t'as failli te retrouver en cours avec Cédric. Ouais. Maintenant, la famille, fais gaffe. Non, McTayer, il est venu la semaine dernière, c'est le poteau. Non, mais McTayer, il est venu en. Il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup touché d'ailleurs sur mon spectacle parce que qu'est-ce qu'on dit sur ton spectacle? Parce que moi j'ai pas vu, moi j'ai vu bah, si j'ai vu le non, ça serait, je suis mal placé pour en parler, mais le spectacle avec Kerry James, moi. Je te parlais plus de ce que, en tout cas, de ce que m'a dit McTayer. Il m'a dit que je faisais partie de la cour des grands avec ce spectacle. Bah oui, regarde, voilà. Ça fait plaisir. Non mais ça m'a touché parce que clair. En fait quelque part je lui ai dit, tu vois, moi j'habite à Paris maintenant, tu vois, je me suis assagi entre guillemets, mais par contre j'oublie pas d'où je viens. Donc qu'un mec comme McTayer, c'est assez du coin de l'œil, je me disais je vais voir ce qu'il va me dire, tu vois. Et entre nous on se connaît dans le sens où tu tu sais, quand les mecs sont politiquement corrects, ouais, cool, ouais, ouais, non, lourd, lourd. Okay. Oh. Quand ils commencent à dire lourd, ah, trois fois, ils s'en vont, c'est que t'as fait de la merde. Okay. Mais ils disent, encore, derrière, quand ils se battent, ils disent, ah, c'est tout pété, mon frère. Tu vois, mais là, il a pris le temps, il m'a attendu, il m'a, et longtemps, tu sens. Et après, on a parlé, et j'ai vu qu'il était sincère, et ça m'a touché parce que. Parce que voilà, tout simplement. Lui aussi, il sera d'abord l'année prochaine. Bah ouais, mars, avril. Il a tout mon soutien. Ça fait un moment qu'on se croise et qu'il m'a dit qu'il concocte son truc, ouais. Tu vois, en douce. Et... Il y a Maître Gims d'ailleurs dessus, là, sur ce morceau. Ouais, non, je l'ai entendu. Et non, mais c'est très bien. Ça, voilà, c'est le rap aujourd'hui, c'est devenu au sens noble une espèce de variété. Je dis pas ça dans le sens péjoratif. Donc c'est bien qu'il y ait plein de couleurs, de tendances. Ouais, c'est plus facile d'accès qu'à l'époque. Bah, disons que les gens ont grandi, tu vois. Les gens ont grandi. Donc, surtout toi, parce que moi j'ai des amis, ils n'ont pas. Ouais, moi pas des masses, mais. Ah merde. Il a sauté des étapes, il a pas conduit, il a perdu des cheveux. Ah merde, d'accord. Tu remarques, hein. Oui, j'ai vu ça. Non, mais là je suis assis quand même, hein. Ah bon, oui, je te le dis. Tu fais bien de le préciser. Et là il va se mettre debout. Donc j'ai pas de jambes. Ah merde. Quand je suis debout, je suis plus bas. Oui. C'est pour ça qu'on te précise qu'il est assis, ouais. D'accord. Thomas Gijol avec nous sur Skyrock. T'as des petits surnoms, on parlait des petits surnoms qu'on avait dans ce qu'on a eu tout à l'heure, un auditeur qui avait un petit surnom qui avait du mal à le supporter. Alors Cédric nous a raconté qu'il se faisait appeler plus la merde, ce qui n'est pas très gentil de la part de ses amis. Tes potes, ils sont pas sympas, Cédric. À un moment, il va falloir arrêter avec ça, parce que je vais vraiment me vénère. C'est ça, ouais, c'est Caris. Qu'est-ce que je l'affiche quand t'es des invités? Surtout toi, parce que t'es bien. Plus la merde, c'est. Bah, bref. Gros, tu veux venir? Non, je disais pas pour toi, j'allais finir ma phrase en disant que c'est dur quand même. Moi, en surnom, non, écoute, j'ai pas de surnom. Il y a des gens qui ont pas besoin de surnom. Tu vois, regarde Victor du 49 qui dit, moi j'ai un prof de musique qui s'appelle Monsieur Bâtard. Dans ce cas-là, c'est vrai que tu n'as pas besoin de surnom. Putain, et tes profs qui t'appellent Bâtard, c'est chaud. C'est son vrai. Ouais, bon, ouais, écoute. Son vrai. Ouais, c'est son vrai. Non, moi j'ai des profs, on les appelait Bâtard, mais c'était pas leur vrai nom. Ouais, c'est pas sympa. Ouais, donc t'avais pas de surnom? J'ai eu des surnoms dans le foot, en fait, quand je jouais au football. C'était? Un des noms qui est carré, qui non. Non, mais un petit peu d'ailleurs. Non, jamais remplaçant. C'est trop nerveux pour être remplaçant. J'étais obligé d'être titulaire. On m'appelait Pascal Thomas, en fait, quand j'étais plus jeune. Pourquoi Pascal Thomas? Dans mon quartier. Non, c'était en référence à Pascal Nouma. Pascal Nouma pour son côté exil ou pour pas pour sa période turque où il se tripotait. Pascal Nouma, c'est un ancien joueur du PSG et de l'OM qui a fini en Turquie, ce qui est une star en Turquie, mais bon, en fin de carrière, il avait un peu des délires chelous, quoi. Il a fait un geste qui a écourté sa carrière en Turquie où il a célébré un but en se caressant les testicules. Voilà. Et là-bas. Donc c'est un peu original. Et là-bas, ça l'a pas fait. Après, il a fini, il faisait des émissions de télé-réalité. Il a même fait du cinéma là-bas. En tout cas, moi, la référence a été due au fait que j'étais un bon joueur, mais des fois, devant le but, j'étais un peu des styles. Non. T'imagines le truc? Tu vois, tu as beaucoup excité la Marie, là. Non, j'avais un côté. Pascal Nouma, elle était connue pour rater des actions, et bah, moi, j'avais aussi un peu ce petit talent. Je suis capable de dribbler 12 joueurs, et à la fin, voilà. De foirer, ouais. Foirer comme une merde. Bon, en tout cas, merci pour les messages. J'ai pas lu les messages pour toi, mais regarde, ça fait bien d'entendre Thomas Njijol. J'ai hâte de découvrir le nouveau spectacle. Mais c'est pas le nouveau spectacle, c'est le spectacle qui se prolonge, hein. Mais c'est le nouveau spectacle. Oui, c'est pas le dernier. Je l'ai commencé en octobre en même temps, tu vois. Oui, il est tout frais aussi. Il est tout nouveau, et c'est vrai que, en fait, c'est parce qu'il a du succès que je prolonge. Parce que c'est vrai que t'as tendance à banaliser le fait que j'ai du succès. Et je pense que c'est important que je le dise à tes auditeurs. Il est aussi grand que son succès. Thomas Njijol, tu fais combien, 1m90? 92. Putain, je vois les questions. Ouais, t'as vu. Est-ce que t'écoutes Eminem, tiens, le message de Marshall? Oh, les questions, putain. Qu'est-ce que tu penses de Caris, Thomas, non, puissance 93? J'écoute plus Eminem, je le trouve ultra ringard. On lui dira la prochaine fois qu'il est de voir. Ouais, non, mais depuis qu'il a fait de la chirurgie esthétique, j'ai arrêté Eminem. Tu crois qu'il a fait de la chirurgie esthétique? Ah, mais ça se voit. Romano aussi. Romano m'avait dit, il a fait de la chirurgie esthétique. Non, mais il s'est fait lifter, mais le mec, il a une tête de poisson. J'ai fait une photo avec lui. À chaque fois que je montre la photo à quelqu'un, les gens, ils pensent que c'est au musée Grévin. Personne ne me croit que c'est le vrai. Non, mais encore, quand il était venu. Il est en plastique, le mec. Quand il était venu, il en avait déjà fait. Mais là, depuis, c'est encore retapé la gueule. La dernière photo de lui. Ouais, c'est le musée Grévin. Le mec, tu sais, comme il va finir, comme tu te rappelles de Guns N' Roses, ouais, bah il va voilà, finir comme Axel Rose. Ah ouais. Ouais. Ah bah voilà. Ah bah merde. On sait pas brillant. On peut terminer plus mal avec les chirurgies esthétiques. Regardez la mère à Stallone par exemple. Non, pas les mères. Ah si, la mère à Stallone, tu peux aussi. Ah ouais, mais la gueule qu'elle a. Ah si, on dira Bulldog. Ah ouais, ouais. Non, même celle de Sly, on peut pas toucher à Rambo. Touchez pas à Rambo. Bon bah pas loupé dans toute la France aussi, mais tu reviendras nous voir quand tu démarreras dans toute la France. Je reviens, vous êtes pas loin. Tu vas venir te voir aussi. Ah bah oui, passé. En même temps. Mais tu sais que c'est la dernière fois, on lui avait dit attends, mais on va venir te voir, hein, Thomas. Bah ouais, jamais mais on est venu. Ça fait 10 ans qu'on lui dit jamais. Enfin, ouais, on l'a même pas vu, gros, le film. Mais est-ce que vous avez le temps d'aller au théâtre? Ah non, le week-end peut-être. Bah ouais, le week-end. Bon bah vous passez ce week-end. Ah bah voilà, ah bah carrément. Ou la semaine prochaine. Là on va lui dire, il va te 10 places. Vous en aurez. Manu, il faut 10 places qu'il va les vendre devant. Ah d'accord, ok. Tu prends bien ton prénom. Tu vois. Mais j'adore, je les adore aussi. Je suis obligé de m'en rattraper derrière. Ouais, il faut toujours. Ouais. On sait jamais. Tu dis, je suis allé trop loin. Donc un drive-by de caravane, ça va vite. Bref, excusez-moi. Bon, Thomas et Gigi, en tout cas, pour vous ce soir sur Skyrock et sur scène, bah, c'est gentil d'être passé nous voir. Écoutez. En speed dessus. Et il y a des avis sur Gradure, sur les sons que t'écoutes. Voilà, sur Gradure, sur Mike Tailleur, sur Blacko aussi. Et sur David Carrera aussi. Sur David Carrera, que j'ai vu un petit reportage sur lui, je savais pas si c'était un fils de son père, c'est une star au Portugal. Une star de la chanson portugaise. Ouais. Ouais. Non, mais il est mignon. Moi, c'est un peu le Johnny portugais, quoi. C'est comme si le fils. Non, plus Rolio Iglesias, je crois. Plus Rolio Iglesias. Non, mais il est plus dans un truc, je crois, séducteur, son père. Oui, c'est ça, exactement. Il est pas rock'n'roll. Famille de lover. Voilà, une famille de lover. Ouais, de lover. De lover. Bon, ben. Regard... Ah non, j'avais parlé des. C'est pas vous, c'est Energy Music Award. Non, c'est pas nous. Ouais. Confirme. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Mais bon, Pourquoi, c'est bon. Ça sera une autre émission. D'accord, bon, on fera la prochaine fois, tu reviens et tu nous parleras d'Energy Music Award. Là, par contre, sur Okalash, là, sur tout le monde. Là. Après, tu risques d'être wanted encore une fois. Là, tu t'es fait suffisamment d'amis ce soir. Là, il n'y a aucun problème. Bon, le spectacle, ça promet, nous dit Moukir. Bah écoutez, profitez bien. Le père de David Carrère s'appelle Tony Carrère. Ouais, c'est Tony. Ça. Ouais, bon. De toute façon, ça changera plus. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Ça changera pas notre vie non plus. Tony ou Cristiano? Bah merci Thomas en tout cas. Bah merci les amis. Thomas et Gigi, la spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Bon moment avec Thomas et Gigi, avec Difool Romano, la Marie Momo, Samy Karim et Cédric le Belge. Des photos à retrouver sur tous les réseaux sociaux de Skyrock, difool.skyrock.com, Facebook, Twitter. La totale, on vous a mis plein de photos également à des grandes marches aujourd'hui dans toute la France. Vous étiez des centaines de milliers. Vous nous avez bombardé de photos, de messages tout au long de la journée. Donc on vous a mis tout ça pareil sur tous les réseaux sociaux de Skyrock, les grandes marches pour la liberté. Il y avait Difool, Fred, on a passé une bonne après-midi avec toute l'équipe de Skyrock, la Marie, Cédric le Belge, il y avait Karim, Pierre Bélanger, le boss de Skyrock, donc voilà, puis une grosse partie de l'équipe, il y avait Steph, il y avait tout le monde, donc pareil, hein, des photos à retrouver sur tous les réseaux sociaux de Skyrock. Le Karim Comedy Club, pour terminer la spéciale de Difool, on se prépare, il y a Fred et DJ Kays aussi qui arrivent, allez, dans 5 minutes à peine pour Rail Suprême, une heure de rail, comme tous les dimanches, pour terminer le week-end, Rail Suprême en prépa. Puis Gradure aussi, le nordiste qui arrive avec Jamais sur Skyrock. Gradure, le nordiste sur Skyrock qui arrête son album L'Homme au Bob qui va sortir dans les semaines qui viennent, l'un des gros albums, l'album le plus attendu de ce début d'année 2015. On aura l'occasion d'en reparler très très bientôt. Fred et DJ Kays qui se mettent en place pour Rail Suprême comme tous les dimanches et juste avant termine la spéciale de Difool avec le Karim Comedy Club. Mesdames et messieurs, bienvenue au Karim Comedy Club. Le Karim Comedy Club, notre petite tranche de rire tous les soirs. Allez, c'est parti. Eh ouais, man. Allez, vas-y, fais péter, Karim. Alors, petite blague, t'as les cons pour commencer? Allez. Oui. T'as des blagues sur qui aujourd'hui? T'en as sur Cédric, non? Ouais, j'en ai, man. T'en as sur Romano, non? J'en ai aussi, j'en ai un peu sur tout le monde, man. C'est bien, c'est bien. Ah, petite blague, t'as les cons. Quel était le jeu préféré de Ben Laden quand il était petit? Alors, je sais pas, le saute-mouton, non? Le risque, mais... le truc, un truc avec deux tours. Saute-mouton, c'était pas mal, non? Saute-mouton? Ouais. Eh non, c'est les tourniquets. Les tourniquets. Très bien. Allez, peut-être une autre. Alors. Alors, c'est Cédric qui rentre dans un bar et qui commande direct cash 10 verres de whisky. T'as le serveur là qui le regarde, intrigué, lui demande pourquoi 10 verres de whisky. Là, t'as Cédric qui lui dit, voilà, je fais ma première pipe. T'as le mec du bar, il est content, il lui dit bon, tu sais quoi, mais je la connais, celle-ci. Il lui dit bon, tu sais quoi, le 11e c'est pour moi, la Cédric, il lui dit non merci, j'espère qu'après 10 j'aurai plus le goût dans la bouche. Ah, ouais. Super. Tu vois, dès qu'il y a Cédric dedans, ah, ouais, super. C'est, ça monte en niveau là. Tu vois, vas-y, fais celle sur Romano là. Alors c'est Romano qui attend Cédric qui revient de l'Institut de beauté. Au bout de 3 heures, t'as Cédric qui arrive. Il y a du boulot, 3 heures seulement. Ouais, au bout de 3 heures, t'as Cédric qui arrive et là t'as Romano qui le regarde et qui lui dit bah c'était fermé. Et une autre sur Romano là. Une autre sur Romano. Ouais, c'est tu m'as fait tout à l'heure là. Ah oui, si, c'est Romano qui rentre dans un bar. Il va voir direct le serveur. Il lui dit vas-y, mets-moi une bière avant que ça recommence, vite, vite. Là, t'as le serveur direct, il lui sert une bière. Romano, il tape la bière. Romano, direct, il lui dit vas-y, remets-moi une deuxième bière, vite, vite, avant que ça recommence. T'as le serveur qui lui met une deuxième bière. Ainsi de suite jusqu'à la 10e. Romano, il tape la 10e. Il dit au serveur vite, vite, une 11e bière avant que ça recommence. Là, t'as le serveur qui lui dit ouais, ben t'es bien beau, mais à un moment donné, il faut payer. Là, t'as Romano qui lui fait et voilà, ça recommence. Elle est bien celle-là. Ouais, ça te va bien. Elle est bien, ouais. T'es bien radin dedans, c'est ça. Ah ouais, ouais. Tu l'aimes bien ça. Yasmine, Samy, tiens, vous nous laissez vos blagues également hein, sur les messages. Ouais. Qui nous dit vous savez pourquoi les girafes ça n'existe pas? C'est, ah ouais, c'est un coup monté. Exactement, ouais. Ça n'existe allez, pas. Allez, c'est un coup monté. Et comment faire rentrer quelque chose dans la tête d'une blonde? Comment faire rentrer quelque chose dans la tête d'une blonde? Je crois que je la connais. Ouais, moi aussi, pensé, j'ai bien entendu, je sais pas quoi dans l'oreille. En lui greffant un vagin dessus. Ah non, mais. Super, ça peut marcher également avec Marie. C'est vrai aussi, ouais. Ah, c'est malin. Ça va bien. Blague sur les blondes, blague sur Cédric, ouais. C'est mes préférés, moi. C'est les meilleurs. Merci Karim pour cette belle série du Karim Comedy Club. Vous, bravo, vous envoyez vos messages à karim@skyrock.com. Bravo. N'hésitez pas. Et tout au long de la soirée sur le 41-759, l'appli Skyrock, vous envoyez ça. Et vous rentrerez vous aussi peut-être dans le Karim Comedy Club. Eh ouais, Inch'Allah. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Ouais, minuit 4, la spéciale, c'est terminé pour ce soir. Bah, merci à vous tous d'avoir été fidèles au rencard. Les moments les plus ouf, les plus marrants, les plus trash également de la radio libre. On se les fait tous les dimanches sur Skyrock entre 21h et minuit. On a une grosse semaine en prépa. Hein. Tout à l'heure, vous retrouvez le morning de Difool en direct avec Romano qui était malade aujourd'hui. On espère qu'il sera rétabli. Donc voilà, Difool Romano, Cédric Cariol et Karim Boubou en direct tout à l'heure entre 6h et 9h pour une grosse matinée de conneries. On va continuer à rire sur Skyrock, bien évidemment, avec les 1 500 € à gagner, des iPhone 6, des séjours à Disneyland Paris, des drones, également journée Soprano, également demain toute la journée dans la roulette avec toute l'équipe, vous repartirez avec vos invités pour retrouver Soprano en tournée Skyrock dans toute la France. Il y a 200 places en jeu pour attaquer la semaine dans la roulette. À 20h, le retour de Lino dans Planète Rap. Son album s'appelle Requiem, l'album de Lino d'Arsenic à découvrir. Donc voilà, semaine double pour Lino qui sera là entre 20h et 21h, et puis la Radio Libre, le retour en direct à pas louper sur Skyrock. Ça sera demain soir à partir de 21h. Fred et DJ Case qui sont connectés, on y va pour une heure de rail comme tous les dimanches soirs. C'est parti rail suprême sur Skyrock. Let's go.